Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 13. Je procède au rappel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous soutenir en nous faisant des dons en crypto-monnaie, exclusivement en Monero. Tout est expliqué sur le site à droite de Démocratie Participative. C'est pas très sorcier. Alors pour voilà, alors l'espace de discussion, c'est bon, on a 2-3 détails, mais l'essentiel est en place, donc c'est vraiment normalement cette semaine c'est bon, je vous le dis tout de suite. Ça c'est au moins c'est réglé, voilà, ça arrive tout de suite. Voilà, il y a juste 2-3 détails sur lesquels on finalise, mais c'est vraiment c'est bon. Le plus dur est vraiment fait, donc ça c'est réglé. Vous pouvez partir du principe que c'est acquis. Les dons. Premier don, bonjour à tous chers démocrates, je vous fais parvenir un don de 1,088 Monero pour aider à servir notre cause qui est juste. Dans ma petite ville du Val-de-Loire, le virus n'a pas réduit la pollution visuelle des migrants se baladant à vélo. Dernièrement, le centre d'accueil les avait même dotés de trottinettes électriques pour qu'ils puissent zoner sans faire trop d'efforts physiques. Ce pays est magique. Bonne émission à tous. Et c'est FL qui nous soutient. Merci à toi FL. Don numéro 2, bonjour à tous nos amis démocrates. Vous trouverez dans votre wallet, donc portefeuille, quelques shekels, 0,2 à Monero. Merci 6 millions de fois pour votre travail de réinformation. Et c'est RageMod, merci à toi RageMod de nous soutenir. Don numéro 3, bon confinement à l'équipe et aux auditeurs. C'est Mélas Autocrator, qu'on connaît, hein, qui est un mécène régulier et qui nous fait un don de 0,5 Monero. On remercie Mélas pour son soutien. Je présente maintenant les membres de notre émission de cette semaine. Nos membres hein, sont, comme nous tous, hein, ils suivent les événements au jour le jour. Je commence sans transition aucune, et je commence avec Poporovitch, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre depuis son bunker. Hein. Toi, t'as pris les devants, hein, tu t'es pas laissé abuser. Comment ça va, Popo? Ça va très bien, effectivement. Oui, oui, j'ai fait 2 semaines avant tout le monde, j'ai fait des réserves de pâtes et de PQ. Ce qui fait que moi, j'ai plein de PQ, en fait, et des pâtes. Le virus ne passera pas par toi. Ah non, pas par moi. Ou en tout cas, s'il passe par moi, je crois que je vais aller rendre visite à certains de mes voisins boomers très, très bientôt. D'accord. Et avec nous aussi cette semaine, MacDav. Comment vas-tu, Mag? Eh bien, écoute, confined. Hein. Donc, effectivement, ce qui est bien avec le PQ... C'est que ça, c'est pratique pour les pâtes, vu que c'est plein de fibres, les pâtes, le PQ, ça va très bien avec. J'avais pas compris pourquoi les gens s'étaient rués sur le PQ, et maintenant j'ai compris. Ce peuple a une intelligence pratique insoupçonnée. Pierrot est aussi avec nous en ce jour. Comment vas-tu, Pierrot? Bah écoute, bonjour Gandalf, bonjour à tous. Bah écoute, confiné, mais toujours en vie, voilà. Still D'accord. Alive. Still alive. Fulbert est avec nous cette semaine aussi. Comment va-t-il, Fulbert? Comment va-t-il? Ben, Fulbert va bien. Merci, Gandalf. Bonjour et bonjour à tous. Diabolix est avec nous cette semaine aussi. Je suppose qu'il est, comme Porovitch, dans son bunker. T'as déployé des MG42 un peu partout, tenu de sécurité contre la guerre bactériologique. Comment ça va, Diabolix? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Ça va merveilleusement bien. Les chakras sont ouverts. Je fais zazen toutes les 60 secondes. C'est absolument merveilleux. Et pour être sûr, j'ai congelé du papier cul pour ne pas en manquer et pouvoir en planter prochainement. Et enfin, le cardinal est avec nous cette semaine également comme de juste. J'aurai une très belle histoire d'un des membres de ta congrégation, mais je laisse nos auditeurs. Ah oui, mais comment vas-tu Bien écoute, je subis moi aussi le confinement, à risquer de se faire arrêter par des représentants de l'autorité maghrébin si tu t'éloignes de ton domicile pour aller courir sur des trottoirs larges de 8 mètres. Donc je mets en danger, paraît-il, la civilisation et risque de... Dont les maghrébins sont dépositaires, comme chacun sait. Bien oui, sûr. Oui, oui, l'autorité des maghrébins ou des femmes obèses, hein, ce qui est un petit peu le même symbolique de merde. Donc voilà, je vis très mal cette période de confinement absolument injuste. Oui, oui. C'est comme ça, si évidemment tu es dans le respect de la loi, tu t'approches vers eux, plein de sueur, avec un grand sourire, et tu leur fais signe que tu veux un free hugs. En mode gauchiste, et là généralement ils vont reculer. Mais bon. Aux États-Unis, ils ont classé ça comme attaque terroriste. Hein. Je tiens à vous préciser les choses. C'est bon, aux États-Unis, pas en France. Messieurs, je vous propose de commencer sans transition aucune notre émission. Je vais débuter avec la rubrique numéro 1. Question des lecteurs. Bonjour chers amis, c'est avec un plaisir non fin que je vous écoute toutes les semaines, l'émission du mardi est une véritable bénédiction, je vous écris car j'aimerais un avis sur ma situation. Je suis un jeune homme blanc qui a la vingtaine et je travaille temporairement jusqu'à fin juillet dans un supermarché en région parisienne occupée. Je souhaite reprendre les études dès septembre et repartir pour une sixième et dernière année dans le droit. J'ai plusieurs destinations en tête, La Rochelle, Pau ou encore Besançon, des endroits qui, je l'espère, sont préservés. Alors... Pour Besançon, je pense c'est un petit peu compromis, Pau peut-être moins, mais bon. Mais j'hésite à quitter la France. J'aimerais aller à l'Est. Ukraine, Estonie, Finlande. Mais j'ai peur que faute de moyens, cela ne puisse se faire. La chance que j'ai, c'est que je réside chez mes parents et que je n'ai aucune dépense, ou presque. Ainsi, je devrais avoir mis de côté d'ici juillet, août, environ 8000 euros. Les événements des derniers jours, fermeture des frontières européennes, confinement pour une durée indéterminée, restriction des libertés individuelles, me font grandement réfléchir et pourraient remettre en cause mes idées de départ à l'étranger. Ce pays devient invivable, et en tant que blanc, je ne suis plus le bienvenu. Je crains des mesures de blocage d'argent sur mon compte bancaire ou d'autres réglementations qui pourraient tout venir ruiner, donc de ces projets. Hein. Je suis en plein questionnement. Je pense qu'à 20 ans passés, on n'a pas encore la compréhension du monde nécessaire pour prendre des mesures adéquates. Inutile de me tourner vers ma famille, malgré tout l'amour que j'ai pour eux, ils vivent leur vie sans se poser les questions nécessaires. Sur ce qui se passe actuellement, leur seule source d'information reste le journal de TF1, BFM TV et Plus belle la vie, c'est dire. Tous les gens que je côtoie sont comme ça, ils vivent leur vie en espérant éviter le virus, travaillent, gagnent leur salaire pour acheter des clopes et faire des cocktails ultra-alcoolisés et écoutent du rap nègre. Je suis donc seul, complètement seul. Mais c'est aussi ma force. Je veux juste mener une vie de blanc dans le pays qui m'a vu naître, mais les juifs veillent à ce que cela devienne impossible. J'ai besoin d'aide. J'espère pouvoir obtenir un début de réponse auprès de vous. Et c'est Michel qui nous écrit. Alors, qui veut répondre à Michel face à la situation? Donc, en gros, hein, c'est quelqu'un qui travaille, hein, mais qui a visiblement une sixième année de droit. Alors, je ne connais pas l'état de son cursus, bien sûr. Enfin, c'est quelqu'un qui est quand même très avancé dans le droit. Il veut pas visiblement finaliser ça en reprenant ses études. Il y a peut-être eu un petit moment où il en avait marre. Il veut changer d'air complètement. Mais il s'interroge sur, en fait, un hypothétique même départ de France. Alors, il y a peut-être, c'est un sujet tiroir, il y a peut-être plusieurs choses qu'on pourrait aborder, mais qui, comme ça, de prime abord, a quelque chose à répondre à notre jeune auditeur? En perso, en général, pour la théorie, j'incite les gens éduqués et qui sont conscients des difficultés raciales de la France, effectivement, à envisager l'expatriation. Et surtout, s'il dit qu'il a mis 8000 balles de côté, effectivement... S'il veut aller en Europe de l'Est, c'est très confortable pour débuter. Par contre, bon déjà, j'ai envie de lui dire, je suis pas son père, hein, il fait ce qu'il veut. Hein. Effectivement, attends que les événements se calment un peu, parce que là, ça compliquerait les choses de vouloir partir maintenant à tout prix. Mais enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas partir non plus. C'est-à-dire que là, il a fait donc 6 années dans le droit, c'est ça? En tout cas, il a fait 5 ans, apparemment, il voudrait aller vers une sixième. Donc, pour se reconvertir, je sais pas, Ouais, c'est du presque droit en français, Ukraine, donc par c'est exemple, quand même. ça serait compliqué, quoi. Donc, à moins qu'il soit spécialiste dans du droit international et puis qu'il trouve. Ça serait dommage de gâcher 6 années non plus, quoi. Donc, moi, dans la pratique, je dis souvent aux jeunes qui ont de l'avenir, ouais, effectivement, faut envisager ça. Je pense que dans son cas, ça serait peut-être un petit peu dommage. Voilà, c'est mon sentiment, ça vaut ce que ça vaut. Après, c'est quelqu'un qui a pas l'air d'avoir peur de travailler, qui a pas peur d'aller travailler dans un supermarché, etc. Donc, qui est pas du tout rebuté par les travaux manuels. Mais ça, tu vois, quand tu arrives à 6 ans de droit, d'accord, ou 5, peu Ah oui, importe. non, mais tu le vis pas bien, ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est Non, donc mais c'est. même, j'ai envie de dire, moi, je suis pas égalitariste, mais vraiment jusqu'au bout, j'appelais la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément les capacités de se taper 5 ans de droit. Je parle pas forcément même d'intelligence. Je parle juste de gens qui sont assez pugnaces pour aller jusqu'au bout de ce processus. Et donc, se retrouver après, en Europe de l'Est, à faire des travaux manuels et à pas Non, avoir c'est pas ce que une je dis, paye mais exceptionnelle, ouais, non, mais je trouve ça dommage. surtout sans expérience professionnelle autre que d'avoir bossé dans une surface après avoir eu un bagage comme ça. Donc, Ce serait dommage. autant qu'il se fasse une expérience professionnelle, je pense, au moins une première en France, qui soit conséquente. Mais je comprends le ras-le-bol des petits blancs qui sont en France et qui en ont marre du climat actuel. Hein. Je comprends parfaitement. Et surtout, s'il a 20 ans et qu'il est déjà conscient de ça, c'est tout à son honneur parce qu'il y a beaucoup de types qui ont la trentaine au plus et qui sont complètement ignorants. Ouais. D'abord, la première chose qu'il devrait faire, c'est terminer ses études, parce que s'il se barre maintenant, ben, elles ne sont pas véritablement complètes. La deuxième chose, c'est que 8 000 euros pour se tirer à l'Est, c'est quand même un peu léger. Je vous rappelle quand même qu'un appartement, ça se loue à 300 euros par mois, et que si on ne se débrouille pas pour avoir très rapidement du taf, ben, les 8 000 euros, ils sont vite partis. Et autre chose, sujet qui n'a absolument pas été abordé dans ce merveilleux texte, c'est est-ce qu'il a déjà défini le pays vers lequel il veut partir? Et si oui, connaît-il la langue? Parce que si la majeure partie des gens sont persuadés qu'en parlant l'anglais, on se démerde à l'étranger sans aucun problème. À l'Est, il risque d'avoir de grosses surprises. Alors, sur l'histoire des 8 000 balles, moi je trouve ça hyper confortable. Dans le passé, j'ai fait un choix quasi similaire où j'avais 1 500 balles et je me suis expatrié, on va dire. Voilà, après tout un tas d'événements Oui, depuis, mais bon, c'est pas le donc sujet dans le quoi. passé, les Non, mais pays nordiques. voilà, je reste vague parce que j'ai pas envie de forcément de fournir les détails parce que les gens s'en foutent aussi, ils ont parfaitement raison. Mais moi je me suis expatrié comme ça pendant un petit temps, hein, on va dire, avec 1 500 balles dans un pays où les choses coûtent cher, quoi. Mais je maîtrisais la langue. Donc faut voir, mec, hein, faut voir. C'est quelqu'un qui hésite, hein, grosso modo, entre l'étranger et poursuivre ses études en France, dans une autre ville. Donc il veut déjà changer d'air. Bon, ça me paraît une façon transitoire intéressante, déjà, Ouais, de déjà, changer changer d'air. d'air, si dans un coin un peu pourri, une région. Bah, l'Île-de-France, hein, c'est quand même assez. Ah bah oui, ouais, bon, ouais, bah voilà quoi. Voilà, C'est-à-dire déjà, apprendre il l'air commence ailleurs. par le pire, en fait. Donc. Ouais, apprendre l'air ailleurs, essayer de trouver un boulot en province, dans un coin un petit peu préservé pour le moment, et puis après, Mais, tu peux attendre de te barrer plus tard. excusez-moi, mais je songe à un truc. Comme ces études de droit sont des études universitaires, pourquoi est-ce qu'ils ne s'organiseraient pas avec un Erasmus dans un pays de l'Est, hein? Ce serait déjà beaucoup plus sécure. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Je suis pas familier de ce type de parcours, mais C'est une sixième année, c'est bizarre. Il y a quoi au bout de 6 années? C'est la grecque, non? je sais pas. Il a peut-être non, mais il a peut-être raté aussi une année, Oui. donc peut-être qu'il totalise toutes les années qu'il a faites et pas nécessairement le parcours universitaire en lui-même, quoi. Je sais pas. Mais moi, a priori, hein, au feeling comme ça, je dirais bon, déjà, ça se prépare comme ça. Enfin, après, moi, je dis. Parfois, il y a des intuitions comme ça, il y a des gens qui partent à l'étranger, ils tentent un truc, et pourquoi pas, je veux dire. Hein. Là, comme ça, de prime abord, s'il a quand même une tendance à vouloir finir ses études, pourquoi pas, je veux dire, il est jeune, bon, il peut peut-être prendre un an pour finaliser ses études, tenter de les finir, parce que s'il avait abandonné, s'il avait lâché un peu, peut-être qu'il en avait marre, donc si finalement il dit, bon, allez, j'ai peut-être les finaliser, bon, bah autant essayer, parce que ça sera pas dans 10 ans qu'il pourra, enfin, on peut toujours reprendre ses études, mais bon, on comprend bien que, bon, à 35, 40 ans, c'est quand même pas aussi évident que de le faire tout de suite d'un bloc quand on a la vingtaine. Donc je pense que s'il a quand même cette appétence, il faut pas brusquer les choses. Après, s'il a vraiment pas envie, enfin s'il en a marre, vraiment marre, il a envie de voir du nouveau, pourquoi pas changer d'air. Ceci étant dit, le problème c'est que tous les gens sont en confinement actuellement et pas qu'en France. Donc beaucoup de choses sont suspendues, il y a beaucoup d'interrogations au plan économique. C'est difficile, par définition, de se projeter, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent un petit peu mieux que d'autres? Oui. Je pense que la Finlande s'en sort bien. Il parlait de la Finlande, donc si ça l'intéresse, moi je pense que c'est intéressant aussi de s'y intéresser. Mais à ce moment-là, c'est intéressant de s'y intéresser. Pardon, il y a beaucoup de redondance dans ce que je dis, mais pourquoi pas? Mais il devra à ce moment-là, quand même, effectivement, comme l'a très bien dit Diabolix, assez rapidement se familiariser avec la langue, qui est une langue très particulière, mais je pense que ça serait indispensable. Et après, au niveau du travail, je pense qu'il y aurait quand même des opportunités. Voilà. Mais je pense que la bonne question, c'est ça. Si je veux aller dans un pays, c'est lequel? Parce que dire je pars à l'Est, c'est un peu générique, quoi. Je veux dire, c'est très grand, l'Europe de l'Est. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait déjà si jamais c'est une idée qui revient quand même dans son esprit, je pense quand même qu'il faut qu'il identifie le pays vers lequel il veut aller, quoi. Je pense que ça serait déjà important. Et après, bah là, les démarches suivent, quoi. Voilà, bah tiens, je vais où, dans quelle ville, c'est quoi le type de boulot qu'il y a à disposition. Voilà, c'est ce type de questions qui peut se poser. Donc peut-être qu'il peut se donner du temps, il peut peut-être se donner un an, finir ses études, un an et demi, et ensuite bifurquer vers un pays étranger qu'il aura clairement identifié à ce moment-là. Et alors là, y aller avec un plan minimal quand même, je pense que ça peut être intéressant. Ou alors, mais moi je connais pas ça par contre, via l'université peut-être, effectivement aller en Europe de l'Est, faire 6 mois, 1 an, juste pour découvrir le pays en question, quoi, hein, peu importe de quel pays on parle, quoi. Voilà, je pense que... Prospective, j'aurais tendance à mettre ça sous l'angle prospective. Pourquoi pas prospecter? Se donner un an et demi pour prospecter. Ouais. Je verrais ça comme ça. Oui, perso, hein, quand j'ai fait ce choix, j'arrête avec ça, un promis, mais je savais exactement dans quel pays je voulais aller. J'avais quelqu'un qui pouvait m'héberger sur place pendant une courte période. La langue, c'était pas un problème. Et pareil, pour le boulot, c'était pas un problème du tout. J'avais déjà fini mes études. Donc en fait, je cochais toutes les cases qui me permettaient quand même de faire ce truc facilement. Et il y a des cas où c'est juste pas possible, quoi. Donc il faut aussi en tenir compte. Bah, je voulais juste le dire pour Besançon, je connais un peu cette ville. Ouais. C'est une ville qui est plutôt agréable. Le bassin d'emploi est relativement dynamique. Par contre, la ville est en partie remplacée. Hein. Alors évidemment, c'est pas la région parisienne, mais ne t'attends pas à trouver des blancs à l'accent franc-comtois. Ça n'existe plus. D'accord, donc c'est remplacé. La Rochelle, je ne sais pas. Je pourrais pas m'expliquer. Je pense que La Rochelle, c'est moins remplacé. Ouais. C'est en bord de mer déjà, ça c'est sympa ça. Oui, puis c'est un ancien port négrier, donc cas où on pourra commencer la rémigration. Bon, bah en tout cas, on a offert. On peut pas répondre, hein, on peut pas répondre, je veux dire, de manière catégorique à notre auditeur. Mais moi, j'inviterai à la prospective. C'est-à-dire de ce que je. Voilà. Si jamais vraiment c'est quelque chose qui revient dans son esprit, l'expatriation, à ce moment-là, soit il tente par les études, il regarde ce qui est possible, éventuellement avec une filière, et si oui, dans quel pays. Sinon, si jamais il dit « bon, bah, je veux pareil », il peut finaliser ses études, mais quand même étudier les différentes opportunités et qu'il identifie quand même un pays où il veut aller vraiment, et ensuite se consacrer du temps à ça, je veux dire... Et faire un petit voyage, parce qu'après, aujourd'hui, enfin, il y a, avec des vols low cost, on peut, avec très, très peu d'argent, on peut aller dans des pays européens et juste jeter un œil, quoi. Respirer l'air, voir un peu les gens, voilà, être un petit peu, voilà, découvrir par soi-même avant d'aller plus loin. Voilà, je pense qu'il faut, j'aurais tendance à voir ça comme ça. Exactement, surtout en ce moment avec le prix des billets et Oui. enfin, Airbnb, c'est vraiment accessible à tous, hein, pour vraiment pas cher. Bon, là, évidemment, c'est confinement, donc bon, là, c'est sûr qu'on peut pas circuler, mais oui, quand le confinement sera levé, s'il est levé un jour, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, bon, là, on a offert quelques réponses à notre auditeur. J'espère que ça pourra lui être utile. Hein. Alors, rubrique numéro 2, courrier des lecteurs. Premier courrier. Courrier assez long, je vous préviens, mais intéressant, drôle. Bonjour, très chers amis démocrates participatifs. Bonjour à toute l'équipe et encore merci pour votre travail d'analyse politico-raciale, toujours très pertinent, qui m'a permis de me défaire du sortilège de cécité dont sont responsables les juifs. En effet, grâce à votre bon sens et à votre persévérance, à votre persévérante ferveur, ma grille de lecture raciale est acérée, à la puissance maximum depuis un an. Et elle ne risque pas de se désactiver. Bien au contraire, elle prend ses aises, se libère naturellement, jusqu'à maintenant venir toucher mon entourage proche, lui aussi, auparavant paralysé par le concept antiraciste. N'en déplaise à notre ami Tristan. Car nous savons qu'il nous écoute d'une oreille toute particulière et d'un nez outrageusement offusque. Salut Alors, Tristan. commençons. Mon courrier concernera principalement certaines tranches de vie dans mon cadre professionnel, en l'occurrence la construction. Pour rester volontairement imprécis, je dirais simplement que je suis Lorrain, que j'appartiens au monde de la construction, notamment au Luxembourg, et que je fais partie, donc, on va dire, des cadres sur les chantiers, quoi. Ce secteur est d'ailleurs fortement impacté par la pandémie. Concrètement, dès les premiers échos de Corona en Chine, les fournisseurs annonçaient de suite ne plus être capables de confirmer les délais de livraison, pour ensuite annoncer que toute livraison était stoppée jusqu'à nouvel ordre. Sans équipement livré, les chantiers ont fonctionné peu de temps, car leur stock est encore disponible sur site. Il n'y a pas beaucoup de stock, autant pour moi, pour se retrouver en faible activité et donc en effectif réduit, et très vite s'arrêter peu à peu, début mars, mi-mars. Tous les corps d'activité sont touchés, le gros œuvre, les techniques, donc électricité, chauffage, ventilation, sanitaire, et les parachèvements, plâtre, peintre, menuiserie. Mais aussi tous les services associés comme les architectes et les ingénieurs techniques et civils. Quand l'hystérie Corona commença vraiment, donc à mi-mars, nous recevions tous les jours des mails nous indiquant que les clients ou architectes reportaient les réunions d'études projets en plus des annulations des activités de chantier. Là où nous recevions 50 emails de travail par jour, maintenant il en arrive 5. Donc division par 10 visiblement de l'activité, quoi. La stratégie retenue actuellement est de maintenir tant bien que mal un service minimal d'activité par le télétravail, mais pour résumer, la partie étude continue avec les contraintes du télétravail et la partie chantier, elle, est à l'arrêt. Le problème est qu'en période d'activité réduite, les recettes sont aussi réduites, avec à terme les difficultés pour assurer les salaires. Je travaille donc régulièrement avec des Français, des Belges, des Allemands et des Luxembourgeois, et tous désirent sortir de leur emprisonnement à domicile pour reprendre leurs activités professionnelles au plus vite. Comme tout vrai à rien, nous savons que le travail rend libre. Alors là, il donne une petite anecdote qu'il a collectée dans son boulot. Toujours dans cet épisode Corona, je faisais part à mes collègues des vidéos sur lesquelles on pouvait observer les évasions de détenus de certaines prisons françaises et italiennes parce qu'ils ne pouvaient plus recevoir de visite. Je m'étonnais de voir ces criminels, normalement tenus à l'isolement de la société civile pour leur nocivité, se déverser aussi facilement dans les rues par manque de contact avec l'extérieur. À croire que s'ils restent en prison en temps normal, c'est que ça les arrange bien. C'est alors qu'un collègue me racontait être passé à proximité d'une prison de la région Lorraine. La description était la suivante. Donc, d'une tôle en Lorraine. Hein. T'entends les musiques à 300 mètres, ça gueule de tous les côtés, c'est un tintamarre infernal. Tu vois des trucs qui sortent des fenêtres, des parachutes, des papiers et des objets partout à l'extérieur, etc. Donc, j'avais la vision d'un mélange de Zoo et de Mad Max haïtien, un bidonville en béton. Je pouvais voir son dégoût sur son visage, alors même qu'il faisait des efforts pour rester politiquement correct. Puis il ajouta que récemment, il avait dû intervenir dans une prison au Luxembourg. Ses mots exacts sont les suivants. La prison au Luxembourg, c'est Walt Disney. T'arrives sur place, tout est propre, en bon état. Tu n'entends pas un bruit. La pelouse, c'est comme celle d'un golf. Je lui demandais quand même si la prison était occupée au moment de son intervention. Il me répondit qu'elle était pleine et continua, Quand je faisais la maintenance à l'extérieur, les prisonniers me disaient « bonjour monsieur » alors qu'ils passaient à côté de moi. Je cherchais à comprendre pourquoi une telle différence. Je voyais qu'ils voulaient dire quelque chose, mais n'osaient pas. Je poussais encore un petit peu avec mes questionnements, incrédule, et puis il lâcha. « Oui, mais au Luxembourg, les gardiens sont des colosses, avec le crâne rasé et... » Donc il me montre son épaule et son cou. « Avec des tatouages !» Il ne savait pas définir les symboles qu'il avait vus. « Bah, c'est des nazis !» dit-il un peu gêné. « Messieurs les démocrates participatifs, vous avez bien entendu, les prisons du Luxembourg sont déjà tenues par de véritables ariens tatoués de runes nordiques et capables de transformer avec succès les délinquants en enfants obéissants. Au moment de la Révolution nationale, les traîtres pourront y être déposés les yeux fermés. » Un autre moment de vie particulier, que je sais que vous apprécierez, se révéla au bureau alors que je devais demander des documents à une société ferroviaire. Il s'avère que cette société a plusieurs services et celui avec qui prendre contact se terminait par les initiales SS, véridique. Je ne pouvais m'empêcher de rédiger mon mail en faisant une boutade sur ce service ferroviaire SS. Mais préalablement à son envoi, je demandais tout de même l'avis d'un collègue pour éviter que mon humour ne soit perçu comme ostensiblement trop acide. Cyanhydrique, dit notre auditeur. Et de fil en aiguille, de blagues de bon goût en commentaires particuliers, mon collègue d'une bonne cinquantaine d'années me raconta qu'il y a 20 ans, il travaillait en Allemagne. Il vivait avec sa femme allemande dans un petit village à 100 km à l'ouest de Francfort. Étant de nature honnête, sociable et travailleur, son intégration se passa facilement et il fut très vite adopté. Au point où les anciens l'appelaient à leur fenêtre à 10h du matin pour boire un schnapps. Il me dit que peu à peu les villageois lui ouvraient leurs albums photos de famille et que absolument tous avaient les photos des parents ou grands-parents posant dans des uniformes Hugo Boss modèle classique des années 30. Cela faisait partie du folklore local sans honte aucune. Puis il m'annonça une anecdote truculente. Il commença par m'indiquer que chaque village avait son groupe de pompiers et qu'ils s'occupaient régulièrement des fêtes de village. Alors qu'une animation était prévue prochainement, il se proposa de les aider, ce qu'ils acceptèrent volontiers. Une réunion de mise au point était alors planifiée la semaine suivante au café du village. Les pompiers arrivaient les uns après les autres, mais dans leurs costumes de parade. En attendant leur commandant, mon collègue se prit une bière. Tous parlaient de ce commandant de manière respectable. Donc avec déférence, quoi. Quand le commandant arriva, tous les pompiers se mirent au garde-à-vous. Mon collègue fut surpris de cette discipline brutale, subite. Le commandant commença alors à expliquer ce qu'il y avait à faire. Mon collègue tendit l'oreille. Il m'expliqua alors que tout son environnement venait de passer en noir et blanc et qu'il crut se retrouver en pleine liste de Schindler. Il venait de comprendre que le groupe de pompiers était en fait les nationaux-socialistes du village et qu'ils mettaient au point une stratégie pour pousser de récents étrangers à partir de leurs terres. Chacun avait alors une tâche précise à effectuer en vue de réussir la mission. Il se souvenait qu'il était prévu, entre autres, de mettre le feu à la voiture d'un immigré. Mon collègue fut complètement ébahi. Il demanda tout de même s'il allait lui aussi devoir participer à cette action. Tous le regardèrent, puis le commandant lui frappa amicalement l'épaule et lui affirma avec un grand sourire « Mais toi, tu es un Français d'origine yougoslave, marié à une Allemande. Il n'y a plus rien à faire pour toi. » Rire général et soulagement pour mon collègue. Messieurs les démocrates participatifs, vous avez bien entendu. Les groupes de pompiers en Allemagne, ceux qui œuvrent pour le bien commun, font survivre l'âme nazie dans les cœurs des villages. Je reste donc persuadé que la force aérienne est en léger sommeil par le poison hébraïque, mais qu'elle va profiter de ce chaos social qui s'intensifie depuis la venue de Macron pour se raviver, monter en puissance. La force salvatrice émerge. Voilà, c'est la fin de ce courrier. Encore merci pour votre émission, merci d'avoir lu ces quelques lignes, et si elles ont pu retenir tout votre intérêt, j'espère qu'elles participeront. Je pourrais participer à ma modeste contribution à votre œuvre, et c'est signé Double Zik. Alors, messieurs, c'est un courrier dense, long, hein, voilà, c'est double anecdote. Il y avait d'autres choses dans son courrier, mais malheureusement, on est pris par le temps, donc j'ai pas pu donner tous les éléments. Comment vous voulez réagir à ces deux histoires qu'il nous livre, les prisons du Luxembourg et les amicales de pompiers un peu particulières, très festives, qui peut exister visiblement outre-Rhin. Oui, alors sur les prisons du Luxembourg, je pense pas que ce soit uniquement grâce aux gardiens que les choses se passent bien. À mon avis, c'est aussi parce que les prisons luxembourgeoises sont peuplées de luxembourgeois. Il n'y a quasiment pas de délinquants sur Luxembourg, même à Luxembourgville, il faut être honnête. Donc ils ont leur propre langue, hein, les luxembourgeois. Hein. Il y a la langue luxembourgeoise. Mais enfin, c'est quand même un pays où les germanophones sont extrêmement présents. C'est généralement eux qui tiennent un peu les places dominantes où il y a du pognon, hein, tout simplement. Donc ouais, c'est facile de commander des blancs quand tu mets des nazis au pouvoir, oui, y a pas de problème. Et puis même alors la génération d'immigrés au Luxembourg est un peu particulière, je sais pas si certains le savent, c'est qu'en fait il y a environ un quart de la population luxembourgeoise qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce sont souvent des Portugais qui sont installés au Luxembourg et qui sont très très bien intégrés en fait. Et il y a environ 25% de luxembourgeois maintenant qui sont portugais ou d'origine portugaise. Et donc, disons qu'il y a une homogénéité quand même un peu européenne qui permet effectivement de tenir les gens, alors qu'en France, c'est des bouillous et des nègres. Donc forcément, ça se passe moins bien. Et moi, je suis essentialiste et je crois que les peuples ont des essences. Et je ne suis absolument pas étonné en écoutant le commentaire du camarade. Je suis vraiment pas étonné du tout. Et je serais même pas étonné que sous certains aspects un peu cosmopolites ou gauchistes, en simplement en changeant le fusible, enfin en changeant le discours, les Allemands seraient rigoureux, mais d'une autre manière. Ils seraient rigoureux dans le national-socialisme. Donc moi je serais pas étonné qu'on fasse encore tourner les tables dans certains endroits de l'Allemagne, hein. Vraiment pas. Ouais, on va voir comment les choses évoluent, mais oui, je suis assez d'accord. Il y a un tempérament qui est inhérent au peuple. Et malheureusement, en France, c'est quand même plutôt l'anarchie, hein. Je veux dire, c'est vraiment un refus de l'ordre qui est vraiment très pesant en France, hein, dont on voit d'ailleurs toutes les conséquences maintenant, hein. C'est vraiment ça qu'on voit. Absolument, absolument. Ouais, c'est vraiment insupportable. Il faut de la mystique pour faire en sorte que le peuple obéisse. S'il n'y a pas de mystique, le peuple n'obéit plus. C'est très particulier. Quelques coups de pompe dans le cul aussi, ça peut aider. Oui, Oui. absolument. Fait, c'est un le français est un peuple à canaliser. C'est ça le truc. Il s'endort et puis de temps en temps il se réveille. Et là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est le canaliser, comme a fait Napoléon. Et là, effectivement, on peut ressortir quelque chose. En tout cas, il y aura besoin d'ordre, ça c'est sûr, hein. D'ordre et de discipline, hein. Ça c'est le gros truc, hein, qui doit être mis en avant. Parce que la culture anarchiste française, faut arrêter. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. L'anarchie, je sais pas si on a un pays anarchiste. Depuis une cinquantaine d'années, quand même, un peu, hein, je veux dire. On est quand même l'anarchie la plus administrée au monde. Est-ce que c'est Ben, c'est réellement de ça. l'anarchie? C'est quand même extrêmement paradoxal. C'est ça, non, mais c'est là. Mais non, on voit quand même. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on sera amené à en reparler dans l'émission. Mais le traitement là, du coronavirus, on voit bien en Allemagne. Alors, il y a des raisons particulières, mais je veux dire, on voit bien qu'il y a un État en Allemagne. Il y a une discipline. Mais il n'y a pas un État, je veux dire, c'est pas un apparatus qu'on grève sur le peuple allemand. On voit bien que les Allemands sont organisés, voilà, ils sont ordonnés, c'est pas des souillons, c'est pas des anarchistes. Je dis pas que tout est rose en Allemagne, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je dis, il y a quand même un ordre, quoi. La France, regardez la situation actuelle, c'est le foutoir intégral. C'est le foutoir intégral, et c'est paradoxal, justement, puisque normalement, avec cette suradministration, puisque la France est beaucoup plus administrée, entre guillemets, que l'Allemagne. Il y a beaucoup plus de fonctionnaires par habitant qu'en Allemagne. On devrait se dire, mais là, mais ça doit être le nec plus ultra de l'organisation. On a tout ce qu'il faut de fonctionnaires et de bureaucrates pour planifier, prévoir, et pas du tout. Au contraire, c'est la paralysie, c'est le foutoir. Ça part dans tous les sens, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un ministère face à l'autre. C'est ahurissant. Et ça, je pense quand même qu'on le doit beaucoup à 50 ans d'anarchisme institutionnalisé, donc et de laxisme institutionnalisé, parce que bon, c'est bien beau d'avoir des fonctionnaires à tous les étages, mais s'il y a un passe-droit par règlement, ça sert pas à grand-chose. Et je crois qu'on y est. Et puisqu'on parle des prisons, même si on va en parler, je veux dire, l'élargissement des tollards par Belloubet, sous l'effet de la panique, hein, il faut être clair, hein, sous l'effet de la peur et de la panique, ça traduit bien ce tempérament-là, quoi. Je peux vous dire qu'en Allemagne, en cas de problème, ils n'auraient pas élargi les tollards. Hein. Ils n'auraient pas libéré comme ça tous les mecs dans les rues, au revoir. Et pourtant, je dis pas que, attention, je dis pas que c'est le Troisième Reich en Allemagne, on est bien d'accord, hein, c'est une république démocratique, enjuivée, multiculturelle, ça. Mais ils n'auraient pas fait ça. Mais pour moi, c'est pas spécifiquement français, cette décision. Je pense que ça a beaucoup à voir avec la mentalité de certains fonctionnaires, notamment de femmes, qui, en fait, ont peur. Ont peur de l'émeute, ont peur des morts. Oui. Et puis, il y a une vidéo extrêmement éclairante faite avec Charles Gave sur l'état des prisons en France, qui montre très clairement qu'en fait, il y a d'un côté, bon, la justice, et ça, on le sait tous, qui est majoritairement composée de juges d'extrême gauche, syndicats de la magistrature et compagnie, et de l'autre côté, les gens qui sont chargés de l'application des peines sont déjà manque de moyens, enfin, en premier lieu des places de prison, et les personnels qui encadrent ces prisonniers ne sont pas des nazis. Absolument ah non, pas. Clairement pas. Non. Clairement pas, oui, c'est connu, en France, il y a un lobby outre-marin. Hein. Oui, oui, oui. Il y a énormément de comment on dit, de matons qui viennent des îles. Et puis, le niveau, je pense, est extrêmement bas. Mais en même temps, qui a envie de faire ce boulot en France? Dans un pays qui prône la liberté individuelle, je pense que la plupart des gens préféraient de très loin être en prison que les garder. Et c'est plus valorisant, malheureusement. Si je puis me permettre, en fait, il n'y a pas de détenus en France, il y a des hôtes. Oui, non, mais en substance, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Bien sûr. Et puis, il n'y a pas de sanction. Moi, je trouve ça complètement aberrant qu'on ne puisse pas abattre un prisonnier qui sème l'émeute. Moi, pour moi, ils doivent être assassinés sur place. Hein. C'est mon point de vue. C'est la doctrine qui devrait être en vigueur. D'ailleurs, moi, je suis, je vous le dis, je parle très sérieusement. Hein. Moi, je pense que les prisons, si vous voulez, de droit commun doivent être réservées aux personnes de race blanche qui commettent effectivement des choses qui relèvent du droit commun, des vols éventuellement, ce genre des agressions, ça peut arriver, bien sûr. Mais que les populations exotiques qui peuplent toutes ces tôles soient déportées en masse vers la Guyane dans des camps de travail où on laisse la nature faire son œuvre. Moi, je suis pour cette politique là et absolument. Et tant qu'on a une doctrine, parce que c'est là, ça rejoint ce que tu dis, mais ça rejoint la doctrine judiciaire, parce qu'en fait, le rapport aux prisonniers, enfin, on considère que le prisonnier est une victime. C'est pas unique en France, hein. Je veux dire, quand vous vous intéressez à l'ONU, ça vient de France, hein. Oui, ça vient de France, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est partagé. Je veux dire, l'espèce de victimisation, notamment avec la lutte contre la peine de mort, l'espèce de d'idéalisation du tollard, etc. Ce qui est inacceptable. Je veux dire, on a des gens qui sont en taule qui le méritent. Et qui finalement sont assez peu châtiés. On a beaucoup beaucoup d'exemples. Mais je veux dire, donc déjà la philosophie de l'emprisonnement en France, déjà on considère que c'est une injustice. Enfin, quand je dis on, c'est les institutions et surtout les femmes qui les administrent, comme tu l'as bien relevé, notamment les juges d'application des peines, etc. Donc déjà c'est une injustice parce qu'elles sont le produit de leur société, etc. Tant qu'on a cette sous-culture. Bon, les Maghrébins, ils sont pas fous, ils rigolent, ça les amuse. Ils savent très bien qu'il y a, c'est très laxiste, c'est très mou. Il y a pas vraiment de répression dure. Moi, je suis pour la répression dure et je suis même, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pour une politique d'épuration. Hein. Je suis pour une politique d'épuration à grande échelle. Mais bon, là, je veux dire, vu la mentalité ambiante en France, vu la culture ambiante, on en est à des années-lumière, à des années-lumière. Mais on pourrait obtenir d'excellents résultats si on se dotait de la bonne doctrine, des bons personnels et de la violence nécessaire. Et pour le moment, c'est pas Gandalf. Le cas. Gandalf, je te rejoins totalement sur le fait de prendre tous les délinquants colorés pour les envoyer dans des camps de travail en Guyane, où la nature fera son œuvre, et les Guyanais connaissent très bien la papillonite, mais une fois qu'ils auront purgé leur peine, même s'ils ont, entre guillemets, la nationalité de papier française, on les prend et on les renvoie dans leur pays d'origine. Ah oui, oui, non. Parce que si c'est pour les faire revenir après, ça va être du bis repetita placent. Et ça n'arrange personne. Je suis bien d'accord. Mais il y a eu un débat là-dessus, hein, il y a quelques années, sur la double peine. Oui, avec Sarkozy. C'est Sarkozy qui a fait sauter la double peine, non ? Mais il y a une levée de bouclier phénoménale. Non, mais il faut bien se dire une chose. Le livre de chevet de beaucoup de juges en France, enfin, de chevet, j'entends surtout le livre de référence. De référence, c'est Surveiller et punir de Foucault. C'est même plus. Ah ouais, non, c'est Foucault. Ouais. C'est un sodomite dégénéré, mort de sida, dans des conditions absolument grotesques. C'est ça. Oui, c'est un des penseurs du néocommunisme, hein, celui qu'on subit actuellement. Hein, Ah oui, non, mais c'est absolument ignoble. Hein, vraiment. Même après l'histoire de Sarkozy et la double peine, après les attentats terroristes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Hollande qui avait fait polémique parce qu'on voulait déchoir la nationalité. Oui. Les terroristes binationaux, et en fait, c'est pas passé. Voilà. C'est pas passé, mais ils l'ont fait après. C'est ça qui est très drôle. C'est-à-dire que... Mais ça c'était très révélateur des débats qui animent ce qu'on appelle, entre guillemets, les élites françaises, surtout les élites parisiennes, mais les élites françaises qu'on va retrouver dans la magistrature, dans les partis politiques, etc. Avec des grandes considérations, des considérations d'intellectuels. Intellectuels étant ici un terme péjoratif, hein, dans ma bouche. C'est-à-dire, voilà... c'est des raisonnements abstraits, quoi. C'est-à-dire, les types ne s'intéressent pas à ce qu'est l'objet de leur discussion, à savoir, un élément halogène, agressif, hostile et antisocial par construction. Ça ne les intéresse pas. Eux, c'est vraiment des débats philosophiques du type Victor Hugo. Hein. Ils en sont là, ces gens-là. C'est ces gens-là qui déterminent la politique pénale en France, bien sûr, et ensuite la politique pénitentiaire. Mais on ne réglera pas les problèmes. Donc les tôles sont pleines, parce que c'est ça qui s'est passé avec l'histoire du confinement et de la pandémie. Il y a une panique. Les tôles sont surpeuplées. Je crois qu'en termes de capacité réelle, ils ont 55 000 places, quelque chose comme ça, et qu'en réalité, ils en avaient 70 000. Donc en fait, l'État français ne veut pas investir dans les prisons, c'est-à-dire ne veut pas créer de places de prison. Pourquoi ? Bah, pour les mêmes raisons qu'il ne veut pas investir dans les hôpitaux. C'est aussi simple que ça. Quand tu es occupé à claquer 1 demi-milliard d'euros, comme on avait raconté dans une émission précédente, dans la rénovation urbaine d'un clapier à nègre en Ile-de-France, t'es pas en train d'investir dans tes hôpitaux, t'es pas en train d'investir dans des prisons. Ça, c'est très clair, hein. Ni dans l'armée, d'ailleurs. Bon. Voilà. Faut pas, les mecs sont là, mais c'est, comment se fait-il? Il y a 1 000 milliards d'euros de prélèvements, chaque année. Il n'y a pas de pognon. Les bonnes questions, il faut se les poser aussi, tu vois. Et, en fait, il y a du pognon, mais il est pas bien utilisé. Il y a du pognon, mais il est volé par cette bureaucratie de parasites et d'incompétents, avec l'aide des politiciens, qui s'achètent des clientèles comme ça. Et pendant ce temps-là, bah oui, effectivement, les pénitenciers français, je veux dire... Moi, je ressens pas naturellement une envie d'interner tout le monde. Je veux dire, j'ai pas une âme d'emprisonneur. Mais en France, au minimum, et je ne parle même pas de considération qui relèverait plutôt de la remigration, mais je veux dire, il faudrait foutre 300, 400 000 personnes en tôle en France, à 95% des métèques, d'ailleurs, hein, des arabes ou des nègres, ou des turcs ou des tziganes. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire en réalité. Or, comprenez bien, l'État français dit, bah, attendez, on va pas claquer autant de pognon pour faire des hôtels à immigrer, surtout avec la doctrine qu'ils ont. Donc ils les laissent dehors. Donc ils récidivent, après on s'étonne, il y a plus de 40 000 agressions au couteau chaque année, à l'arme blanche, c'est ahurissant, je veux dire, c'est ahurissant, des trucs comme ça. Voilà. Donc, bon, le laxisme, et c'est le problème que je vois, moi, dans tout ça, au fond, c'est la très grande tolérance, la très grande acceptation, voire le plébiscite, pour le laxisme, d'une manière générale, en France. C'est quelque chose qui est très répandu en France, ça relève de la culture. Et tout spécialement quand on parle de prison. Voilà. Mais en même temps, il y a une contre-réaction, hein. On voit bien, notamment sur la question de la peine de mort, on voit qu'il y a une résistance de plus en plus forte. On voit qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui aimeraient que la peine de mort soit rétablie pour châtier... Toujours pour des affaires de mœurs. C'est toujours pour des questions de viol ou d'assassinat d'enfants. Je pense que ça devrait être élargi. Oui, on est bien d'accord. Enfin bon, donc il y a quand même des explications, j'allais dire, historiques, culturelles, idéologique à la déconfiture du système carcéral français. Je dis pas que ça a toujours été rose, hein, mais on avait cité, hein, il y avait un auditeur qui nous avait Cité, j'ai oublié le professeur, comment? Le professeur. J'ai oublié. C'était un. C'était pas le professeur Porro? C'était ça, le professeur Porro, qui justement passait en revue donc, l'activité criminelle des Maghrébins en France, et on était dans les années 30. C'est-à-dire, dans les années 30, il y avait déjà une surreprésentation des Maghrébins en France. Imaginez aujourd'hui. Ouais, bon, bref, pas besoin de. Voilà, donc bon, il y a des explications, mais moi, par exemple, je veux dire, au Rassemblement National, pourtant c'est un sujet qui fait assez consensus, c'est ils n'abordent pas cette question. La question de la politique pénale, etc., ils ne mettent pas ça en avant. Ils parlent un peu comme ça, ah, oui, il y a du laxisme, etc., mais alors que je trouve ça, au contraire, très, très porteur, hein, politiquement et médiatiquement. Je veux dire, il y a vraiment une demande dans l'opinion, et le RN, vous voyez, n'est pas intéressé, parce que... Ils sont peut-être effrayés par la oui. jurisprudence Zemmour quand il s'est pris une petite amende parce qu'il a dit la vérité que les prisons étaient remplies très grande majorité par les immigrés. Quoi. C'est vrai, quand on parle de qui est c'est d'ailleurs, ce genre d'argument te vaut quand même la prison en France. Hein. Enfin, oui. Pas, non, mais même sans rentrer dans les questions ethniques, hein, même sans parler de questions ethniques, je veux dire, tu peux en France défendre une politique de répression pénale extrêmement, extrêmement dure. Je veux dire, ça, tu peux le faire, je veux dire, sans rentrer dans les catégories raciales, ethniques ou quoi. Je veux dire, tu pourrais quand même dire, voilà, il est vraiment temps de donner des moyens, voilà, et combien, à quelle échéance, et où on prend l'argent, vous voyez. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Où prendre l'argent. Mais. Ça manque cruellement, quoi. Et d'une manière générale, et c'est un peu le point de départ de la discussion, moi, en France, ça me choque énormément, ça me choque vraiment beaucoup, c'est cette absence de soif d'ordre. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire fonctionner un État, on ne peut pas faire fonctionner une société sans réguler, y compris par la force, une population. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. Et cette très grande tolérance vis-à-vis de ce laxisme me paraît être au cœur de beaucoup de problèmes. Bah, de laxiste. Et j'ai envie de te dire, les gens qui respectent la loi ne sont pas laissés tranquilles. Oui. Les gens, c'est ça le vrai problème de la France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui respectent la loi continuellement. Bien sûr. Mais vu que ces gens respectent la loi... L'administration, l'État français, leur dit « Écoutez, vous ne la respectez pas encore assez, donc nous allons vous mettre de nouvelles lois, de nouvelles normes, pour que vous soyez plus respectueux. » Ça, ce sont pour les Français qui la respectent. Par contre, pour les Français qui, eux, ne respectent rien, bah, tout est permis. Le laxisme est autorisé. Mmh. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Non, mais c'est très ambivalent, ouais. Parce que... bon, en France, on a du mal à percevoir ça. Les Américains l'ont théorisé, on appelle ça l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire la tyrannie pour les gens qui n'ont pas besoin de règles pour se discipliner eux-mêmes, et par contre l'anarchie pour des gens qui en ont besoin. Les Arabes, chez eux, ils ont des lois. Hein. C'est beaucoup moins le bordel en Algérie qu'en France, et je vous le garantis. Pourquoi est-ce que le Coran est extrêmement rigoureux sur beaucoup de points qui nous paraissent totalement exotiques? Parce qu'il est fait pour un peuple de gens qui ne savent pas discipliner, c'est tout. Diabolique, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, d'accord, ok. Courrier suivant, messieurs. Alors, salut à tous. Je suis représentant CSE dans une entreprise du bâtiment, presque 50 ouvriers, située à... Je vais pas vous donner l'endroit... Mes employés, entreprise dans une emprise de carrelage, ont eu un avis pour le moment défavorable pour le chômage technique de tous les ouvriers. Le dossier qu'ils ont remis est incomplet, disent-ils. On leur demande de fixer le nombre d'heures du chômage technique. Ce n'est pas une plaisanterie, même si vous avez tous envie d'en rire. Donc, ils sont très, très tatillons dans l'administration. L'OTPB. TP, organisme chargé dans le bâtiment des règles de sécurité, doit rédiger un manuel de consignes à respecter qu'il doit faire valider par le ministère du Travail, le ministère de la Santé et la Fédération française du bâtiment pour le faire appliquer sur les chantiers. Tant que ce manuel n'est pas arrivé à mes employeurs, ils ne peuvent pas faire travailler les ouvriers sur les chantiers. Donc, mes employeurs macronistes vont se tourner demain vers l'OTPBTP pour avoir une estimation du jour de reprise et fixer le nombre d'heures en conséquence pour que nos demandes en chômage technique soient validées. Le directeur de mon entreprise, ils sont deux associés, celui-ci est au-dessus de l'autre, doit me téléphoner demain, etc., pour savoir, pour me dire s'il en sait plus. Bon confinement à tous, voilà ce que c'est. Et qui va aussi boire à notre santé. Et c'est Erich qui nous fait le plaisir de parler de cette petite mésaventure dans le bâtiment. Toujours là, c'est par rapport au confinement. Avec le chômage technique. Alors ça c'est intéressant, ça. Vous avez suivi cette histoire de chômage technique, là. Ils sont en train... La directe. Vous connaissez cette directe, là. C'est les directions régionales qui se chargent de ce genre de questions de chômage technique. Ils sont en train de recaler des tas de dossiers d'entreprises qui demandent le chômage technique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, oui, je ne connaissais pas les détails. Le gouvernement avait déclaré comme principe, si vous voulez, que toutes les entreprises pourraient faire la demande de chômage technique, qu'il n'y aurait pas de... En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on les fait chier avec des excuses bidons pour ne pas prendre les dossiers, en fait. Et c'est un peu ce que raconte notre truc. Bon, là, c'est encore plus stupide, parce qu'on leur dit, oui, mais tant que vous n'avez pas le manuel qui explique dans le détail les distances de sécurité pour les EVT, on ne peut pas reprendre les chantiers. On sait très bien que ce ne sera pas respecté, mais bon. Oui, non, mais... Il y a après... le BTP, mais moi, j'ai vu... J'ai vu là des comment ça s'appelle des chocolatiers. Là, il n'y a pas que qui arrive. Hein. C'est un coup de feu. Bon, bah là, les chocolats, offrir des chocolats à tout le monde dans tous les sens, ça va pas être trop ça, quoi. Donc les types, les pâtisseries, pareil. Donc tout ça, ça marche très peu. Donc les types n'ont pas d'activité. Ils ont voulu mettre des gens au chômage technique. Hein, on dit non. Tu es dans l'alimentaire, donc tu vas travailler, tu participes à l'effort. Ah oui, d'accord. Donc, les types vont morfler. Quoi. Oui, c'est la fameuse distinction entre les métiers utiles et les métiers superflus, ce qui est une notion très bizarre. Ouais, c'est ça. Je veux dire. C'est ça. Après, tu as aussi, je crois, par rapport aux entreprises, ce qui va être restaurateur, donc je crois que déjà pour le mois de mars, en gros, les gens vont l'avoir un petit peu dans l'os. Tu dis restaurateur, là, tu veux dire hôtellerie-restauration, c'est ça que tu veux dire? Ouais, tous ces trucs-là que tu es fermé d'office. Parce que ils auront droit à une indemnisation compensatoire, je crois, que s'ils font moins de 75% de moins que le mois... le mois de mars de l'année d'avant ou le mois précédent. Ah ouais, donc si tu fais moins 70, tu l'as dans l'os, quoi. Ben, c'est pas, c'est que vu qu'en fait ils ont bossé 15 jours, donc normalement, en toute logique, ils devraient faire 50%. Ouais, ouais. Donc, déjà, sur le vice, le vice. En plus, ils ont très bien fonctionné la semaine avant le confinement. Oui, c'est pas faux. Des gens se sont beaucoup éclatés en terrasse, notamment. Oui, n'est-ce pas? Bon, c'est pas étonnant que l'État, parce que bon, là c'est la grande saignée, hein, au niveau de l'État. Au niveau des déficits, je crois qu'on on prévoit 6 points de déficit, hein, si ça dure un mois, deux mois. Donc, tu peux. Non, mais en plus, il y a les conséquences derrière, et en plus, il y a les conséquences au niveau mondial qui vont encore aggraver le truc. Donc, il n'y a pas que les conséquences endogènes, il y a aussi exogènes. À première vue, ça serait 6 points de déficit, ce qui correspondrait à, je ne sais plus, comme une dizaine de milliards, je crois, 60 ou 70 milliards, je ne sais plus. Mais 6% sur quoi? Sur le PIB ou sur le. Ouais. Non, c'est difficile parce moins 6 du PIB, on ne sait pas. Moi, je dis. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète, mais on peut d'ores et déjà dire que ton secteur privé exorbité, ça va coûter un max de blé, ça c'est sûr. Voilà. Bon, mais l'ordre de grandeur, bon. Les boomers ne seront pas morts, il y aura plus de dettes, et. Oui, mais on en aura sauvé quelques milliers quand même de boomers, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est important. Bah tiens, tu m'étonnes, ça, il va falloir faire le coup par boomer. Non. Parce que là. Ah, pas bête, ça, pas bête, ça, pas bête. Ah non, mais il va falloir le faire. C'est pour ça que je demande le remboursement en dessous de certains nombres de... Voilà. En dessous de 10 000, on se fait clairement baiser, quoi. Il va falloir au moins 50 000. En dessous de 50 000, on gagne rien. Le million. Bah oui, on était... J'étais un petit peu aussi sur la même posture. Hein. J'étais un peu plus sur... Puis comme j'aime bien les chiffres ronds, 6 millions, ça m'aurait bien plu, moi, personnellement. Bah écoute, j'ai entendu des chiffres... Parce que Macron est très clairement bloqué par Bercy. Hein. Faut pas... Oui, bon, on sent bien qu'il y a beaucoup de déclarations du côté de chez Macron, on sent que du côté de Bercy, c'est pas tout. Oui, ça passe pas. C'est pas pareil. Hein, ouais. Je crois que le maire avait dit, bon, on va débloquer 40 milliards, et Bercy a dit, mais attendez, si vous promettez réellement ce que vous avez promis, il manque un zéro. Hein? Donc... Oui, si on couvre tout le monde, ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu ça, oui, effectivement. Oui, oui il manque un zéro. Alors après, comment est-ce que tout ça va être réellement payé? Est-ce que ça va être de la dette? Est-ce que ça va rentrer dans le bilan de la BCE? Est-ce qu'il va falloir purger ce bilan via l'impôt? Ça, on n'en sait rien. Ouais, on n'en sait rien à ce stade. Ouais, c'est fort probable quand même. Mais même si j'ai vraiment pas envie de dédonner Macron parce qu'il est d'une incurie manifeste, il n'empêche que l'administration française, si tu veux, elle a quand même son inertie. Et moi, je serais pas étonné dans tout ce que nous a dit notre auditeur, que en fait, tout simplement, les fonctionnaires sont totalement débordés et qu'ils renvoient les papiers parce que en fait, même eux ne savent pas comment les choses vont se présenter. Mmh. J'en serais absolument pas étonné. Enfin, je serais vraiment pas étonné qu'en fait, l'information des ministères via les bureaux, l'information ne descend pas. J'en suis absolument persuadé. Ah, j'ai vu un truc très très rigolo là-dessus, ça va vous faire rire, mais je peux pas la vérifier, mais je l'ai lu, et je l'ai pas lu comme ça chez quelqu'un d'obscur, hein. c'était une information qui tournait dans le milieu journalistique, si vous voulez. Mais, à vérifier, oui, c'était en Valeur Actuelle. Alors apparemment, le gouvernement français n'émet pratiquement plus de consignes écrites aux différentes administrations en charge de la crise, de peur de voir les documents en question être utilisé par la suite dans des procédures judiciaires contre le gouvernement. Donc en fait, les types, c'est des consignes orales, voilà, faut faire plutôt comme ci, plutôt comme ça, pas comme ça, quand les mecs posent des questions, oui, d'accord, comme ça, mais il y a plus de... ou très peu, enfin, en tout cas, minimum... C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais pour qui a... Je crois que ça va donner des idées à certains qui font des canulars. Hein, bah, bien sûr, non, mais je veux dire, pour qui a fréquenté l'administration, tout le monde sait qu'en fait, une grande partie du boulot des bureaucrates cherche en fait à définir sa zone, on va dire, de prérogative, ouais. À la définir si possible dans une zone assez restreinte, et ça prend du temps et de l'énergie. Et plus la situation devient tendue, plus les gens font en sorte de devenir le moins responsable possible. Tout parce à fait. On sait très bien qu'en cas de crise, il y en a qui vont sauter, et les gens se protègent. Et enfin, malheureusement, l'administration, c'est ça. C'est en grande partie une forme de survivalisme carriériste. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que la fonction publique est irresponsable par définition. Absolument. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Mais là, je crois que les Français. Bon, on va parler du confinement plus tard dans la deuxième partie. Donc, mais je crois que là, bon, chez certains en tout cas, je pense qu'il y a un scepticisme naissant, ou s'il était déjà présent, qui s'aggrave, vis-à-vis de la toute-puissance de cette administration pléthorique que le monde entier ne nous envie pas, y compris le Parti communiste chinois. C'est très clair, très clair. On est très loin du taux d'efficacité chinois, on est très loin au niveau bureaucratique. Mais bon, enfin, en tout cas, je sais qu'il y a quand même, enfin, c'est au plan des petites des PMI, PME, c'est chaud, c'est très chaud. Hein. Là, ça va qu'ils peuvent, ils peuvent voir venir. Il y en a qui peuvent pas, d'ailleurs, mais il y en a qui peuvent voir venir quand même pendant 15 jours, en poussant à fond un mois, mais avec beaucoup de difficultés. Je crois que c'est pas tellement le problème, hein. C'est plutôt les mois suivants qui vont venir. Prenez un exemple, l'hôtel et la restauration. Voilà voilà un secteur qui dépend quand même beaucoup des vacances scolaires, c'est sûr, plus particulièrement des vacances estivales, et notamment à la fois des vacances des Français, mais aussi des étrangers qui viennent visiter la France. Et la France reçoit beaucoup d'étrangers, je crois plus de 70, entre 70 et 75 millions par an de visiteurs. Bon, là, les lignes aériennes sont à l'arrêt, j'écoutais le PDG d'Air France KLM, il expliquait qu'il perdait je sais pas combien de milliards par jour, enfin c'était une véritable saignée financière. Lui voyait la capacité d'encaissement de Air France KLM jusqu'à juin, pas au-delà. Bon, c'est pas la seule compagnie qui est en difficulté, mais ça veut dire que vous avez tous ces gens qui ne vont pas revenir. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on lève le confinement que tout d'un coup tout le monde va arriver en France. Je veux dire, ça c'est très clair. Hein, ça va être un très lent démarrage. Donc déjà, on sait que la saison 2020. Elle est foutue, c'est déjà garanti. Et en plus, il y a la question des profs. Vous savez, il y a 1 million de profs et de personnes de l'éducation nationale qui prennent leurs vacances chaque été, comme vous le savez, quoi. Bon, bah, c'est des gens, quand ils vont en vacances, ils dépensent de l'argent. Bon, il y a de très fortes chances que ces gens-là soient sollicités cet été par le ministère de l'Éducation nationale. Ils vont pas aller en vacances, ou pas au même rythme. Donc ça aussi, c'est des gens qui ne vont pas pouvoir aller dépenser ça. Moi, je pense que l'hôtellerie-restauration est une situation très critique. Très, très critique. Bah, le tourisme intérieur, c'est 7% du PIB français. Je crois que c'est même entre 7 et 7,5. Je ne connaissais pas ce chiffre. Intéressant. Non, mais bah, vous imaginez les gîtes ruraux, c'est... tous ces gens-là, vous savez, qui dépendent vraiment de ce genre de trucs. Quoi. C'est... Bah, bien sûr, mais en fait, on devient un peu comme un pays du tiers-monde qui, après une crise, pas forcément une épidémie, mais ne serait-ce qu'un cyclone ou un changement politique brutal, enfin un coup d'État, hein, clairement. Type Égypte. Hein. Qu'est-ce qui se passe après, en fait, les hôtels changent de main. Hmm. Parce qu'ils font faillite et sont rachetés. C'est très souvent ce qui se passe. Bah, la France est un pays du tiers-monde qui ne vit que par son tourisme et enfin, pas totalement, mais... quand même en grande partie. Hein. On enlève les services en France, il reste plus grand chose. Disons que j'étais plutôt à la fin. Bon, quand on dit tiers monde, c'est vrai qu'il y a un caractère de tiers mondisation. Je dirais plutôt que c'est un pays en voie de développement. Oui. Ouais, oui, enfin, moi. La voie du développement, c'est quand même le Congo. Quoi. Bah, c'est-à-dire que la France a inventé le concept inverse de la voie du développement qui t'amène vers le tiers monde, en fait. Tu vois. Donc, c'est un peu bizarre. Mais non, je veux dire, l'hôtellerie-restauration va avoir vraiment de graves problèmes parce que tous ceux qui n'ont pas de trésorerie, je veux dire, ils vont vraiment être massacrés, quoi. Ça c'est clair. La filière aéronautique, donc toute la région de Toulouse. Ah oui, ça va être violent. Ça doit être violent. Ouais. Beaucoup. Ouais. Donc, ouais. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Le transport aérien, c'est catastrophique. Ah oui, hein. Transport aérien, tourisme. Donc là, France. Bah voilà, bon, c'est un pays très exposé, ouais. C'est à ce. Ouais. Restauration, plus de resto. Ah. Ouais, surtout que les Français aiment quand même bien manger, hein, ça fait partie de leur identité. Mais oui, il y en a qui vont vraiment tirer la langue. Hein. Ceux qui ont pas, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas vraiment de trésorerie. Hein. Non. Ou très très peu. Hein. Oui. Luxe. Vous croyez que là, tous les Chinois qui venaient chercher les sacs Vuitton, etc. Pas que les Chinois d'ailleurs, les Américains, plein de fric. Sur les boutiques des Champs-Élysées, ça tourne, hein. C'est un des gros secteurs de l'économie française, le luxe. Bon, ben là, aussi, quoi. Hein. Donc, oui, le niveau économique, la France va particulièrement morfler. Hein. Bah, disons que LVMH, ils ont pas pris des mesures philanthropiques pour rien. Hein. Il faut qu'ils fassent quand même un petit peu pub pour rappeler qu'ils sont là. Oui, pour que l'État dise, ouais, rappelez-vous, aidez à faire du gel pour les mains. Débolix, tu voulais dire un truc ? Oui, je voulais dire, au niveau des TPE, des très petites entreprises, ne croyez pas aux fables du gouvernement. Soyons très clairs, ils vont vous laisser crever la bouche ouverte. Les entreprises stratégiques, l'aéronautique et le reste, ça c'est clair qu'ils vont les aider, parce que c'est stratégique pour le pays. Mais les TPE, ils n'en auront rien à foutre. Parce que dans la hiérarchie du pouvoir, ça se passe comment ? Les guignols qui se trouvent à l'Élysée, eux, ils rendent leurs décisions sur des bases statistiques, en oubliant que chaque strate du système de l'État, ce sont à chaque fois une bande d'apparatchiks qui n'ont pour faire vivre leur service qu'une certaine part du pognon, et qu'il faut, pour le faire vivre réellement, taper dans la caisse. Donc, à chaque strate, tu as une partie du pognon qui s'évapore. Ce qui fait que le type qui est à la tête de la pyramide, lui, il est persuadé que le pognon qu'il voit en indice statistique sur son ordinateur, il est en caisse. C'est du dream. Et le gros problème des toutes petites PME, c'est elles qui vont payer pour tout le monde. Pour absolument tout le monde. Ouais. Alors messieurs, je vous propose de passer au troisième courrier qui va t'intéresser, Derek, j'en suis certain. C'est un courrier qui est rigolo, hein. C'est très drôle de la part d'un auditeur. Bonjour à toute l'équipe de DP, je vous écris pour faire écho à un court passage de votre dernière émission concernant les rouges espagnols. Je tâcherai de raconter mon histoire le plus synthétiquement possible, même si ce courrier risque d'être un peu long, et je m'en excuse par avance. Issu d'une famille plutôt populaire, mes parents se rencontrent sous Mitterrand à Aubervilliers, d'un père cévenol et d'une mère mi-espagnole, mi-ch'ti. Donc c'est quelqu'un qui est un quart espagnol, notre auditeur. De ce mélange folklorique, j'ai malheureusement hérité d'un physique assurément venu d'un de mes ancêtres morts ayant violé la moitié de l'Andalousie pendant la conquête arabe, mais j'y reviendrai plus tard. Excellent. Mon grand-père espagnol fraîchement arrivé en France au début des années 50 doit rapidement repartir en Espagne pour faire son service militaire sous Franco. Retour du service militaire, après moult tortures d'opposants politiques républicains rouges, durant son service, il décide de renier ce pays, fait franciser son nom et ne prononcera plus jamais un seul mot d'espagnol sur notre belle terre gauloise. Et oui, Aubervilliers était encore à 95% blanc à cette époque, dans les années 50 donc. Le seul souvenir de mes oncles sur la culture espagnole à la maison, c'est une vulgaire gamelle de pain et de chorizo baignant dans l'huile. Renier l'Espagne, oui, mais le chorizo, jamais. Si ses ancêtres ne s'étaient pas battus, il mangerait halal et prierait avec les mahométans. On lui pardonnera donc, au grand-père, hein, de continuer de manger du saucisson rouge, épicé, qui est finalement bien à l'image de ce pays. Les années passent, papy décède. Ma mère, accompagnée de mes oncles, grandissent dans une idéologie largement communiste, mais trop pauvre et proche des réalités raciales qui se développent petit à petit, pour être réellement qualifié de boomer, ou boomer idéaliste 68ard, quoi. 2019, nous sommes toujours à Aubervilliers. Je suis tranquillement en train de boire un café chez un des deux oncles en question. Dans un pâle HLM, presque aussi vieux que lui, avec en prime des nègres et des bougnoules par centaines de milliers partout dans les rues. Je discute donc avec l'oncle, hein, et décide de titiller ce vieux coco rouge sang, que j'adore malgré tout, sur la population halogène qui règne en maître dans sa commune. Mais tonton, comment fais-tu pour survivre avec tous ces gens venus d'ailleurs ? Trop bien éduqué et formaté pour critiquer les halogènes, il me fait tout de suite une petite confidence. Nous avons des Noirs, des Arabes, et maintenant, des Asiatiques ! Il y en a partout, ils achètent des commerces et même des immeubles. À vrai dire, je pense qu'il a bien plus peur des Asiatiques que des Nègres et autres joyeusetés présents sur ce territoire envahi. Les Asiatiques n'ont pas vraiment besoin de l'aide de l'État pour vivre et se développer. Et ça, il l'a bien compris. Venons-en à mon cas personnel. Comme dit précédemment, j'ai hérité, à mon grand regret, d'un faciès se rapprochant tantôt d'un Bermer des montagnes en hiver, tantôt d'un Algérien de la côte suivant mon exposition au soleil. Les avantages. Peu ou pas de coups de soleil. On ne crache pas dans mon kebab. C'est à peu près tout. Les inconvénients sont beaucoup plus nombreux. Fort heureusement, malgré ce faciès, j'ai le privilège d'avoir un prénom et un nom bien français, ce qui m'évite, premièrement, d'avoir des problèmes avec la police une fois ma carte d'identité en main, de ne pas galérer pour décrocher un job sur CV, mais il y a un gros problème concernant les femmes. De fait, j'attire nombre de maghrébines en tout genre. Même si certaines sont parfois de bonne facture, il m'est impossible de conclure à partir du moment où elles comprennent mon usurpation de bouillulité. C'est un mal pour un bien, finalement, dit-il. C'est génial. De l'autre côté, je suis beaucoup trop arabisé, phénotypiquement, hein, pour une femme blanche soucieuse de préserver sa race. Je suis donc dans une impasse. Et fais appel à vous pour possiblement me guider vers des solutions auxquelles je n'ai pas pensé. Merci d'avance et merci pour toutes vos émissions qui me procurent énormément de joie chaque semaine. Amicalement, le Gognoul. Génial. Et c'est quelqu'un qui est au 3... Il est au 3/4 français. Il y a des produits blanchiment dans les magasins africains. Hein. Non, mais il est au 3/4 français, je veux dire. Il est au 3/4 français. Hein. C'est... Oui, au 3/4 français et un quart espagnol. Donc, ouais, c'est vrai que, il dit, non, j'ai une gueule de bouillon. Rendez-vous compte ce que peut commettre ce quart. Hein, bon. Ben ouais, ouais. C'est... Alors, pour le coup, je vais réfléchir quelques minutes pour te trouver. Vas-y, on réfléchit. Non, non, mais un conseil. Un conseil, ouais, non, c'est pas. Je ne sais pas, peut-être la chirurgie esthétique. Non. Non, écoute, pourquoi pas une femme ibérique, je connais beaucoup de maghrébins très assimilés, enfin, qui sont des gens très éduqués, qui sont avec des Françaises. Alors, par contre, patroniquement, c'est des maghrébins, mais ils ont tout abandonné. Hein, vraiment, la religion, la smala et compagnie. Et généralement, ils sortent avec des Françaises. Donc, ouais, mais ça, c'est des gens de catégorie supérieure. Ah oui, totalement. Ouais, totalement. Ouais, c'est ça. C'est pas tellement représentatif, je veux dire. C'est pas tellement... Les nanas. Non, c'est pas représentatif, mais c'est accessible. Je ne sais pas quel âge notre auditeur, mais c'est accessible. Non, non, notre auditeur n'est pas un maghrébin, je précise. Il dit j'ai une gueule de maghrébin. Oui, mais c'est un français aux trois quarts. Je pense que quand tu sors un peu du lot, même si t'es maghrébin, les françaises te. Enfin, les françaises sont un peu hypocrites parce que la réalité, on le voit très bien à travers les chiffres Tinder, les statistiques, c'est qu'en fait, les gens qui ont le plus de chances de séduire en France, c'est les blancs. Faut arrêter de se mentir, c'est les blancs. Malgré toute la propagande antiraciste et compagnie. Mais je pense que si, malgré ton faciès de brun, tu sors du lot, t'as pas de mal à conquérir une jolie européenne. C'est pas le problème. Enfin, moi, contrairement à ce que tu évoques, je pense que les femmes bien claires aiment à se foncer. Alors bon, si ça peut éviter d'aller se foncer avec des Arabes ou des Noirs, bon, ben autant que ça se fonce avec quelqu'un qui est un quart espagnol. Hein. C'est peut-être une solution. Non, mais ça l'ennuie, visiblement. Non, mais il le dit. Bon, évidemment, c'est un témoignage, on ne peut pas savoir. Oui, bien sûr. Voilà, mais oui, les femmes blanches, ça colle pas tellement. Les beurrettes tirent la gueule, parce qu'en fait, il ne s'appelle pas Mohamed. Notre ami est à Aubervilliers. Oui, c'est Aubervilliers, c'est aussi ça. Ouais, c'est le milieu. Peut-être qu'effectivement, le fait que tu sois de ce coin-là à grenouiller dans des kebabs, parce que tu dis qu'on ne te crache pas dans ton kebab. Effectivement, si quand on t'approche, tu sens le kebab, eh bien, ça va poser problème pour trouver une femme blanche, déjà. Peut-être. Non, mais c'est pas de bol quand même. C'est l'immigration européenne des années 50-60. Et c'est les derniers qui subsistent, en fait, dans ces anciennes banlieues dortoirs, ouvrières, qui ont été maintenant complètement africanisées. Je dis africanisées, il n'y a même pas que l'Afrique. Hein. Je voyais un reportage qui datait. C'est pas du tout un reportage, c'est un reportage qui avait presque une dizaine d'années. Je sais plus la commune, mais c'est une commune d'Île-de-France qui est très connue. On avait dépassé le stade du maghrébin ou même de l'Afrique noire. On voyait des hindous, des pakistanais, il y avait toutes les zéniths les ethnies de la Terre. Et c'est hallucinant, je veux dire. Donc on a encore dans la tête l'image vraiment des populations, des anciennes colonies qui viennent, et ça existe, ça continue de venir d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Et on a vraiment des enclaves hindoues, des enclaves pakistanaises, c'est pas réservé à l'Angleterre. Hein. C'est incroyable. Donc ces zones-là, c'est là-dedans que notre auditeur a l'air d'évoluer. C'est sûr que dans ces zones-là, trouver une compagne est compliqué, oui, ça c'est sûr. Oui, parce qu'en fait, plus c'est ça qui est terrible, en fait, plus tu te rapproches des zones multiculturelles, est fortement communautarisé. Mmh. Et en fait, contrairement à la légende, en fait, il n'y a pas de mélange. Parce que les gens entre eux, et les femmes en premier lieu. C'est ça le grand paradoxe, en fait. C'est pour ça que les Bretonnes sont très attirées par les nègres. Et que, inversement, par chez moi, malgré le discours antiraciste, les blanches sont globalement avec des blancs, les noirs avec des noirs, et etc. C'est ça qui est très paradoxal. C'est que, en fait, les femmes ont une forme de pragmatisme très affichées, et dans les zones multiraciales, elles se mettent avec des gens de leur peuple. C'est très paradoxal, mais c'est la réalité. Quelqu'un d'autre sur le courrier du Gognoul ? J'ai une idée. Il se ressape en costard de luxe, il loue une Ferrari Testarossa et il va draguer à Auteuil, Neuilly, Passy. Ou fais-toi passer pour, je sais pas moi, un Rital. Comment il s'appelle là, ce film? Oui, c'est Farad. C'est Farad. Ouais, oui. Fais-toi l'Italien. Fais-toi passer pour un Seth héritier, un Seth Farad. Bien sûr, bien sûr. L'Italien avec Cadmerad. Il faut pas que qu'une nana te voit, vite, ce soit kebab. Si tu as un survêt, t-shirt, ça va pas le faire, quoi. Tu t'habilles comme il faut, avec des chaussures, un pantalon, pas un pantalon de survêt. Une chemise, c'est la base, et puis ça sera déjà mieux. Ou alors, lance une boutique d'exportation de jambon serrano. Moi, je suis preneur. Hein. J'essaie pas d'avoir ton... Ouais, exactement. Moi, le jambon espagnol, le chorizo, je suis pas fan. Mais alors, le serrano, le pata negra, c'est quand tu veux. Hein. Lance une boutique d'exportation de jambon espagnol. Et voilà. Tu verras, les petites blanches vont courir à toi. Aubervilliers, ça risque de pas trop marcher. Ouais, je crois qu'il va falloir... Non, parce que le port, là, c'est peut-être une déclaration de guerre. Hein. C'est... On remercie en tout cas notre auditeur pour ce courrier aux couleurs. On le salue. Salut. Salut. Alors, avant de faire une pause musicale, j'ai pas pu céder à la tentation de vous livrer cette très belle histoire. Parce qu'il faut pas rester dans la négativité, quand même. Donc c'est rubrique numéro 3, c'est la pute à bougnoule de la semaine. Bon, bah, on est un petit peu raccord, hein, avec le sujet précédent. Je veux dire par là, vous savez, les blanches qui peuvent se maquer avec des maghrébins, des trucs comme ça. Bah, on y est. C'est un... Donc, je voudrais que je vous donne la source. C'est la Charente Libre qui nous narre cette belle histoire. C'est un drame conjugal qui n'a rien à voir avec le confinement qui s'est noué lundi soir au lieu dit Le Maine-Allain, sur la commune de Chagné, entre Cognac et Sainte. C'est un drame absolu et abominable, confie Nicolas Sept, le procureur de la République de Sainte, hein, qui est très sensible visiblement. Lundi soir, entre 19h30 et 20h30, un homme a abattu son épouse de 3 coups de fusil avant de mettre fin à ses jours. La victime, Vanessa, était selon nos informations boulangère à Sainte. Son concubin, Rachid, ne supportait visiblement pas leur rupture prochaine. C'était une famille sans histoire, même si le couple semblait battre de l'aide. Ce drame est imprévisible. Il n'y a eu ni plainte, ni main courante par le passé, indique le procureur. En couple depuis de nombreuses années, parents de 2 petites filles de 10 et 13 ans, hein, donc c'est quand même avancé la conquête, ils avaient, selon certains de leurs proches, des problèmes de couple depuis de nombreux mois. Au point que, depuis 15 jours, Vanessa, 43 ans comme son concubin, avait trouvé refuge chez sa mère. Lundi soir, pour une raison ou pour l'heure inconnue, elle est revenue à son domicile conjugal où vivait son conjoint avec leurs 2 filles. Venait-elle chercher des effets personnels? Mystère. Mais les retrouvailles ont dégénéré. Rachid a décidé d'en finir, s'est emporté. Vanessa a trouvé refuge dans la salle de bain. L'homme a saisi un fusil, a tiré un coup dans la porte avant de tirer 3 fois sur la conjointe. Il a ensuite retourné l'arme contre lui et s'est donné la mort. Les 2 petites filles du couple, présentes, terrorisées, ont trouvé refuge chez un voisin pour donner l'alerte. Elles ont été prises en charge par le service pédiatrique de l'hôpital de Sainte avant d'être confiées à une tante. Ce drame n'est pas lié au confinement, car le couple ne vivait plus ensemble depuis 15 jours. Mais sur le ressort de la juridiction de Sainte, nous observons une hausse inquiétante des violences conjugales depuis le début du confinement. Peut-être tout particulièrement dans les couples multiraciaux, je ne sais pas, je ne dis rien. C'est une priorité, cette nuit encore nous avons placé 3 hommes en garde à vue pour des faits de cet ordre, précise Nicolas Sept. Alors bon, je sais bien évidemment que l'équipe de démocratie participative est éploré hein, par ce drame du non-confinement, pour le coup. Mais il a pas tué les gamines, ça. Bah non, travail, hein. Il a échappé à la croix de fer. Bon. Je suis très attristé par le gaspillage. Parce que bien franchement, 3 cartouches pour abattre une pute, franchement, faut le faire. Oui, non, mais tu as déjà dû voir peut-être les vidéos des bougnoules et des nègres qui jouent à la guerre, tu vois. Les types, ils ont des Kalachnikov et ils tirent avec la... Ouais, ils tirent à bout de bras, tu vois, ils sortent dans la rue. En général, ils se prennent une bastos au milieu et puis ils crèvent. Et ben, je pense que c'est un petit peu le même principe. Ouais, c'est le même principe, ouais. Bon, alors... toutes nos condoléances à personne. C'est des bonnes nouvelles du confinement, quand même. Ah ouais, voilà, pour le coup. Heureusement qu'il y en a quelques-unes. Une pute à nègre, enfin à bougnoule, est passée à la caisse. Donc, ouais, avec son bougnoule, d'ailleurs. Avec son bougnoule, un peu. Alors, par contre, mauvaise nouvelle, les contrées français ont gagné 2 nouvelles bouches à nourrir. Ouais, deux créatures. Oui, et puis attention, les gars, n'oubliez pas qu'il y a une tante qui était peinard, tranquille chez elle, qui maintenant va devoir supporter les 2 dégénérés probablement pendant toute sa vie. Hein. Ouais. Qui vont peut-être se tourner vers l'islam dur, d'ailleurs. Hein, oui. Voilà. Alors, je dévie un petit peu, mais vous avez remarqué, ça fait un peu la une des journaux. Alors, comme les féministes... déjà, bonne nouvelle, avec le confinement, toutes les féministes sont chez elles bouclées. Alors, putain, c'est un peu mon rêve, ça fait longtemps que j'aspirais à faire ça. Emmanuel Macron, aussi glandu soit-il, a quand même réussi à foutre toutes les nanas à la maison. Je tire quand même... C'est pas parce qu'elles sont bouclées qu'elles se la bouclent, hein. Ah, c'est non, ça, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, maintenant, on doit les supporter, quoi. Voilà, mais justement... Total soutien envers tous les mecs qui sont obligés de supporter leur bonne femme. Je voulais en venir là, vous avez pas vu les unes des journaux, ils disent qu'il y a une augmentation, disons, plus de 30%, je sais pas comment ils quantifient ça, sûrement sur la base des plaintes ou des appels téléphoniques. Apparemment, les gendarmes, les policiers sont submergés par les coups de téléphone. Les hommes, hein, légitimement, ne tolèrent plus la proximité de leurs rombières qui les persécutent dans leurs appartements. C'est, je compatis vraiment, ça doit pas être simple. C'est dur. C'est-à-dire qu'en temps normal, on peut supporter une femme, hein, d'accord. Mais là, c'est compliqué parce qu'on va supporter des femmes, on les côtoie tout le temps, et en plus, forcément, de temps en temps, elles parlent. Ah, du coup, c'est plus compliqué. De temps en temps. Ouais, ouais. C'est un effort qui, je trouve, c'est surhumain, quoi. Une femme qui parle, pour moi, c'est une torture, quoi, j'ai envie de dire. Alors, comme les flics peuvent pas tellement intervenir, je pense qu'il y a un petit retour de discipline patriarcale qui doit quand même s'opérer. Non, mais il remettent des flics, moi. Enfin, j'ai eu des petits échos, là. Ouais. Ils rappellent des flics pour aller dans ces brigades-là. Non. Parce qu'ils sont sursollicités. Ouais, parce que ça rouste, quoi. Mais en Chine, ils balançaient les chiens par les fenêtres. En France, ce sera les gonzesses féministes. Moi, je l'ai dit dans la précédente émission et je le répète, il faut mater les femelles rétives. Le marquis de Sade a fait d'excellents bouquins là-dessus. Ce confinement est quand même une rupture dans l'histoire contemporaine française. C'est une expérience in vivo. Hein. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Non, c'est vraiment pas ce qui va se passer après le confinement. J'ai même envie de me demander, sera-t-il jamais suspendu ? Je ne sais pas. Mais quand on va relâcher dans la nature le cheptel féminin, et tout particulièrement le cheptel féminin féministe, on va avoir des réactions curieuses, hein, moi je vous dis. Hein. Il va y avoir des trucs bizarres en France. Gandalf, il faut rester sérieux. En France, tu as une tradition culinaire en boucherie extraordinaire. On attendrit la viande. Tu peux prendre une féministe, tu te l'attendris à la cravache, je te garantis que tu y gagnes en qualité. Les bons conseils du père Diabolix, les conseils pratiques, confinement, les conseils confinement de Diabolix. As-tu une recommandation sur la largeur du ceinturon, Diabolix, pour nos auditeurs qui... Non, pas du ceinturon. Ceinturon, ça ne marque pas bien. La cravache, la véritable cravache de cavalier. D'ailleurs, ne dit-on pas à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Donc, je vous le dis très honnêtement, il faut nécessairement une bonne cravache. La véritable cravache qui claque bien, qui fait une belle marque rouge... Au bout d'une cinquantaine de coups, il n'y a aucun problème. Matez, mes mères. Oh, mais je pense que les femmes vont adorer, vu le succès que ça avait eu, là, 50 nuances de Grey. Oh, messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après où nous allons nous livrer à ce que j'ai baptisé les chroniques du confinement. Vous allez voir, ce sera très intéressant. A tout de suite, chers amis. Voici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 13, rubrique numéro 4. C'est peut-être quand même l'antisémite de la semaine. On va rendre un hommage particulièrement appuyé à un artiste italien, un peintre, qui, en fait, veut restaurer la vérité. Et vous allez le voir, ça déplaît très fortement aux Juifs. Et je vous livre maintenant le fond de l'affaire. Un artiste, donc Jérusalem Post, hein. Un artiste italien renommé pour ses peintures de style baroque remplies d'imagerie chrétienne a suscité la controverse après avoir dévoilé son dernier tableau du martyr de Saint-Simon de Trente, qui est une représentation de juifs assassinant rituellement un enfant chrétien, a rapporté le journal Allgemeiner. Le peintre Giovanni Gasparo a téléchargé une photo de sa toile sur sa page Facebook mardi, intitulé « Martirio di San Simonio da Trento ». J'ai un horrible italien, mais c'est pas grave. Ah oui, en plus, je vais vous le dire, mais sans accent. « Martirio di San Simonio da Trento, per omicidio rituale ebraico ». Donc, en français, « Le martyr de Saint-Simon de Trente selon le meurtre rituel juif ». Pas d'ambiguïté. La peinture est très détaillée, montrant un groupe de juifs au nez crochu avec des papillotes et des dents jaunes, étranglant l'enfant et collectant son sang. Certains des juifs sont également représentés portant des kippas et des shtreimels, l'un d'eux au centre portant un talit sur la tête et les épaules. En outre, l'enfant est représenté les bras tendus rappelant Jésus-Christ sur la croix, tandis que les juifs regardent avec une joie apparemment sadique. L'événement représenté dans le tableau a un certain fondement historique. Un enfant de 2 ans de la ville de Trente, nommé Simon, a disparu en mars 1475. Les récits historiques sont divisés sur l'endroit exact où le corps a été retrouvé, mais une rumeur, vous allez voir que c'est un peu plus que ça, prévalait à l'époque selon laquelle il aurait été retrouvé dans la cave du juif nommé Samuel, qui était un changeur de la ville de Trente, un changeur juif. Quelles que soient les circonstances, les habitants de Trente ont brutalement attaqué la communauté juive pendant la fête de Pâques, l'accusant de crime de sang, donc crime rituel, hein, l'utilisation du sang d'enfants chrétiens dans les rituels religieux juifs. La communauté juive a dû se confesser après avoir été soumise à la torture, dixit, hein, et 15 hommes juifs ont été brûlés sur le bûcher. Cela a déclenché une vague de violence antisémite alimentée par l'accusation de crime de sang dans les villes de la région, y compris l'expulsion, aboutissant y compris jusqu'à l'expulsion des Juifs. Dans l'année qui a suivi la mort, le clergé local de Trente a demandé la canonisation de Simon, considéré comme un saint, et plus de 100 miracles lui ont été attribués. Cependant, le Vatican, sous le pape Sixte IV, a nié son martyr, dixit, et a refusé de le canoniser. Malgré cela, la vénération a persisté, et finalement, le Vatican a reconnu son culte populaire, donc, et son martyr en 1588 sous Sixte V, et il était considéré comme le protecteur des victimes d'enlèvement et de torture. Donc, des crimes pédophiles, pédocriminalité. Cependant, il n'a jamais été vraiment canonisé par l'Église, c'est ce que dit cet article des Juifs, hein. Cela a été précisé dans une lettre officielle du pape Benoît XIV en 1755. Bon, alors là, c'est très controversé, mais là, c'est les Juifs qui racontent leur soupe. Bref. Alors, je passe le trait. Alors, en 1965, dans le cadre de Nostra Aetate, donc le Concile Vatican II, les efforts pour supprimer de nombreux aspects antisémites du catholicisme, comme le fait de blâmer les juifs pour la mort de Jésus, le pape Paul VI a même supprimé le statut de martyr de Simon. L'Église catholique est même allée jusqu'à soutenir des expositions dans les musées pour attirer l'attention sur l'histoire violente de l'héritage de Saint-Simon. En décembre 2019, le Museo Diocesano Tridentino de Trente a lancé une exposition intitulée « L'invention du coupable ». En coopération avec les autorités catholiques et civiles locales pour attirer l'attention sur ce que le musée a appelé une, je cite, « fausse nouvelle du passé », fake news, hein, et l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'antisémitisme. Donc nonobstant la véracité des faits. Hein. La quantité d'horreur dans l'œuvre d'art n'est pas si surprenante, l'œuvre de Gasparo étant connue pour son dévouement à l'art sacré avec un goût particulier pour le macabre et le grotesque, selon le commentateur Esther Moscati dans la publication judéo-italienne Mosaico. très neutre, bien sûr. À seulement 36 ans, l'œuvre de Gasparo a été exposée dans de nombreux pays depuis 20 ans et a reçu de nombreux prix et distinctions. Cependant, Moscati craint que l'artiste talentueux n'ait mis ses talents à créer, je cite, une œuvre pleine de haine anti-juive, comme s'il en ressentait le besoin à un moment où les fake news deviennent folles, donc ressentit le besoin de dépoussiérer des histoires similaires à ces fake news du passé sombre et lugubre. Dépoussiérer les histoires sombres et lugubres du passé pour alimenter l'antisémitisme. Ces sentiments étaient également partagés par le centre Simon Wiesenthal dans une lettre adressée au cardinal Pietro Parolin. Les juifs n'ont pas perdu leur temps, hein. ils sont allés sonner directement chez le cardinal. Secrétaire d'État du Vatican, le directeur des relations internationales du centre, le docteur Shimon Samuels, s'est dit choqué qu'un artiste catholique rejette la Nostra Aetate. La lettre souligne que ce n'est pas une coïncidence si le tableau a été dévoilé le mardi 24 mars, qui est la fête traditionnelle de la Saint-Simon. En outre, elle devait être suivie d'une conférence de Trois-Villes, avril, intitulée « L'invention du coupable et la dissimulation de l'innocent, le cas de San Simonio de Trente ». Bien qu'elle ait été reportée en raison du coronavirus. Ah. Alors messieurs, bon, les juifs sont très mécontents et ils disent que c'est inacceptable donc qu'il y ait une représentation. Cet homme n'a fait que peindre, hein. Il n'a fait que peindre, une scène de l'histoire de l'Église, hein, avec le martyr d'un enfant par des rabbins qui voulaient collecter son sang. Alors, évidemment, l'argument des juifs, c'est faux. Alors non, ce n'est pas faux. Et nous le savons grâce à un ouvrage dont nous avons parlé souvent dans cette émission, qui est l'ouvrage d'Ariel Toaf, qui s'intitule « Pâques de sang ». Pâques de sang, en référence à la Pâque juive, bien sûr. Ariel Toaf n'est pas un militant d'extrême droite, c'est un Israélien, un universitaire israélien, qui est par ailleurs le petit-fils du grand rabbin de Rome. Donc ce n'est pas quelqu'un qui peut être soupçonné de vouloir alimenter la haine anti-juive à travers la planète. Et il a fait un travail assez rigoureux, assez honnête intellectuellement sur cette question, des crimes rituels imputés aux juifs, c'est-à-dire le fait d'enlever notamment des enfants ou des jeunes garçons et des jeunes filles pour collecter leur sang afin de se livrer à des rituels kabbalistiques, notamment lors de la fête de Pâques. Et il a voulu en savoir plus, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et à sa grande stupéfaction, après avoir compilé beaucoup d'informations et avoir fait des recoupements, il est parvenu à la conclusion, et c'est l'objet de son livre, que en réalité, ces rituels ne sont pas du tout faux, c'est très vrai. Et on peut parfaitement le démontrer. Donc il y avait des usages à caractère cannibale dans la communauté juive, au détriment des goïms, et plus spécialement des chrétiens, surtout s'ils étaient de race blanche. Donc ça, c'est ce qu'il explique. Et alors, dans son ouvrage, il donne une quantité de détails, vraiment. Mais avant de rentrer dans ces détails, je vais quand même faire le tour de table et demander un petit peu à nos participants ce qu'ils pensent de cette œuvre qu'ils n'ont pas pu ne pas voir. Elle est finement exécutée, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des maîtres italiens qui essayent de restaurer un peu de beau dans ce monde de laideur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Juste au plan plastique, est-ce que c'est convaincant comme œuvre. C'est très beau, hein. Moi j'ai cru au départ c'était une photographie du Conseil des ministres, tellement que c'était ressemblant. Franchement c'était... Français donc, hein, oui. Français. Vous mettez une photo, par exemple, de la juive Buzyn, voilà. Vous la comparez, oui, à une caricature antisémite, hein. Je sais que ça a fait le buzz cette semaine. Vous demandez qui est la caricature de quoi, hein. Ah oui, tout à fait. Je pense que ça ressemble quand même plus à la rédaction de France Inter, mais... Oui. Oui, pourquoi pas. Oui, gouvernement, oui. Là, oui, c'est plus France Inter quand même, pour le coup. Mais comment dire, il faut reconnaître que notre artiste italien n'est pas quelqu'un qui n'a pas voulu véhiculer un message. Il n'a pas. Non, c'est très clair. Il a mis les pieds dans le plat. Oui, le jour de la fête de Saint-Simon de Trente, il sort cette œuvre. Qui est belle à la fois plastiquement. Spirituellement, moi je trouve que dans les personnages qu'on décrive un petit peu comme ça brièvement pour nos auditeurs qui ne peuvent pas la voir, mais en fait on a un enfant qui est au milieu du tableau, qui est vraiment mis en avant, qui crie, qui pleure, qui a les bras en croix, voilà, et autour de lui, et qui a l'aura, l'aura de la sanctification, l'aura du saint. Et grouille autour de lui toute une série de juifs, dont un dirigeant, un dignitaire juif, on voit, hein, il a les tenues du prêtre juif, qui sont en grande effervescence. Hein. Alors, qui tient un ustensile pour collecter le sang, hein, l'autre passe un récipient pour collecter le sang, un autre est en train de regarder ça avec un œil plein de désir et de malice diabolique. Voilà, enfin, il y a toute une série de personnages comme ça qui communiquent les uns avec les autres, qui sont agités autour de cet enfant qui est livré à la vue donc du spectateur et qui est lui qui est dans la détresse. C'est vraiment très saisissant comme œuvre. Et alors les faciès, évidemment, parce qu'il faut s'intéresser aux faciès. Alors, oui. Et il ne les a pas loupés. Enfin, on ne peut pas soupçonner. Il faut être très clair. C'est une œuvre courageuse. Je pense d'un chrétien. Je pense que cet homme est chrétien. C'est un vrai chrétien. Je dirais que c'est un bon chrétien au sens traditionnel de la formule, et qui donc fait son devoir de chrétien au sens où on l'entend traditionnellement, et donc qui dénonce le juif comme ceux qui à l'époque ont dénoncé avec force le juif quand ils ont constaté le crime qui avait été commis. Et ça, c'est très difficile à notre époque, n'empêche, c'est très difficile. Donc moi, je lui rends hommage à la fois dans sa démarche spirituelle et dans sa démarche plastique, parce que c'est très réussi. C'est pas une œuvre bâclée du tout. C'est très réaliste. Hein. C'est très réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui va vers l'hyper-réalisme qu'on a pu trouver au XXe siècle dans la peinture américaine, mais en même temps, il veut quand même rester dans la tradition classique, comment dirais-je, de la Renaissance. C'est intéressant. Voilà. Donc, il y a des détails très très très précis sur les visages. Notamment sur les ustensiles, le fait de vouloir mettre des ustensiles pour que, voilà, on est dans une scène de boucherie, mais c'est intéressant entre l'hyperréalisme et la tradition. Je suis assez vraiment. Mais moi, j'ai cru d'ailleurs à une peinture assistée par ordinateur au tout départ. C'est tellement bien fait que j'ai cru que c'était une forme de montage, mais non. Ouais. Le peuple italien est un peuple particulièrement étonnant. Bon, là, on est dans... Je ne sais pas d'où est originaire cet homme-là, mais enfin bon, l'Italie du Nord est quand même assez traditionnellement férue d'art pictural. Mais je vois qu'on relance des choses, c'est intéressant. Alors, quelqu'un d'autre sur les faciès, peut-être. Il y a peut-être un faciès qui vous a intéressé plus qu'un autre. Il y en a un qui a des papillotes, il est extraordinaire. Hein. Il a un nez. Oh Les dents, les papillotes, et il a une pointe là pour planter le petit Simon, et donc avec sa pointe qu'il se prépare à perforer le corps de la petite victime, l'innocent, il a effectivement une expression. Une grimace hébraïque, une grimace hébraïque. Ah, une grimace hébraïque. Bah non, mais il n'y a que des grimaces hébraïques dans ce truc-là. Oui, mais. Tous ces hébreux, là, ils ont des grandes... Voilà un peintre qui a passé. Non, mais c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à étudier le masque juif. Ça, c'est clair. Exactement. C'est-à-dire, on sent la différence de nature entre le petit saint. Oui. Et le visage des coupables, oui. Hommes et femmes, hein, qui sont hommes et femmes, oui. Tous plus hideux les uns que les autres. Alors, question, mais est-ce qu'il est subventionné, lui? Parce que généralement, en tout cas en France, hein, quand ils font des mises en scène de Piss Christ et autres saloperies, ils touchent de l'argent de la part de l'État. Ouais. Alors, est-ce que ce magnifique artiste engagé, lui, il touche du pognon ou pas? Je pourrais pas te répondre en toute honnêteté, je ne sais pas. Ça sera fort peu probable. Peu probable, en tout cas. En tout cas, s'il bénéficiait d'une certaine protection de la part de l'Église catholique, c'est une époque qui sera bientôt révolue, j'en suis certain. Hein. Ça, c'est... À moins qu'il doit y avoir une résistance à l'intérieur en Italie, je pense qu'il doit y avoir une partie de l'Église catholique très traditionnaliste qui doit dire bah non, c'est normal. Voilà. Alors je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il y avait une chapelle qui était édifiée à la mémoire de Saint Simon, donc de ce petit Simon, un enfant qui a été donc sacrifié par les Juifs pour collecter son sang afin de se livrer à leur rituel horrible, et que cette chapelle a été transformée en synagogue par Ratzinger. Intéressant. Donc Benoît XVI, hein. Voilà. Alors c'était pas en tant, je crois pas que ce soit en tant que Benoît XVI qu'il l'ait transformé en truc, mais je crois que, enfin, en tout cas, c'est sous son autorité que ça s'est produit. En tout cas, sous son, oui, sous son autorité. Donc voilà. Et on a été jusque-là. Vous savez, ils disent voilà, Vatican II, Nostra Aetate, la réconciliation avec les Juifs. Parce qu'il y a tout ce baratin, les gens ne savent pas ça, parce que beaucoup de nos auditeurs ne sont pas croyants et ne sont pas versés dans les questions religieuses. Mais il y a eu un revirement à 180 degrés. Après 2000 ans d'enseignement constant sur le sujet, tout d'un coup, les Juifs ont été présentés comme comme des créatures innocentes qui pouvaient se passer de la conversion pour accéder au salut. C'est la version officielle aujourd'hui de l'Église catholique. Les Juifs ont une dispense, ils sont exemptés. Voilà, le Christ, c'est pas pour vous, ça va. Voilà. Ah bon, c'est bizarre, le Christ est d'abord passé par les Juifs. Oui, les Juifs se sont donc vous êtes curieux, des dérogations. Il s'est planté, il y a eu un changement Jésus de... Il s'est gouré c'est quand même ballot hein, quand je pense que Saint-Pierre et Saint-Paul se sont fait chier à se convertir alors qu'ils n'avaient même pas besoin, quoi. Ouais, c'est... Donc, il y a eu bon... un changement de sémantique intéressant, en fait, avec Nostra Aetate, c'est-à-dire qu'on est passé de... C'est l'humanité tout entière qui est responsable de la mort du Christ, donc par ses péchés, ok, bon, Ouais. quelle okay, doctrine catholique classique, donc... Pas les juifs en particulier. Et on est Oui, passé de ça. alors Non, non, attention, mais. oula, attends. Ça me semble, mais tu me corrigeras peut-être, mais ça me semble comme une interprétation très moderne, parce qu'on entendait bien que le Christ a été sacrifié pour les péchés de la totalité de l'humanité, mais que les Juifs étant particulièrement démoniaques, le crime est passé par eux. Mais Et que attends, mais c'est pour, ça. rach C'est ce et que. pour, et que pour racheter les pires des pires, il fallait que le Christ s'incarne parmi les Juifs. Parce que c'était la pire des races. C'était ça que moi j'avais saisi du message. Mais bien sûr, on parlait même de. C'était parfaitement ciblé, en fait. C'était pas juste un peuple parmi les autres et puis toute l'humanité est Ouais. responsable. On a tout le temps parlé de. Bah, jusqu'à Vatican II, même avant Vatican II, hein, de peuple déicide. C'était commun de parler du peuple déicide. Et d'ailleurs, Et on maintenant, priait le à changement de Pâques. ciment. On priait à Pâques pour, comment dirais-je, que les Juifs aveuglés et perfides, comment dirais-je, acceptent enfin de voir la réalité de leurs crimes. C'est ça quand même. Et maintenant, l'hypocrisie est telle que j'entends chez les cathos modernes, j'entends et je lis, et des gens qui vont jusqu'à dire finalement, en fait, les coupables, c'est même pas les Juifs. En fait, c'est C'est les Pilate, Romains. quoi. C'est les C'est les Romains, Romains. ouais, c'est C'est les Romains. l'Hérital, Ah ouais, oui, non, bien bien sûr. sûr. Non, mais c'est les goyes. Ah, mais c'est de l'hypocrisie, ça, c'est un mensonge éhonté, hein. Non, ouais, c'est pas non. l'hypocrisie, c'est juste une prise de conscience des Des rapports rapports de de force force existants, voilà. oui, Et une parce que Gandalf, soumission, une qu'est-ce que tu nous as soumission. lu là? Là, c'est justement le rapport de force, il est très clair, hein. Le centre Simon Wiesenthal. En fait, c'est les Juifs qui C'est le convoquent les cardinaux Vatican. catholiques, quoi. Oui, C'est non, ça, mais hein. totalement. Mais totalement, mais c'est le Vatican juif, quoi. Voilà, cardinal. Ah, Hey, au pied. donc Camillo, donc oui. Alors, je voulais vous dire un truc là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous nous faites là? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, le truc qui est bien, c'est qu'on a affaire quand même à un artiste punk, à mon avis, qui en a rien à foutre de ce que peut dire le cardinal. Oui. À mon avis, hein, parce que tu fais pas une toile comme ça quand tu sais déjà pas ce que tu penses. Hein. Moi, il sait bien ce qu'il pense, vu les heures de travail qu'il a passées à dessiner les nez que j'ai vus, hein, qui sont des nez. Oh, mais ça vaut tous les procès, ça vaut les actes d'accusation les plus terribles contre la race d'Abraham, quand même. Hein. Bon, alors, passer des heures là-dessus, hein, avec la lumière, etc. Et ne pas savoir ce qu'on fait, alors, en se disant, mon Dieu, peut-être à la dernière minute, hein, que le cardinal a filé un coup de téléphone pour me dire, surtout ne sortez pas cette toile. Non, évidemment pas, évidemment pas. Soyons sérieux, soyons sérieux. Quand je vois un nez pareil, je pense direct à des mots genre perpétuité, quoi. C'est des nez coupables. Et d'ailleurs, si cette histoire avec Simon 30 est vraie, et elle est vraie, on peut Elle est d'ailleurs vraie et s'interroger, hein. nous allons donner des informations très précises là-dessus sur la base de l'ouvrage de Monsieur Ariel Toaf, petit-fils du grand rabbin de Rome, universitaire israélien, qui nous dit c'est vrai. Donc du coup, on peut s'interroger sur l'implication réelle ou supposée des Juifs dans des histoires absurdes d'empoisonnement de puits, par exemple. C'est tombé aussi cette semaine. Je pense que les goyes ont le droit de s'interroger là-dessus. Ou aussi sur l'accusation des accusations farfelues contre les gommes, comme l'histoire de chambre à gaz qui pourrait tuer des millions de personnes et en incinérer des dizaines de milliers par jour. Peut-être des choses comme ça. Alors, un des extraits de l'ouvrage de M. Toaf, voici ce qu'il dit. Alors, parmi... c'est un ouvrage très dense, hein, donc évidemment, je ne suis pas exhaustif. En fait, si l'on revient au recueil de la Ségoulotte, en usage chez les Juifs d'origine allemande, on trouve un large éventail de recettes permettant l'ingestion orale de sang tant humain qu'animal. Ces recettes sont de formidables électuaires, parfois complexes dans leur préparation, destinées à soulager les maux, à agir comme remède, à protéger et à guérir. Pour le Shabbatai Lipschutz, pour arrêter le flux excessif de sang menstruel, il était conseillé de sécher devant le feu et de réduire en poudre une plume de poulet trempée avec le sang menstruel. Le lendemain matin, une cuillerée de cette poudre diluée dans du vin et servie à la femme, à jeun, aurait infailliblement produit l'effet désiré. Un autre médicament secret obtenu par Lipschutz et considéré d'une efficacité extraordinaire sur la base d'une longue tradition était prescrit aux femmes qui souhaitaient tomber enceintes. La recette prévoyait qu'une pincée de sang de lapin séché soit dissoute dans du vin et administrée à la patiente. Comme alternative, un mélange de ver, donc l'animal, et de sang menstruel pouvait être d'une grande utilité. Alors, il précise ça parce qu'il dit qu'un des arguments qui a été utilisé par la juiverie de Trente pour se défausser, c'était de dire « Mais non, c'est interdit dans nos lois les plus formelles de consommer du sang tant animal qu'humain, bien sûr. » Et lui, il dit « Non, c'est faux. C'est faux. On a des recueils très précis qui sont dans l'authenticité absolument incontestable qui nous expliquent que non, l'ingestion de sang humain et animal était très répandue dans les communautés juives ashkénazes d'Alsace, dont une partie était établie à l'époque à Trente. Hein, donc ça, c'est, il faut le noter. Donc il y a eu tout, parce qu'ils ont essayé de se dédouaner, hein, bien sûr, hein, nos amis. Alors Ariel Toaf dit une autre chose, il dit « Les recueils du Ségoulotte soulignaient en outre les prodigieuses propriétés du sang humain, naturellement toujours séché et préparé sous forme de caillé ou de poudre, comme ingrédient principal des élixirs aphrodisiaques incitant à l'amour et à la copulation, en plus de leur capacité à réaliser les rêves érotiques les plus audacieux et dévorants. Il n'est pas surprenant que le sang ait parfois été utilisé dans le cadre du mariage, un autre rite de passage fondamental, en plus de ses utilisations dans la circoncision et dans la préparation à la mort. » Alors oui, sachez que dans les témoignages livrés par les Juifs arrêtés à Trente, dont on a su en fait qu'ils étaient vrais, pour une raison suivante qui explique d'ailleurs très bientôt, enfin, il dit que les détails donnés, c'est-à-dire notamment le Seder, qui est une prière qui est récitée lors de la Pâque juive, donc les détails qui sont livrés, c'est ce qu'explique Toaf, sont tels, et en hébreu liturgique, que les prêtres de Trente, l'Inquisition de Trente ne pouvait pas les connaître. C'était impossible. Et dans les retranscriptions de l'Inquisition, les inquisiteurs essayent de mettre en lettres latines les termes qu'utilisent les Hébreux qui sont en train d'interroger. Et ils ont beaucoup de mal à les écrire proprement. Et ce que dit Toaf, il dit que c'est une forme de... On sent en fait que les gens qu'ils interrogent ont un accent allemand, qu'ils utilisent des termes hébraïques avec ce fort accent allemand, donc des askénazes, et donc que pour les inquisiteurs, ils fonctionnent à l'oreille, et ils essayent de retranscrire comme ils peuvent, ce qui donne un caractère très authentique à ce qu'ils entendent, et en croisant tous les témoignages, on se rend compte qu'on ne peut pas inventer ce type de choses-là. On ne peut pas inventer... On ne peut pas l'inventer parce que, en fait, on a beaucoup de traces, en France, en Italie, enfin, dans tout l'Occident, des recueils juridiques de l'époque. On en a énormément. Et il me semble que Gilles de Rais, donc le fameux compagnon de Jeanne d'Arc, qui a eu un passé, on va dire, de violeur et de pédophile, a été brûlé pour cette raison avec certains de ses comparses qui pratiquaient également l'accumulation de sang séché, de sang de vierges et de jeunes enfants, mais également de graisse récoltée chez les brûlés. Donc c'est pas quelque chose de totalement impossible, c'est quelque chose que les médiévistes connaissent très bien. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que Gilles de Rais avait dans son entourage un juif qui venait d'Italie. Ah, je ne savais pas. Ah, j'ai un très gros livre là-dessus, c'est très intéressant. C'est tout à fait passionnant, vraiment. Alors, Ariel Toaf nous dit ceci. Dans le procès de Trente, les femmes, en particulier celles liées à l'autoritaire Samuel de Nuremberg, alors Samuel, c'est le leader de la communauté sur place à Trente, hein, c'est un changeur, c'est un spéculateur juif, c'est un banquier, chefs reconnus de la communauté juive, n'ont pas caché leur grande foi dans l'efficacité du sang des enfants comme ingrédient de sublimes potions curatives et protectrices, dont la médecine populaire et l'exercice de la cabale étaient extrêmement riches, fondés sur une longue tradition. Bella, belle-fille de Moïse de Wurtzbourg, déclara sans hésitation, dans sa déclaration de février 1476, que, je cite, « le sang d'un enfant était merveilleusement bénéfique pour les femmes incapables d'accoucher à terme ». Les femmes se souviennent que lorsque la jeune Anna de Montagana, belle-fille de Samuel de Nuremberg, donc le chef de la communauté à Trente, était enceinte et menacée de faire une fausse couche, sa belle-mère, Brunetta, en tant que femme et experte en la matière, lui a rendu visite dans sa chambre, lui faisant prendre une cuillerée d'un médicament composé de sang sec et en poudre dissous dans du vin. Une autre fois, Bella avait vu Anna, enceinte et souffrante, se nourrir d'un peu de sang mélangé à un jaune d'œuf à la coque. Selon les prévenus de Trente, leurs clients les plus alertes avaient exigé que les revendeurs fournissent des certificats de convenance rituelle signés par des autorités rabbiniques sérieuses et reconnues, comme c'était l'usage pour les produits alimentaires préparés selon les règles religieuses du kashrout. Aussi paradoxal et improbable que cela puisse paraître à nos yeux, et là c'est Toav qui parle, au point de faire croire que ce fait ait été inventé de toutes pièces par les autorités judiciaires de Trente, nous pensons que cette question mérite une certaine attention et une vérification précise, lorsque cela est possible, des faits et détails sur lesquels elle semble être construite. Alors, je poursuis un peu, mais c'est nécessaire. Le maestro Tobias et Samuel de Nuremberg, Angelo de Vérone, Moïse le Vieux de Würzburg et son fils Mohar, maire, se souviennent tous deux d'être entrés en contact avec ces vendeurs de sang, souvent selon eux munis de permis rabbiniques écrits. Parfois, ils se rappelaient même leurs noms et leurs origines. Dans certains cas, ils décrivaient leur apparence physique avec de nombreux détails. Abramo, fournisseur de Maestro Tobias, Isacco de Neuss, de l'évêché de Cologne, Orso de Saxe, Jacob Schirlitz, également de Saxe, ne sont pas des noms qui signifient beaucoup pour nous. Ce sont les noms attribués à ces marchands itinérants, originaires d'Allemagne et voyageant avec leurs sacs à main en cuir au fond ciré et étamé, vers les communautés ashkénazes de Lombardie et du Triveneto. Sans doute plus grave et plus digne d'attention, même s'il a été extorqué au moyen de méthodes coercitives cruelles, est le témoignage correspondant de Samuel de Nuremberg, chef incontesté des Juifs de Trente. Samuel avoue à ses inquisiteurs que le colporteur itinérant, le colporteur, Orso, c'est-à-dire Dove de Saxe, duquel il avait obtenu du sang, vraisemblablement celui d'un enfant chrétien, portait des lettres de créance signées par Mosse de Hol de Saxe, Iudeorum Principalis Magister. Il ne faisait aucun doute que ce Mosse de Hol était identique à Rabbi Moshe, chef de la yeshiva de Hall, qui, avec sa famille, jouissait des privilèges accordés par l'archevêque de Magdebourg en 1442, puis par l'empereur Frédéric III en 1446. Dont celui de se parer du titre de Judenmeister, donc le maître des Juifs, comme Mosé est décrit dans la déposition de Samuel Nuremberg. Nous savons que Mosé a abandonné Halle dès 1458 et s'était installé à Poznan en Pologne pour poursuivre son activité rabbinique dans cette communauté. Enfin, je termine sur cette longue citation mais nécessaire, le texte du certificat de garantie signé par Mosé de Halle, qui accompagnait le sac de sang séché vendu par Orso de Saxe, était assez semblable au texte d'une attestation communément délivrée en ce qui concerne les denrées alimentaires autorisées. Extrait du document en question, qu'il soit connu de tous que tout ce qui est porté par Dove est cachère. Il est normal que le texte ait volontairement omis toute mention du type de marchandise traité par Orso. Samuel, après avoir jeté le sang, a écrit son nom sur le cuir blanc de la bourse, qui comportait une liste de clients du marchand allemand et une signature en hébreu, Rabbin Shemuel Mitrient. Voilà. Alors j'ajoute, avant de donner la parole à nos participants, que le sang des enfants chrétiens, notamment celui du Simon de Trente, était utilisé pour aider à la cicatrisation de la circoncision qui était opérée par les rabbins. Chez les enfants, les nourrissons juifs mâles au 8e jour. Donc, voilà. Alors, donc tout ça, les récits que je donne, vraiment, j'insiste lourdement, c'est pas sorti de l'esprit d'un antisémite exalté. Ce que je viens de vous lire, c'est l'ouvrage d'Ariel Toaf, universitaire israélien, petit-fils du grand rabbin de Rome, qui nous explique, sur des centaines de pages, que les crimes rituels juifs au Moyen-Âge sont vrais. Et dans le cas du petit Simon de Trente, c'est indéniable et il l'explique très longuement. Je ne vous en donne que des extraits. J'insiste quand même parce que on connaît hein, la perfidie des Juifs et on sait qu'ils viendront essayer de nier l'évidence. Donc, voilà. Donc il faut le dire. Faut le dire. Donc je veux dire, tout ça, si vous voulez, parce que imaginez la saloperie. Un petit enfant de 2 ans a été persécuté par les Juifs qui voulaient se livrer à leur magie noire kabbalistique pour récolter donc son sang. Les parents sont éplorés, la communauté italienne de Trente est scandalisée, il y a des émeutes, les Juifs sont pris sur le fait, ils avouent, etc. L'Église, les autorités spirituelles reconnaissent les faits, etc. Et 5 siècles plus tard, parce que l'Église catholique capitule devant les Juifs, ce petit Simon, cette petite victime des Juifs, est soudain transformé en espèce d'imposture, passé par pertes et profits, sa chapelle transformée en synagogue, et son nom utilisé comme outil de propagande pro-sémitique sous la supervision du Centre Simon Wiesenthal. C'est pour vous dire à quel point de perfidie peuvent tomber les Juifs. C'est stupéfiant. Donc, dans ce contexte-là, d'avoir un artiste italien qui dit « Attendez, moi je vais défendre l'honneur de cet enfant persécuté par les Juifs, parce que c'est sa foi qui le commande, hein, visiblement, et aussi parce que c'est sa fibre artistique qui l'y pousse », ben moi, je dis chapeau, surtout que la forme y est. Quelqu'un veut-il dire quelque chose là-dessus avant qu'on passe à la suite? Ça montre aussi un petit peu l'état d'apostasie dans lequel on se trouve aujourd'hui. Parce que renier un saint, surtout hein, ce petit martyr, cet enfant qui a été torturé à mort, c'est comme renier le Christ lui-même. Oui, c'est d'ailleurs ça. Puisque on arrive quand même au moment de Pâques bientôt, dans environ 2 semaines, si vous savez justement, parce qu'en fait les Juifs ils nous mentent surtout, hein, cette fameuse histoire des Juifs qui ne seraient pas responsables, mais toute l'humanité qui serait responsable, ça n'existe pas, même, on s'en rend même bien compte dans le temps de Pâques. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière particulière sur les Juifs perfides. Si, ça, j'en ai parlé, ouais. Ça c'est un truc qui est lié au... Qui est tout à fait récent, hein. C'est-à-dire que... Alors, non, ce que tu veux dire, précisons, parce que beaucoup de gens sont pas catholiques. Attends, je vais le dire, et puis après, tu... je sais pas, non. Non, mais c'est pas ça, mais je veux dire, ce que t'as pas dit... Enfin, il faut que tu expliques qu'il y a 2 temps. Il y a un temps où on disait quelque chose à Pâques, enfin, on récitait ça, et après, ça a été... Oui, j'allais y venir, mais j'enchaîne. Sur le... Effectivement, donc, il y avait une prière qui n'existe plus, qui a été complètement réformée, qui était réformé par Paul VI notamment, Nostra Aetate. Okay. C'était une prière sur les Juifs perfides qui étaient désignés comme tels et qui portaient justement une responsabilité toute particulière dans l'assassinat du Christ. Hein. Donc rien de foufou, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas une théorie du complot, hein, c'est de l'histoire. Oui, les Juifs ont tué le Christ, d'accord. Et c'est une prière qui n'existe plus maintenant, qui était complètement modifiée, dont le sens est complètement dévoyé aussi. On n'utilise plus du tout le terme de juif perfide. Et ce qui était intéressant, c'est que vous pouvez encore trouver cette prière si vous suivez la liturgie catholique traditionnelle. Ça n'a pas été changé normalement. Et normalement, à la fin de chaque prière, quand on prie pour les païens, par exemple, on prie vraiment pour eux et on pose le genou à terre. Pour les juifs, on ne faisait pas cette révérence. On restait debout et ça a fait toute une polémique parce que... Vous savez, pour la fameuse réconciliation, le dialogue judéo-chrétien, les juifs ne pouvaient pas tolérer qu'on ne pose pas aussi le genou à terre pour eux. Et ça maintenant, depuis Vatican II, c'est fait, quoi. C'est-à-dire qu'on change la prière, on change le sens, finalement les juifs deviennent des victimes, et on pose le genou à terre. Voilà, l'abdication totale. Intéressant, hein. Intéressant. C'est... du coup, c'est l'Église qui est devenue perfide. Ah oui, c'est l'étape suivante. C'est au sens strict, j'ai un perfide qui n'a plus la foi. Hein. C'est ça. Hein. C'est... Si t'en viens à renier le caractère historique des juifs qui tuent le Christ, je sais pas ce qui reste. Quoi. Je veux dire, si on arrive quand même à cette absurdité-là... Ils ont renié, enfin les autorités du Vatican ont renié absolument tout. Hein. Je veux dire... Bergoglio est quelqu'un qui... c'est pas la thématique, hein, le catholicisme, mais je veux dire, Bergoglio, c'est quelqu'un qui a fait savoir qui a fait transpirer ses considérations sur la question de la divinité du Christ avec des entretiens qu'il a avec un communiste. Déjà ça en dit long, je veux dire, il s'entretient avec des communistes. Drôle de besoin. Moi, avec les communistes, j'ai d'autres besoins qui sont un petit peu moins liés aux échanges intellectuels. Et c'est quelqu'un qui en a besoin. Donc Bergoglio veut parler à des communistes, qui sont des journalistes d'extrême, enfin vieux en plus, des nonagénaires en plus. Bon, c'est tout ça sent quand même beaucoup la poussière dans laquelle. Et en plus, c'est pas démenti par le Vatican. C'est pas, on dit oui, non. C'est jamais nié formellement, mais comment, parce qu'ils peuvent pas nier parce que c'est vrai. Et en plus, comme je l'ai déjà dit. J'oublie le nom de la personne avec laquelle il s'entretient. J'ai un nom en tête, mais je suis pas certain, mais peu importe. Donc il s'entretient régulièrement. Et à chaque fois, ce vieux journaliste italien communiste fait une sortie fracassante. Or, si c'était un manipulateur et un menteur qui cherchait à nuire au pape, Bergoglio ne réitérerait pas l'exercice. Or, il l'a fait à plusieurs reprises, année après année après année. Donc c'est quelqu'un dont on voit bien que par le simple fait qu'il réitère l'exercice de l'interview avec ce journaliste communiste-là, très connu en Italie, lui accorde un crédit. Donc quand il dit quelque chose, c'est pas faux. Et à un moment donné, il dit que Bergoglio lui a expliqué que Bergoglio ne croit pas à la divinité du Christ. Il n'y croit pas, il n'y croit tout simplement pas. Il n'y croit pas. Alors c'est problématique. Le pape de l'Église catholique ne pense pas que le Christ est Dieu. Alors peut-être que nos auditeurs n'y croient pas, c'est pas la question. Mais je veux dire, quand vous êtes pape, vous n'êtes pas le mec de base de la rue, vous savez, qui a le droit d'avoir une opinion agnostique sur à peu près tout. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord. C'est le cas. Ou alors, il n'a pas dit ça, dans ce cas-là, il faut qu'il le fasse savoir, quoi. Apparemment, non, il aurait mis des timides, machin. Bon, oui, écoute. Non, voilà. Bon, enfin, ça, entre autres choses, bon, voilà, on sait très bien. Mec s'appelle... Je crois que c'est Eugenio Scalfari. Ouais, je crois que c'est Scalfari, ouais, tout à fait. Voilà, Scalfari, il est coutumier vraiment des sorties comme ça. Le pape ne dit jamais non, c'est faux, c'est un mensonge, je n'ai jamais dit ça. Ou le porte-parole, non, c'est une interprétation. Voilà, tu vois. Et le pape, l'année suivante, refaire un entretien, etc. Bref, bon. Alors, en fait, le pape en lui-même n'a jamais démenti, ça c'est vrai. Et apparemment, il y a des personnes de l'entourage du pape qui auraient fait des communiqués, voilà. Mais pas lui-même, quoi. Oui, mais enfin bon... C'est quand même curieux, quoi. Non, mais simplement, c'est-à-dire, si c'est mensonger, parce que... Surtout, c'est pas la première fois, ça arrive 3 ou 4 fois, il continue à accorder une interview mais bien au même affabulateur. Alors que si c'était un affabulateur qui disait, voilà, le pape croit pas la divinité du Christ, il écrit ça noir sur blanc, il m'a confié ça, mais que c'était faux, c'est une opération pour déstabiliser le pape. Et que l'année suivante, le pape, il refait une interview avec le même mec. Non, excusez-moi, le type retranscrit fidèlement, quoi. Bref. C'est juste un moyen pour lui de tenir des propos, disons, en off, entre guillemets, ouais, qu'il n'aura pas complètement assumé. Et c'est un moyen de dire ce qu'il pense vraiment, ouais, sans devoir l'assumer. Exactement. Alors bien sûr, la plupart de nos auditeurs, je ne peux pas le mesurer, mais la plupart de nos auditeurs et des gens en général ne sont pas croyants ou pratiquants, donc ça leur semble très éloigné, mais on est quand même là, si vous voulez, sur des questions qui sont spirituelles assez centrales et qui peuvent retransparaître comme ça avec des histoires qui peuvent paraître lointaines. Hein, voilà, y a un artiste qui peint un truc. Mais quand on creuse, on découvre qu'il y a des vrais rapports de force et que les juifs, à la fois par Israël et par le chantage à l'Holocauste, est une véritable force spirituelle, qui aujourd'hui est le nouveau Vatican du monde occidental, c'est ça la vérité, et que par définition, ils vivent un peu dans l'ombre de l'ancien Vatican, même s'ils n'existent pratiquement plus. Mais ils sont quand même dans l'ombre de l'ancien Vatican. Donc, quand il y a une espèce de petite résurgence comme ça, de rébellion catholique, alors que c'est très localisé, tout d'un coup, vous avez toutes les autorités juives internationales qui se mobilisent, vous comprenez? Donc, ils sentent le danger, parce qu'ils savent profondément leur illégitimité et surtout l'ampleur de leurs mensonges. Ils le savent. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont tellement en alerte. Il y a eu une usurpation. Et les usurpateurs ont très peur que finalement il y a des gens qui disent « Mais vous êtes des usurpateurs, en fait. » C'est ça le truc. Et les Juifs sont des usurpateurs intégraux. Ce sont des gens qui doivent être chassés d'Europe intégralement. Voilà, c'est tout à fait clair. Et ce peintre nous le dit, en fait. Hein. Quand on voit les faciès qu'on a sous les yeux... Les nez, les regards, les attitudes, c'est un appel à se libérer de l'occupation hébraïque. Hein. Clairement. Oui, il a tout mon soutien. Donc, apparemment, il vient de Bari, donc le sud-est de l'Italie. J'apprécie beaucoup cette renaissance picturale italienne. Est-ce que j'en veux ça d'autres. Passe des émus, là. C'est à prendre. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus ou nous passons au sujet suivant? Sale juif. Oui, moi juste, ça, oui. Ça me. Comment dire. Ça m'a surpris de voir cette œuvre sortie nulle part, pour le coup, vraiment. Pour la Saint-Simon de 30. Ouais, pour la Saint-Simon de 30, et vraiment de ce calibre-là. D'autant qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais Bergoglio, il fait des messes tout seul, tu sais, on oui. Le trouve au milieu de la. C'est particulièrement, oui. Au niveau de la symbolique, c'est spécial hein, à regarder, hein, même si bon... On a un peu l'impression que cette fausse église est en train d'agoniser, j'ai un peu l'impression. Ouais, ça sent le sapin, en fait. Ouais. Donc là, notre ami arrive là-dessus, donc sur sur le Bergoglio tout seul, comme un con, sur sa place, il remet un petit peu de réalité, de vrai dans ce que devrait être l'Église catholique. Une relation virulemment antisémite. Mais là, c'est un sujet oui, à la controverse. Oui. Ça va ensemble. Oui. Tout à fait. C'est pas moi qui vais le contredire. Alors, messieurs, passons... Oui, je précise, hein, donc du coup, vous l'avez bien compris, pour nos auditeurs, Saint-Simon de Trente est le saint patron des antisémites. Donc, quand vous avez un problème, invoquez Saint-Simon de Trente. Ça ne peut que vous être utile, surtout face aux juifs. Alors, messieurs, discussion de la semaine. Le confinement, les chroniques du confinement. Nous avons beaucoup de choses à dire. Je commencerai par ça. Est-ce que vous avez vu cette vidéo à Lyon, que je vais faire partager, que je vais partager avec nos auditeurs, où bah, finalement les autorités compétentes se mettent en scène. Alors je fais écouter à nos auditeurs et on se retrouve. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة pas allemand. Oui, on parle pas allemand. Alors, moi, je remarque là-dedans l'importance, enfin, oui, le, symbolique et là pour le coup pratique, quand les minarets et pourquoi ces bougnoules ont insisté pour avoir des minarets, hein, bon, censément il était, enfin, je sais pas si c'est autorisé en France ou pas, du coup j'ai carrément zappé si c'était si on pouvait faire des minarets ou pas, mais donc là en l'occurrence il y en a un. Oui, et puis on dit, ouais, mais il n'y aura pas d'appel à prière du haut du minaret, c'est ça qu'ils disent. Oui, toujours. Voilà. Sauf que là, vu que les croyants ne peuvent plus se rassembler. Parce que confinement, donc là, on autorise l'appel à la prière. Donc nous faisons en sorte que Lyon devienne Dar al-Islam. Ayant le muezzin, donc qui appelle les fidèles croyant en l'unique à prier et à se soumettre à Allah. Oui, donc, la Dar al-Islam, ouais. Précise, hein, c'est la, terre, c'est la terre musulmane. Hein, voilà. La terre musulmane. C'est la maison de l'islam, exactement. Oui, la terre légalement, légitimement, propriété. De l'ordre islamique. Il y a trois temps, hein, il y a trois phases épistémologiques, hein, dans l'islam. Hein. Il y a Dar l'islam, la maison de l'islam, il y a la maison de la guerre et la maison de la trêve. Hein. Dar al-Harb. Ouais, enfin, il n'y a pas de guerre, parce que bon, nous, on dit, ouais, allez-y. Non, bon. Mais c'est ça, enfin, je veux dire, il y a trois moments, c'est-à-dire, t'as la maison de l'islam, la maison de la trêve et la maison de la guerre. Donc, en fait, quand les koufars, donc les infidèles, cèdent, surtout. Sans avoir besoin de prendre les armes, en fait, c'est la maison de la trêve. En fait, tu peux avancer, voilà. Si jamais les mecs résistent, bon, à ce moment-là, c'est la maison de la guerre, hein, tu combats. En revanche, les territoires conquis, hein, qui sont régis par l'islam, eux, bon, bah, ça, c'est la terre d'islam, donc à ce moment-là, ça, c'est la loi islamique qui s'applique. Bon, bah, à Lyon, voilà, c'est la loi islamique qui s'applique, et, comment dirais-je, le muezzin en témoigne, quoi, hein, voilà. Donc, les Lyonnais n'étaient peut-être pas informés que Colomb avait livré la ville aux Mahométans, bah vraiment, ça me paraît à peu près clair maintenant. Bon, moi, ça me va très bien, j'y vis pas. Hein. Je veux dire, mais bon, je sais pas. La capitale des Gaules. Des auditeurs qui vivent. Oui, c'est vrai. Là. Au moment en plus où Barbarin, ce vieux suceur de crouille, prend sa retraite quand même. Il hein. y a des passages de témoins comme ça qui sont, oui, quand même assez cruels, hein, je veux dire. Et puis Lyon, c'est un peu comme Poitiers, c'est une ville symbolique. Hein, c'est pas n'importe quelle ville. La capitale des Gaules. Voilà. Exactement. Et les Gaules vont y voir une forme de message libération. Œcuméniste, quoi. Hein. C'est tous ensemble contre le virus. Toutes les religions contre, oui, le virus. Et je pense que quand le virus ne sera plus là, hein, ce qui risque pas trop tarder. Ça dépend lequel. Oui, bon, on verra bien. Oui, le virus musulman sera toujours là. Mais quand il n'y a pas que celui-là. Quand le virus qui fait tousser sera parti, et que le confinement ne sera plus en place, et que les réunions religieuses seront autorisées, étant donné qu'on a pris l'habitude de faire l'appel à la prière, on ne voit pas pourquoi on arrêterait, oui, puisque de toute manière ça se passe très bien, et que les habitants sont tout à fait contents, et d'ailleurs ils n'ont pas protesté. Ils n'ont pas protesté pour protester. Voilà. Et puis de toute façon, si jamais on l'enlève, on fait des émeutes, on tue des gens. Donc, alors. Et en plus, les Français sont contents. Hein. Et voilà, alors. Ils sont contents chez eux, ils ont l'appel à la prière. Voilà, tout va bien. Je suis. Favorable, hein, très favorable à cette avancée. Moi, le progrès, de façon, en général, moi, je l'accueille à bras ouverts. Donc, je vois pas pourquoi, là, on ferait une exception, quoi. Un bras tendu souvent aussi. Oui, selon les circonstances, tout à fait. Alors, messieurs, Diabolix. Vous remarquerez quand même qu'il a fallu protéger le muezzin en l'entourant de filets de manière à ce que les pigeons ne lui chient pas dessus. Oui. Peut-être convaincre encore les pigeons. Une très grande erreur marketing, c'est cette lumière verte. Si vous voulez véritablement attirer du peuple dans ce genre d'asile, il faut des lumières bleues et rouges. Oui, mais vert, c'est l'islam. Bah oui. Bleu et rouge, c'est le bordel, c'est la même chose. Alors, monsieur chronique du confinement, je m'en voudrais de ne pas vous raconter une petite histoire qui s'est passée sur le territoire de France. Cette bonne terre de France où tant de Français font des choses françaises. Alors, celle-là vaut le coup d'être narrée. Le Parisien, hein, attention, je n'invente rien. Des pompiers caillassés à Étampes lors d'une intervention pour une suspicion de Covid-19. Ah, ça, c'est du cru. Ça, c'est des vraies histoires que les Français aiment bien. Alors, je vous les livre. Le journaliste, c'est Bartholomé Simon. Vous êtes vraiment antisémite, c'est insupportable. Donc, tous les soirs, à 20h, de nombreux Français ouvrent leurs fenêtres pour applaudir le personnel soignant. À Étampes, ce jeudi après-midi, des pompiers en pleine intervention ont eu le droit à un autre type d'accueil. Vers 17h30, les secours sont appelés pour une urgence. Un homme, suspecté d'avoir le coronavirus, se trouve dans un état critique chez lui. Pour sécuriser leur intervention, les pompiers font appel aux policiers le temps de secourir la victime. Et ils ont eu raison de se méfier. À leur arrivée, un groupe de jeunes, bravant le confinement, leur lance plusieurs projectiles non identifiés avant de prendre la fuite. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun véhicule n'a été touché. Les policiers n'ont pu procéder à aucune interpellation. Mais ce caillassage a tout le moins gêné l'intervention des secours. Le massage cardiaque pratiqué sur la victime a été retardé de 10 à 20 minutes, s'indigne Mama Si, maire adjointe de la ville d'Étampes chargée de la jeunesse. Je vous épargne l'accent. Ce sont des jeunes qui d'abord n'ont rien à faire dehors, note une source policière. Ils sont souvent regroupés ici pendant le confinement, au risque de véhiculer le virus. Dans le quartier de la Croix de Vernailles, les pompiers prennent leurs précautions depuis que le caillassage est malheureusement fréquent, déplore une source policière. Même situation dans le quartier Guinette à Étampes, où les forces de l'ordre ont été victimes d'au moins 2 guet-apens depuis le début de l'année. Sans nous, ils mangent, résume une source policière. Les pompiers mettent plus de temps à intervenir et les conséquences peuvent être graves. Un avion mis à disposition par la police aux frontières a été déployé au-dessus du quartier en fin d'après-midi ce jeudi. Il a effectué des prises de vue pour identifier les éventuels regroupements. Des renforts policiers, notamment de la brigade anticriminalité, ont été sollicités par la mairie d'Étampes. Cet incident révolte Mamassi, habitant de la Croix de Vernailles, depuis sa naissance. Donc je cite encore, hein, « Les pompiers ne peuvent plus intervenir à Guinette et à Croix de Vernailles, regrette-t-elle. Certains prennent en otage le quartier. Mon père a 70 ans, ça aurait pu lui arriver. » Donc une espèce de vétéran du Sénégal. Okay. « Et de fustiger les faiblesses, selon elle, du confinement dans certains quartiers. Les jeunes peuvent sortir une heure dehors, ils ont le droit, et ils le font tout le temps, s'ils le veulent, observe Amassi. Or, on note beaucoup de cas avérés de coronavirus à Croix de Vernailles, tiens, on l'apprend. On a besoin de chiffres précis, par quartier, pour montrer à la population qui sort qu'elle prend trop de risques. Ce caillassage, c'est trop, il faut dire stop. » Alors, mais si, bon, on déplore les gros, ouais, bon. Donc, alors, il y a quelqu'un qui a canné, hein, donc, dans ce quartier, parce que les bougnoules du secteur ont stoppé les pompiers de sauver probablement un vieux bougnoule. La magie du confinement vous enthousiasme-t-elle? Moi, je suis conquis, je vous l'avoue. Le Parisien a des chroniques faits divers qui sont toujours... On en ferait des livres. Qui peut me dire comme quelque chose là-dessus? La préfecture de police a décidé de prendre des mesures. En fait, la police nationale sera équipée de filets à papillons pour pouvoir capturer les jeunes. Ouais, bah, ils peuvent toujours courir, hein, parce que... Hein, bon, c'est pas au programme. Hein. C'est pas au programme. Alors, attendez un instant. Ah, non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un confinement... Oui, on va dire, il y a un confinement à double vitesse, à deux vitesses, hein, en fait. Il y en a un, il n'y en a pas. Puis il y en a un autre, c'est pour les Blancs. Tu vois. Voilà, et même si, pour ceux qui l'ont pas, on dit oui, on va mettre en place des médiateurs. Pour dire, allez, ouais. Rentrez chez vous, s'il vous plaît, pardon. Quoi, hein. Excusez-nous, auriez-vous l'obligeant, cher ami, de bien vouloir, pour votre santé, celle de votre famille... qui nous importe tellement. Rentrez, ouais. Rentrez chez vous, puisque sinon, bon, ils payeront pas, hein, ils n'auront pas d'amende. Si tu vas faire ton footing, que tu dépasses les kilomètres autour de ta maison, sur des endroits où les trottoirs font 8 mètres de large, eh bien là, tu as un risque. Tu risques de te faire attraper par la patrouille. Par des policiers maghrébins, donc, oui. pas des policiers maghrébins ou des grosses dondons. Non, mais moi ce principe-là. Quel principe? Quel principe? Qu'est-ce qui... Le principe d'avoir des flics qui me disent quoi faire en me donnant des leçons de morale, non, c'est juste pas possible. Oui, j'ai envie de te dire, s'il n'y avait que les flics pour nous donner des leçons de morale en ce moment, à la limite. Mais je vois des gens nous donner des leçons de morale en permanence, en mode « restez confinés ». Restez chez vous, restez chez vous. Oui, mais ça, ce sont des gens qui se montrent, tu vois, qui font comme les autres, qui se filment. C'est des drones, hein. Ce sont des exhibitionnistes. Non, mais ce sont des exhibitionnistes. C'est des gens comme oui, ça. Oui, déjà. Ah non, mais attends, il y a. Qui aiment montrer leur gueule comme ça, bon, c'est pas donné à tout le monde. Non, là, c'est quelqu'un qui va t'arrêter avec un pouvoir et te dire, non, tu es une merde. Ton attitude contribue à tuer des gens, paye. Voilà, donc moi, les Français sont contents. Là, les Français sont particulièrement heureux de la situation. Ils applaudissent à 20h tout le temps, ils sont contents. Bon, ouais, en plus, c'est national. Enfin, il faudrait quand même que des gens soient, qu'on arrête des trucs, certains secteurs. Effectivement, les gens dans les transports en commun. Sur Paris qui s'entassent avec des nègres partout, dans le RER, dans le métro, dans la région parisienne, je peux comprendre qu'il y ait des risques de contamination. Soit la France, c'est pas Paris, hein, c'est pas que Paris et comment dire, sa promiscuité qui confine même à la. Oui, ce que tu veux dire, c'est que en fait, c'est pas uniforme et que on paye un peu le prix du jacobinisme. En gros, là, exactement. Ah bah totalement. Enfin, il y a aucun. Déjà, je pense qu'ils ont eu peur de confiner les régions ou des zones. Moi, je pense vraiment. Je pensais qu'ils allaient confiner en fait les régions les plus touchées. Ça aurait du sens. Oui, moi aussi. Oui, ça aurait du je sens. Pense qu'ils n'ont pas on pensait faire... aux grandes places et à la région parisienne. Bon, résultat, ils ont dit c'est pour tout le monde. Exactement, nous, on est là, c'est pour dans tout le monde. Coins, ouais. Et c'est totalement illogique parce que tu parlais de trottoirs de 8 mètres de large. Excuse-moi, mais il y a des villages qui sont confinés où tu as les gendarmes pas des locaux qui sont en train de faire chier la population. Mais les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils disent mais attendez, vous devez rester chez vous, c'est l'épidémie de peste noire. Alors qu'il y a des gens, ils sortent de chez eux tous les jours pour aller promener le chien, pour aller bosser, pour ce que tu veux. Mais dans des petits villages. Dans des petits villages. Ils vont croiser le temps de la journée ou de la semaine, ces gens. Ils sortent, il n'y a personne. Et tu as des. Non, mais t'as... Il y a des flics qui coursent, des mecs qui. Ah oui, on a vu une photo qui a tourné. T'as un flic qui court après un jogger. Il y a un jogger qui est sur une. Donc tu vois une route qui est vide, un trottoir qui est gigantesque, et le flic qui course le type pour le ceinturer, le faire tomber, le blesser, et pour le faire payer, quoi, et lui faire la morale. Bon, moi, le communisme, stop, quoi. Oui, il se passe aussi quelque chose qui, moi, me titille particulièrement, c'est les applaudissements pour les infirmières, excuse-moi. J'en ai marre. J'ai l'impression que les infirmières, c'est un truc intéressant. Sont les poilus de 2020. Non mais on va en parler. On va en parler de ça. On se le met de côté. Je veux juste dire un truc pour la partie voix publique, on va dire. Mais ensuite, on revient sur ce que tu dis parce que c'est important. Je veux juste dire un truc. Alors, ce qu'on pourrait dire, voilà, enfin, nous mettre en porte-à-faux, enfin, me mettre peut-être en porte-à-faux, en dire, bah oui, mais vous appelez à l'ordre et puis en même temps, vous refusez de respecter. Alors, premièrement, je suis pas contre le fait de respecter. Les consignes, une fois qu'elles ont été arrêtées, c'est pas ça. Simplement, d'abord, de questionner quand même leur cohérence. D'interdire à des gens, parce que techniquement, c'est ça que ça veut dire, hein, en pratique, c'est que si vous êtes dans une maison, il n'y a personne autour de chez vous à 2 km à la ronde, vous êtes interdit de sortir chez vous pour promener votre chien pendant plus d'une durée, quoi, X ou Y, arrêté par l'État. C'est aberrant, ok ? C'est aberrant, ça veut rien dire, c'est stupide, d'accord ? Or, on voit bien que les normes décidées le sont par des urbains qui vivent dans des métropoles cosmopolites. Paris, en gros. Donc, le modèle décidé, c'est Paris. Et ça s'applique jusqu'aux confins des campagnes, comment dirais-je, de l'Ardèche, du Cantal, comment dirais-je, de la Haute-Savoie, etc. Ce qui est aberrant, ce qui est aberrant, c'est complètement aberrant. Mais c'est ce qui se passe. Et du coup, il y a des gens qui ne... Je veux dire, c'est pas simplement par le goût de la transgression, mais simplement des gens qui disent, attendez, il n'y a pas de logique là-dedans, moi j'ai envie de m'aérer. Et même, je vais vous dire aussi autre chose, c'est la question même du confinement. Le confinement, moi je vous le dis tout de suite, c'est absurde. C'est absurde. C'est absurde, et on ne peut pas mettre des êtres humains, parce que c'est ce qui se passe. Plus que la France d'ailleurs, il n'y a pas que la France, hein, mais la France en intégralité est placée en résidence surveillée. Les gens sont tenus de rester dans leur appartement. Les gens deviennent fous. Il y a quelques personnes qui le vivent très très bien, parce que c'est des gens qui sortent pas beaucoup, etc. Ils sont finalement très à l'aise avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent pas. Il y a des gens qui ont besoin de dépenser leur énergie, qui ont besoin de croiser d'autres personnes. C'est un besoin naturel, un besoin humain. On est en train de les aliéner. On est en train de les aliéner. Comment voulez-vous que des gens comme ça ne deviennent pas fous? Ce confinement est ahurissant. C'est une attaque contre les libertés les plus élémentaires. Moi, je ne suis pas un droit de l'hommiste ou quoi que ce soit, je veux dire, mais imaginez-vous le degré de domestication de la population que nous avons atteint, qu'on n'a pas vu dans aucun régime qu'on nous présente comme totalitaire précédemment, et qui fait que les gens ne peuvent même plus, comme des hamsters, peuvent même plus sortir de leur cage. Ça fait très très peur. Tu as lâché le bon mot, c'est la domestication des Français et l'autodomestication et le fait qu'ils sont tout à fait contents d'être... Le phénomène de mouchardage aussi qui fait quand même... Non, mais surtout la domestication... Oui, ça va avec... Non, mais déjà, les mecs, parce que ils se font plaisir. Moi, je regarde les réseaux sociaux, etc. Tu vois des rombières, parce qu'elles ont peur de canner. Elles ont peur de canner, les vieilles. Elles ont peur de canner. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent le voisin, qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, celui-là, est-ce qu'il va sortir ça? Elles ont la main sur le téléphone, tu vois, faire le 17. Elles ont qu'une envie, c'est de faire ça, vous voyez. Là, pour faire chier le voisin, évidemment, parce que vous les connaissez, quoi. Bon. Et on subit un choc générationnel. On est en train de subir un choc générationnel. Ces gens prennent en otage intégralement le pays, je parle des vieux, parce que les types veulent vivre 2-3 ans de plus, parce que dans leur tête, ils pensent qu'ils vont canner si on confine pas la totalité du pays. Les jeunes sont là, sidérés, on a déployé les flics dans les rues, on va les racketter si jamais ils montent un nez dehors, voire les foutre en tôle. C'est ahurissant. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. J'ai jamais vu ça dans l'histoire de France. L'occupation était une phase libertaire dans l'histoire de France par comparaison. Tout à fait. Voilà. Donc. Mais je suis énervé, hein, ça me... Oui, moi, c'est vraiment par rapport à la domestication et le fait que, bon, les gens qui sont sur... les Parisiens qui soient dans leur truc... ils sont dans une métropole, ça grouille, ils ont pas de, en plus ils n'ont pas de masque, ils rentrent, c'est sale, quoi. Hein, tu vas te promener dans les transports. Enfin oui. Paris, c'est sale au départ, hein, en fait. Ouais, déjà c'est sale au départ, mais en plus t'as des nègres et tu t'empiles des heures de pointe avec des nègres qui te poussent pour t'empiler dans les RER ou dans les métros. Donc c'est particulier, mais arrêtez, je suis désolé, arrêtez les provinces. Pour ça, non, en tout cas, pas comme ça a été fait, quoi. Pas comme ça a été fait. Et puis là, nous qui avons de l'espace et qui n'avons pas choisi de nous enterrer dans des puits à orques, hein. Oui, dans des puits à orques, hein, avec des, un environnement qui est propice au développement de l'humain. Nous sommes punis parce que les Parisiens ne peuvent pas aller dans les RER, donc nous aussi on doit faire comme eux, quoi. Et bon, je dirais pas dire la même chose pour les plages, mais presque, hein, parce que comme les Parisiens ne peuvent pas aller à la mer, ben nous non plus, quoi, hein, bref. Alors on nous fait savoir, messieurs, parce que vous savez que Gérard Miller est parti en Ardèche défendre l'international socialiste. Ouais, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, voilà, c'est ça. Parce que... Non, mais ce qu'on parle, oui, c'est de... Quelque part, Gandalf, c'est un peu compréhensible. Imagine Gérard Miller qui vit dans une garçonnière à Paris de 600 mètres carrés, c'est épouvantable. Oui, c'est dur. C'est dur. Donc Gérard Miller, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une espèce de porte-voix médiatique de la France insoumise. C'est un psychanalyste juif. Ouais, c'est un psychanalyste, donc c'est un Frodo-Marxiste, enfin, c'est une espèce de cinglé juif qui tient, on va dire, le gouvernail médianique de la France insoumise, quoi. Derek, psychanalyste juif, c'est un peu. C'est redondant, c'est redondant. Oui, mais il y a des fois, il y en a qui se perdent, des goyes. Ils ouvrent la porte, merde. Bon, ben, je suis là, j'y reste. Alors, on m'informe, parce que nous avons des sources un peu partout, que le responsable du site du magazine Marianne, bon, pas Marane, hein, Marianne, hein. Vous savez, les républicains de gauche, là, qui sont, ils regardent un peu les musulmans bizarrement, ils disent quand même la laïcité, vous savez. Alors Aaron Bourfald, pas Buchenwald, hein, Bourfald. Donc, ancien animateur du site d'Elisabeth Lévy et chouchou de Natacha Polony, a fui Paris pour les Cévennes dès le premier jour du confinement. Voilà, c'est bon à savoir. C'est marrant, c'est marrant. Quitte le navire. Non, mais c'est marrant, ces Hébreux enracinés qui ont un besoin de campagne, comme je trouve ça, c'est saisissant, quoi. Natacha Polony vient d'amèrement me décevoir. Ah ouais, bon, bah, moi je misais pas lourd dessus, mais bon. Sale prof de Noël de leçon, là. Avec sa coupe de garçon, là. Ah. En plus, t'as vu la gueule de son mec? Ah, il est visqueux celui-là aussi, tiens. Ah bref. Non. Il est brun, ouais. Parce qu'il s'est périco les gars, c'est ça? Oui, enfin le carteron entier, là. Comment? Hein? Quoi? Le français. Bref. Bref. Alors. Du coup, vous savez, là, sur parce qu'il y a la thématique de la sécession, parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est le sentiment d'injustice, parce que c'est drôle, c'est un peu le côté positif du sentiment égalitariste français, c'est qu'on n'aime pas ne pas être traité comme les autres, vous savez, c'est forcément, quoi. Or, les Français découvrent progressivement que l'égalité, il y a des gens plus égaux que d'autres, comme disait Coluche, et que les métèques, en fait, sont vraiment beaucoup plus égaux, quoi. Alors, il y a un article de Spoutnik que j'ai trouvé assez saisissant. Vous savez, c'est ce préfet qui s'appelle Michel Auboin, qui est un... Pour le coup, lui, il a une vraie expérience dans la banlieue parisienne, quoi. Hein. Bon, il sait de quoi il parle. Alors, il donne un petit peu son sentiment sur cette situation. Donc, c'est cité par le média russe Spoutnik. Alors donc, je cite, « C'est un choix délibéré de l'État. Le confinement est désormais imparfaitement appliqué dans les zones criminogènes. Or, si certains veulent acheter la paix sociale, l'ancien préfet Michel Auboin craint que l'assèchement des trafics de drogue ne mène à de nouvelles émeutes au pire moment. » Alors je cite, « Ce n'est pas une priorité que de faire respecter dans les quartiers les fermetures de commerce et de faire cesser les rassemblements », a déclaré le secrétaire d'État Laurent Nunez. Lors d'une visioconférence avec les préfets le 18 mars. Une révélation du canard enchaîné qui conforte les instructions aux policiers du 92 que nous avions dévoilées la semaine dernière. Alors que le confinement se révèle impraticable dans les zones de non-droit, l'État recule. C'est une question de rapport de force. Pour confiner tous ces gens, il faudrait des moyens policiers que nous n'avons pas, regrette l'ancien préfet Michel Auboin au micro de Spoutnik. Ancien haut fonctionnaire, auteur de l'essai 40 ans dans les cités, notre interlocuteur connaît la réalité des zones sensibles. Pour lui, la situation est hautement inflammable. Ça ne m'étonnerait pas que ça se transforme franchement en émeute, nous confie-t-il. Les maires que je vois sont très inquiets, ajoute-t-il, avant de préciser, les préfets laissent les maires assez démunis et la police municipale a peu de moyens juridiques à part dire aux gens de rentrer chez eux. Alors que les attroupements, les rodéos urbains et autres barbecues se multiplient avec le printemps et en dépit du bon sens sanitaire, certains élus craignent en effet le pire. La maire de Vénissieux, dans le Rhône, Michel Picard, du Parti communiste, a lancé un appel au secours pour obtenir des renforts de la police. Avec 34 agents, la police municipale de cette ville de 66 000 habitants est débordée et n'est pas en mesure de faire respecter le confinement. Mais les renforts viendront-ils? 100 000 agents devraient quadriller le territoire national selon Emmanuel Macron, mais l'annonce tarde à être suivie des faits. Il faut dire que la police est déjà exsangue, d'autant plus que les agents contaminés sont de plus en plus nombreux. Ayant reçu l'ordre de ne pas porter de masque, les agents sont particulièrement exposés à la contagion. Au 25 mars, 100 sont officiellement malades et 5 000 sont quant à eux confinés. Du côté de la gendarmerie, on compte 25 malades et 600 confinés. Face au désarroi des élus, les représentants de l'État ne rassurent pas. Ainsi, le préfet de Seine-Saint-Denis a a-t-il exigé du maire d'Aubervilliers, dont on a parlé un petit peu avant, de lever l'arrêté du couvre-feu menaçant de l'attaquer devant une juridiction administrative pour illégalité, en précisant que le maire d'Aubervilliers est communiste. Hein. C'est, un maire communiste voulait instaurer le couvre-feu à Aubervilliers. Le préfet a dit non, sinon je le fais sauter en justice. Pourtant, 112 villes en France l'ont édicté, tout comme le préfet des Alpes-Maritimes. Une façon d'acheter la paix sociale ? Entre des émeutes urbaines au pire moment ou la propagation du virus, l'État semble avoir tranché pour le deuxième des mots. Comme d'habitude, selon Michel Aumoin, la situation reflète une méconnaissance des quartiers et des réflexes culturels propres aux familles d'origine étrangère. L'échec du confinement dans les zones sensibles était presque prévisible. Là, c'est le préfet qui parle. Pour toutes les familles originaires du Maghreb, les appartements abritent les femmes et les filles, et les garçons ont souvent peu de raisons d'y être, affirme l'ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, familier des quartiers défavorisés. Je ne crois pas que quelqu'un ait pris la peine d'y réfléchir. Et le préfet d'ajouter que les consignes sanitaires télévisées n'ont pas de sens dans ces quartiers du territoire. Ils ne regardent pas ces chaînes, indique-t-il. Ainsi, les mots des quartiers populaires, entre guillemets, se révèlent-ils autant dans cette crise que ceux des décideurs politiques. On continue de penser que les problèmes sont loin, qu'il suffit de cantonner ces gens dans leur quartier, et de penser les quartiers comme des espaces extérieurs à la nation, estime Michel Aubouin. Or, un tel raisonnement est condamné à échouer, car plus encore que le confinement dans ces quartiers, confiner ces quartiers est impossible. Les livreurs ou chauffeurs de VTC, les milliers de travailleurs indépendants en viennent, relève Michel Aubouin en guise d'exemple. La propagation du virus est alors garantie. Bon, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais le ton y est. À un moment donné, il parle quand même d'un truc intéressant. Donc, je vais le citer. « Alors, Michel Aubouin ne craint pas d'évoquer d'autres types de moyens, et non des moindres. Je pense à l'armée, précise-t-il, sans craindre le politiquement correct. Mais est-ce vraiment réaliste ? Oui, selon l'ancien préfet. On le fait pour des opérations sentinelles. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour des situations d'urgence sanitaire. Un besoin d'aide militaire qui se fait par ailleurs sentir en d'autres points du territoire, selon Michel Aubouin. En effet, les marchés sont désormais fermés, notamment dans les quartiers populaires de la capitale, à Barbès ou au Batignolles. Le scénario du prolongement n'est pas à écarter. À un moment ou à un autre, il faudra distribuer des produits alimentaires à la population des métropoles. On ne tiendra pas encore plusieurs semaines comme ça, et s'il faut le faire, c'est l'armée qui le fera. » Voilà. Alors bon, je pourrais continuer longtemps comme ça, il y a d'autres éléments, mais enfin, vous avez l'idée. Donc, le confinement, ça boite. Sur le dernier point, au niveau de l'armée, ça commence à mobiliser, quoi, hein, au niveau de la réserve. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont faire des biscottes au bougnoul, peut-être ? Oui, en fait, ils vont leur distribuer du Nutella, quoi, hein, très probablement. Ouais. Ça sera du DHL, mais avec un tri. Donc, voilà. Mais oui, bon. Libérons les prisons, c'est normal. Hein, on ne peut pas les enfermer. Bon, ouais, ils font ce qu'ils veulent. Hein, Non, mais c'est ça qui est frappant. Chez eux, tâchons de ne pas trop les déranger. Voilà, c'est ça. Tout, hein. C'est ça. Mais c'est intéressant d'avoir la parole d'un ancien préfet donc, d'Île-de-France qui connaît très bien le sujet et qui, sans utiliser bien évidemment les termes qui sont les nôtres et ni notre grille d'analyse, fait au moins un constat assez semblable quant à la sécession culturelle, comportementale, évidente et conditionnée pour des raisons raciales et religieuses, c'est sûr. Mais c'est important quand même d'avoir, pas uniquement des gens d'extrême droite, voilà, qui sont estampillés, qui font le même constat. Je veux dire, pour nos auditeurs, certains peuvent se dire, ouais, bon, ils sont bien gentils, mais voilà, bon, ça vient aussi de voix quand même très autorisées qui disent, non, le confinement, c'est pour les blancs. C'est clair. Oui. Alors, c'est pas étonnant parce que en Italie, il y a des émeutes dans le sud qui est sanitairement moins touché que le nord, mais qui est une économie beaucoup plus informelle, donc qui fonctionne beaucoup plus avec le black, sans contrat de travail, avec l'argent du trafic ou du travail au noir. Donc finalement, c'est on va dire très prévisible que des économies qui fonctionnent avec l'argent du trafic de cam, avec notamment beaucoup de bobos parisiens qui vont s'alimenter là-haut et pour lesquels c'est vraiment des types pour lesquels j'ai encore peut-être moins de respect que les bougnoules, c'est vraiment les camés parisiens. Tous ces gens-là sont partis en vacances, donc ils ne vont plus faire fonctionner l'économie des cités. Donc forcément, le cash n'afflue plus. Y a pas que les frontières sont fermées. Donc, il n'y a pas que les TPE qui sont en difficulté. Exactement. C'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, voilà, il y a... C'est-à-dire que le confinement, c'est bien gentil pendant 10 jours, c'est bien gentil peut-être pendant 2 semaines, pendant 1 mois, comme c'est ce qui est prévu. Hein. Je pense qu'on va quand même on va jusqu'à la fin avril, je pense. On peut le dire. Hein. Oui. Non, mais, déjà, officiellement, c'est jusqu'à 13 avril, je pense, quelque chose comme ça. Mi-avril, reconductible, mais très probablement quand même 1 mois, hein, je pense. Ouais, ouais, là, c'est acté déjà. On partirait sur 6 semaines minimum, là. Hein. Ouais, donc, bon, là, pour les dealers, c'est pas cool, hein. C'est pas tellement acceptable. Donc, ces mecs-là, ils tournent en rond, il n'y a pas de clients, ils sont assis sur leur dope. Oui, puis ceux qui vont se réfugier à la campagne, ils pourront peut-être trouver quelque chose, mais c'est pas le même réseau. C'est donc, ça. Ça veut pas dire que ça va se passer, mais je pense quand même que l'ébullition est très réelle. Hein. Je crois pas qu'au moins raconte des bobards. Hein. Je pense que ça monte. Ça monte. À un moment donné, je pense que toutes ces villes, enfin toutes ces zones de peuplement vont dire, bon, écoutez, c'est bien gentil, vous les blancs, vous faites votre truc, mais à un moment donné... Ici, ça doit fonctionner comme d'habitude. Donc, tout est ouvert. Oui, alors, et même pour les Uber. Alors, je ne parle pas des livreurs de casse-dalle, mais à mon avis, les VTC, ils doivent tirer la gueule, hein, parce que ça doit beaucoup moins marcher qu'auparavant. Ah bah, c'est évident. C'est évident. Ne serait-ce qu'en raison du tourisme, par exemple. Hein. Beaucoup moins d'étrangers à véhiculer dans Paris, quoi. Par exemple, ça passe par ça. Hein, c'est... messieurs, est-ce que je peux vous demander... Parce que c'est la deuxième semaine de confinement. Comment vous vivez ça, personnellement, et comment vous voyez la situation, de votre point de vue, quoi. Vraiment, je ne vous demande pas d'être précis, hein, circonstancié. Simplement, là, bon, voilà, vous y êtes, là, vous sentez l'ambiance. Sur le confinement lui-même ou Non, le confinement, même si, bien sûr, vous pouvez toujours ajouter quelque chose d'autre. Mais sur la maladie en elle-même, je pense qu'on va en parler juste un petit peu après. Mais, oui, juste sur le confinement, sur ce qui se passe, là, voilà, les décisions, l'attitude du gouvernement, les ordres, les contrôles. Enfin, bon, là, vous voyez ça comment, maintenant on est quand même avancé, maintenant. Mais, oui, on est dans la deuxième semaine, donc 10 jours... Ouais, bah c'est le bazar. Enfin, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines et demie, tout allait bien. Le lendemain, on ferme les écoles. Le surlendemain, on ferme les commerces non nécessaires. Donc, c'était quoi, les restos, etc. Ouais. Et puis finalement, on va voter quand même parce que la démocratie, plus ouais. que tout, la République n'aura pas nos peurs, etc. Bon, conneries, quoi. Et puis après, bordel, confinement. Donc, le narratif, si tu veux, n'est pas... La suite n'est pas forcément logique. Hein. Il y a des événements au milieu qui, comme aller voter, hein, ce qui ne sont pas vraiment... Aller voter, puis n'y aller plus. Hein ? Aller au théâtre, restez chez vous. Oui, allez au théâtre, restez chez vous et allez bosser, bande de feignasses. Hein. Et c'est la guerre. Et c'est la guerre. Donc, ouais, va t'y retrouver. Donc, bon, beaucoup de boîtes de fête ont dû arrêter l'activité parce qu'il n'y a plus de boulot. On se retrouve chez soi à grenouiller. Bon, pour ceux qui ont un petit peu de place chez eux, qui peuvent promener un petit peu, tant mieux. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Les autres qui sont enfermés dans des petits apparts sans soleil, ça doit être assez compliqué. Je me mets à votre place, ça va être assez chaud. Il y a des grands bourgeois qui sont très à l'aise dans leur confinement. Ouais, enfin, pas que. Enfin, nous, à la campagne, on est quand même bien, quoi. Hein. Non, ça c'est sûr. À part le risque d'avoir des flics, je dis que. Bon, ça c'est le côté. C'est le côté insupportable. Bon. Niveau santé, bon, tout va bien, pas de soucis particuliers. Même dans la région, ça a l'air de pas trop prendre le truc. Hein. Voilà, mais sinon, oui. Bon. Toi, mais enfin, si je te demande, ok, bon, on est arrivé dans la deuxième semaine de confinement. Quand tu prends le pouls, voilà, toi tu dis, ouais, on s'emmerde, et le gouvernement est à la rue. En gros, c'est ça que tu veux nous dire. On s'emmerde et puis on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau boulot après, quoi. Ouais, c'est... Donc, c'est assez... Le temps est suspendu. C'est assez incertain comme période. Bah, c'est inédit, hein. C'est inédit, on n'a jamais vu ça. Ouais, même pendant les guerres, tout continue à tourner, donc c'était assez clair. Qui d'autre là-dessus? Je serais assez curieux d'avoir votre ressenti personnel face à ça. Oui, on est un petit peu dans l'expectative. On a l'impression que finalement, cette zone de confinement, c'est un peu l'œil du cyclone. Et que finalement, on est, entre guillemets, dans une forme de tranquillité, de passivité, en attendant quelque chose qui risque d'être assez terrible. D'une part, il y a les mesures gouvernementales. Peut-être qu'elles seront maintenues. Peut-être alors, tu peux détailler un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Bah, moi, tout simplement, les mesures liberticides. Qui dit que peut-être d'ici peu, ces mesures liberticides seront prises en dehors des périodes d'épidémie. Peut-être qu'elles seront prises pour X ou Y raison. Mmh. Attentats terroristes ou autre chose. Ou même menace de la République pour X ou X. Oui, X, voilà, exactement. La que le cœur dit du mal des Juifs, état d'urgence. Voilà. Exactement. Je suis extrêmement sceptique. On parle de géolocalisation. Bon, ça n'a pas trop passé. Ils se sont extrêmement... dit ça fait un peu beaucoup. Ils se sont oui. dit mais... ça reviendra. Bah, on en parle quand même de plus en plus sérieusement. Voilà, je suis extrêmement circonspect quant à ça. Donc ça, c'est au niveau des politiques gouvernementales. Mmh. Et au-dessus, donc au niveau des politiques des banques centrales et des institutions, on va dire, européennes supranationales, je suis également extrêmement sceptique. Parce que, visiblement, on parle de faire fonctionner la planche à billets de façon totalement vertigineuse. Bon, encore une fois, tout ça n'est pas gratuit. Hein. Derrière tout ça, soit on va le payer via la dévaluation monétaire, ce qui est fort probable, et pour faire en sorte que cette dévaluation monétaire n'ait pas lieu, on pourrait tout simplement interdire le cash. C'est également fort probable. Ah, y a une grosse tentation à ce niveau-là. Hein. Il y a une très grosse tentation. Ou alors, on risque... Et je pense que c'est la solution qui est la plus probable, enfin c'est celle qui a la plus forte probabilité d'arriver. Tout ça sera, on va dire, enregistré, et nous serons sommés, nous, classe moyenne blanche, jeune, hein, je parle pas des boomers, hein, je parle, on va dire, des gens de moins de 55-50 ans, on va être obligé de payer tout ça, parce que tout ça sera... enregistré dans le bilan de la BCE ou des banques nationales, il faudra purger la dette. La dette créée par les boomers. On parle de 400 milliards d'euros en France, hein, de dette créée pour sauver quelques dizaines de milliers de vieux. Théoriquement. Excusez-moi, mais théoriquement, non, mais c'est extraordinairement coûteux. C'est extrêmement coûteux. Moi, j'entends dire des gens, oui, mais une vie humaine n'a pas de prix. Non mais je veux bien, mais est-ce qu'une vie humaine a le prix de l'endettement de ses enfants? Alors, j'ai envie de te dire, MacDav, l'endettement à vie. Celui qui sauve un être humain sauve l'humanité. Voilà. Oui, non, mais c'est un petit peu ce qui guide nos contemporains. Et bon, cette maxime-là, vous la connaissez, ça vient du Talmud, hein, bien entendu, c'est le... Oui, alors, qui sauve l'humanité, étant entendu qu'une vie juive. Oui, bien sûr, l'humanité bien comprise. Une vie bien comprise. Voilà. Qui sauve une vie à un traitement contre la chloroquine de plusieurs milliers d'euros par tête. Oh, mais c'est pas intéressant. Éventuellement, c'est également. C'est pas très intéressant, ça. Bah, ça, je pense que ça pourrait intéresser certains. Oui, non, mais d'accord, mais si tu mets des médicaments pratiquement gratuits à disposition du grand public, c'est pas intéressant. Il y a des gens qui sont intéressés. Plusieurs milliers d'euros par tête, pour toi, c'est pas assez. Bah, ça dépend, moi, je sais pas, moi, je suis pas versé dans les secrets du peuple élu, mais je pense que pour eux, c'est... Ils ont des grands projets, hein. Ils ont des grands projets. Le vaccin qui est en préparation, messieurs, je vous dis que c'est une nouvelle terre promise. Hein. C'est une nouvelle terre promise. Non, c'est pas la terre promise, c'est la manne. C'est la manne qui a été promise au peuple, élu de Dieu, donc, pour le nourrir. Hein. C'est la manne. Et donc, futur vaccin qui nous sera venu donc, par Madame Buzyn et Lévi. Donc Lévi dit le prêtre. Hein. Continuité. Donc, c'est comme ça que vous voyez. Est-ce que je vais... Tiens, je vais demander un petit peu à d'autres aussi, là. Allez, je vais aller un petit peu vers Fulbert. En Belgique. Alors, je ne sais pas si vous êtes confiné au sens strict en Belgique ou si c'est simplement des recommandations. Comment ça se passe ? Bon, il y a un confinement, oui. Il y a des déplacements que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire ce qui est considéré comme déplacement inutile. Rendre visite à des amis, te rendre à ta résidence secondaire, des conneries comme ça, quoi. Pour le reste, tu peux te déplacer pour te ravitailler. T'as pas un peu l'impression qu'il y a... Moi, je pose la question parce que je suis pas en Belgique, donc je ne sais pas exactement. Est-ce que toi, t'as l'impression qu'il y a un côté couvre-feu, militaire, occupation dans l'air ? Parce que c'est... Ça y ressemble, mais je peut-être que j'exagère ou je sais pas, comment tu perçois ça. Ben, c'est un peu difficile parce que tu vois, moi j'habite un patelin qui fait à peu près 10 000 habitants, où il y a peu de commerce, hein, qui a été plus commerçant dans le passé, mais tout ça, ça a disparu en bonne partie. Ce qui fait qu'il y a, tu ne vois pratiquement pas de policiers. Les bougnoules, n'en parlons pas, ils sont dans les patelins à côté. De temps en temps, tu croises un nègre de loin en loin. Ce qui veut dire que, dans l'ensemble, pour moi, le confinement, il s'exprime surtout par des rues beaucoup plus désertes, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Et bon, ben, je me déplace déjà pas beaucoup, donc je suis quelqu'un qui est... qui vit isolé, qui ne se déplace pas beaucoup. Et donc, pour moi, ça ne fait vraiment pas une grande différence. Ce qui m'ennuie, c'est que certaines choses commencent à coûter cher. Ils deviennent même, quelque part, un peu difficiles à trouver. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, pour moi, ça peut durer 100 ans, je survivrai. Enfin, ouais. Pas 100 ans, mais... Ouais, je comprends. Et donc... dans l'air, tu ressens pas quelque chose de particulier. Toi, tu dis pas, non, c'est pas... Il n'y a pas une... Ou par les médias, ou par les trucs, toi, tu sens pas spécialement quelque chose. Oui, là, tu parles déjà plutôt... Climat, atmosphère, oui. De la pensée, plutôt que du constat physique ou réel, concret, quoi. Ce que je ressens, ben, je sens que... Un précédent intervenant me pardonnera, mais je sens que tout le monde va payer la note, pas seulement les jeunes. Et les vieux, ils vont raquer aussi. Ceux qui ont des économies, je pense, j'espère que je me trompe, mais je suis certain que non, ils vont les perdre. Tout ce qu'ils ont mis de côté, quel que soit leur âge, ils vont le perdre. C'est ça que je crois. Et je pense que... Au niveau pognon, oui, tout le monde va douiller, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, et je pense que le coronavirus, ben, il arrive bien. Il arrive à temps pour éviter un crash économique. Qui se représenterait tel qu'on l'a connu en 1929, par exemple, ou en 1931 en Allemagne. Ouais, ça évite de demander des comptes. On dit, bah oui, c'est la faute de la maladie, voilà. C'était pas prévu, voilà, c'est un accident, mais c'est pas volontaire. Donc ça évite de demander des responsabilités, ouais, effectivement. Voilà, moi c'est ce que je crois. Un maquillage. Je me résous à l'avenir qui se prépare, et je suis content d'avoir pris certaines petites précautions. Et donc, toi qui as l'expérience quand même de l'âge et qui a quand même de la sagesse, quand tu vois ça devant tes yeux, tu te dis « je m'y attendais » ou au contraire, tu te dis « tiens, j'aurais jamais cru voir ça quand même. » avec le recul. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu comme, on va me traiter de complotiste, mais je suis un incrédule. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'on allait prendre un mauvais virage un de ces jours. Et je pense ça depuis des années. Et curieusement, je crois que comme beaucoup de gens, sans qu'ils en soient bien conscients, des gens qui sont un petit peu de notre bord, on attend depuis longtemps un événement qui va bousculer cette société que nous n'arrivons pas nous-mêmes à changer. Et je ne le voyais pas arriver sous forme d'une épidémie ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça allait arriver. Honnêtement, je n'ai pas fait de prophétie sur ce plan-là, mais je savais qu'il allait se passer tôt ou tard quelque chose, parce que la situation qui nous a été imposée depuis longtemps, depuis des décennies maintenant, elle allait déboucher sur un accident. Ça faisait, pour moi, ça ne faisait pas l'ombre d'un pli. Diabolix, toi, tu vois ça comment ? Qu'est-ce que tu... Donc toujours dans le ressenti, tu vois, dans le... Comment toi tu... C'est très simple. C'est très simple, mon bon sire. Je suis sur mes terres. Je regarde mes épinards pousser. C'est la saison des omelettes avec les œufs d'oie. Et il faut bien constater une chose. Quand tu es sur tes terres, mais les ennuis ne viennent que d'une seule espèce, toujours la même, le tiers-état. Il faut éliminer le tiers-état. Il n'y a que le tiers-état qui râle. Monsieur le cardinal Déric sera d'accord avec moi. Il n'y a jamais de problème. Il y a Sa Majesté Gandalf, le cardinal Déric, la noblesse, mais dissolvons le peuple, nom de Dieu! Tu veux faire tirer les Suisses, toi, hein? Ah, moi, je veux faire tirer les Suisses. Déjà, bon, soyons très clairs, on les paye suffisamment cher, faisons tirer les Suisses, hein. Dissoudre le peuple, je crois que Jacques Attali est tout à fait d'accord avec toi. Hein. Tu t'es peut-être trompé d'émission. Ah, mais c'est intéressant, ça, par contre, ce que tu dis, Poro. Cette prophétie de Jacques Attali, qui s'en est expliquée longuement en 2009, hein, il avait dit, pas la révolution par la peur, mais l'évolution par la peur, la réforme par la peur, un truc comme ça. Et il dit que ce serait bien d'avoir une pandémie dramatique, parce que ça pourrait nous permettre de faire passer des mesures révolutionnaires pour créer un gouvernement mondial. Permettez-moi de dire que l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown a dit pas plus tard que cette semaine que pour lui, cette pandémie était l'occasion exceptionnelle, unique à saisir pour, je cite, créer un gouvernement mondial temporaire. En sachant bien évidemment ce que veut dire temporaire, hein, dans la bouche de ces gens-là. Mais il a appelé à un gouvernement mondial. C'était a world government. World government. Hein. C'était pas une organisation internationale. Non, c'est world government. Et il disait bien que il allait falloir mobiliser toutes les ressources et blablabla, et qu'il fallait aller très très vite, etc. De voir un ancien premier ministre britannique, en connaissant les Britanniques, surtout leur classe dirigeante, sortir du bois avec ce genre de slogan abondamment relayé par la grande presse, voilà qui ne peut pas laisser indifférent. Moi, je l'ai interprété comme il fallait l'interpréter, c'est-à-dire que nous avons affaire à un coup d'État, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Et on peut peut-être toucher un peu plus au fond du problème, c'est-à-dire quel est le à quoi avons-nous affaire ? Est-ce qu'on a affaire à une vraie crise sanitaire ou pas ? Moi, mon sentiment, je vous le dis tout de suite, donc y a un vrai virus, je pense que ce virus est démesurément grossi. Sa mortalité est très exagérée, et je sais que bon, il y a des gens qui mordicule, parce que quand vous dites ça, il y a des gens qui deviennent fous, hein, parce qu'ils sont exposés au torrent de sidération médiatique et puis à l'environnement immédiat. Bon, on en vient à être convaincu, quoi. On se dit oui, non effectivement, il y a vraiment un danger imminent, on va tous crever, quoi. Dans l'émission précédente, on avait quand même, je pense, un peu éclairé certaines choses, mais le principal conseiller de Trump. Je crois que ça, c'est une voix qui fait autorité. C'est Fauci, hein, le docteur Fauci, qui, au départ, se voulait très alarmiste. Il a publié le 27 mars un texte. Alors, je ne peux pas vous restituer en tant que tel, vraiment dans le détail, mais je vais quand même vous donner le titre. Covid-19, Navigating the Uncharted, donc naviguer dans l'inconnu, c'est ça que ça veut dire. C'est signé donc par Fauci, c'est signé par Clifford, Lane, Robert Redfield, donc il y a plusieurs personnes. Cela suggère que les conséquences cliniques globales du Covid-19 seraient, au final, proche de celle d'une grippe saisonnière sévère, plutôt qu'à un cas similaire de SRAS, qui a un taux de mortalité de 9 à 10%. Voilà. Ça, c'est le docteur Fauci, publié le 27 mars, dans lequel, selon lui, nous avons affaire à une grippe sévère. Si tu reprends l'historique de ce truc, hein. Bon, ça démarre en Chine. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Les Chinois, ce sont les premiers à tester la chloroquine. Bon, ils obtiennent des résultats, ils publient. Est-ce qu'on les croit, est-ce qu'on ne les croit pas ? Avec la Chine, c'est toujours le doute. On a le docteur Raoult qui sort la chloroquine, qui se fait joyeusement rabrouer. Au moment où le docteur Raoult sort la chloroquine, il faut savoir que l'intégralité des pays de l'Est de l'Europe, je dis bien l'intégralité des pays de l'Est de l'Europe, publie dans les journaux officiels des pays le procédé de soins avec la chloroquine. C'est-à-dire que l'État français se retrouve tout seul avec son Institut Pasteur, ses vaccins, Sanofi, la mère Buzyn et son Jules, à essayer de défendre l'absurdité de « oui, mais nous allons sortir comme le lapin d'un chapeau le vaccin contre le virus ». Puisque l'intégralité de la partie du monde qui a du pognon décide qu'on a adopté la chloroquine. Et que tout le débat qu'on a en France en ce moment, c'est un débat qui n'a plus lieu d'être, puisque déjà tous les autres pays l'ont adopté. Donc à part rétro-pédaler, qu'est-ce que tu veux que ces mecs fassent ? De toute manière, le coût du vaccin, c'est foutu. Et automatiquement, ces gens vont perdre des millions, ils le savent, et c'est pour ça que ça les emmerde. C'est pour ça que Raoult et les autres sont considérés comme des pestiférés. Mais en attendant, les États ont fait leur choix. Point barre. Bon, les taux de mortalité, parce qu'il faut quand même y revenir. Bon, déjà, Ferguson, qui avait avancé ses chiffres, est parti des chiffres chinois, qui annonçaient 20% d'hospitalisation sur les gens qui contractent la maladie, et un taux de mortalité de 3%. On sait maintenant que les chiffres chinois valent rien du tout, parce que le nombre de contaminés est bien supérieur, en fait. Il y a beaucoup plus de contaminés. En France, le nombre d'hospitalisations, en fait, n'est pas du tout apocalyptique. Quand on regarde encore une fois le modèle de Ferguson, il disait que même en cas de confinement extrême, il y aurait des centaines de milliers de personnes qui devraient être hospitalisées, hein, de l'ordre donc de 15 à 20% par million de contaminés, en sachant que était prévu, hein, là encore, hein, c'est son étude, hein, 30 millions, voire 40 millions de contaminés au Royaume-Uni, comme en France d'ailleurs. Donc on aurait, faites le calcul, hein, je veux dire, 20% de 40 millions devant être hospitalisés, vous imaginez le truc. Bon, quand on présente ça, on dit c'est l'apocalypse. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plus de gens qui arrivent aux urgences, c'est un fait, c'est indéniable. Il y en a 4 800, on va dire 5 000, hein, en rendissant, on dit 5 000, et là, il y en aura peut-être un petit peu plus encore, voilà. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. On est quand même d'accord. Quand on nous dit qu'il y a 30 millions de gens qui vont être contaminés sur une population de 60 ou 70 millions, ou 40 millions, et là-dessus, on va avoir 20% ou 15% qui vont avoir besoin de soins hospitaliers, ça va être la catastrophe, et qu'on se retrouve au final sur, je veux dire, une progression vers le pic, on n'est pas trop loin, on va dire, et qu'on est sur 4 000, 5 000 personnes hospitalisées, imaginons que tout se passe très très mal, on arrive à 10 000 ou 15 000, on est très très loin de l'apocalypse qui était prévu. Et je précise que Ferguson prédisait l'apocalypse s'il n'y avait aucun confinement, mais que même en cas extrême de confinement, on diminuait de 50% le désastre. En fait, donc on aurait quand même des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes qui devraient être amenées aux urgences, faute de quoi elles mourraient d'étouffement, quoi. On n'est pas là-dessus. Donc le modèle qu'il a construit et qui repose sur ses 20% d'hospitalisation et ses 3% de mortalité n'est clairement pas au rendez-vous. Hein. Clairement pas au rendez-vous. Donc, je pense qu'il est évidemment trop tôt hein, pour dire, voilà, combien de personnes meurent, c'est trop tôt. Mais je crois qu'on est quand même très très loin du compte par rapport à ce qu'on nous avait dit, parce que le point de départ de tout ça, le point de départ de toute cette panique, qui justifie le confinement, qui justifie les lois de restrictions, etc., c'était de dire, voilà, des centaines de milliers de personnes vont mourir, et si on s'en sort très très bien, écoutez, moi, je me rappelle très bien, si on s'en sort très très bien, en étant conservateur, on aura 50 000 morts. En étant conservateur. C'est ce qu'on nous disait. Hein. Et vous avez remarqué cette semaine aussi, bien sûr, l'utilisation de la mort de cette jeune fille de 16 ans, qu'on a présentée comme étant normale, je veux dire, voilà, voilà, ça peut arriver à tout le monde, faut pas croire que c'est que les vieux, etc. Et c'est faux, c'est archi faux. Les chiffres italiens sont assez parlants aussi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, donc les gens sont un petit peu paumés oui. avec tout ça. Mais les cas de... Simplement les cas par de rapport coronavirus... aux exceptions comme ça. Ouais. Ouais, vas-y. Non, aux exceptions, on a la jeune fille de 16 ans, mais si tu veux, tu as de l'autre côté, en Italie, une grand-mère de 102 ans qui a eu le coronavirus, qui en est sorti. Et en Suisse, pareil, une grand-mère de 96 ans, qui a eu le truc, et puis ouais, c'est pas comme un charme. Donc, bon, statistiques. Oui, à exception, exception et demie. Il faut regarder les statistiques. Voilà. Et puis bon, même chez les non-agénaires, le taux de mortalité n'est pas de 50%. Quoi. Pas du tout. Voilà, donc il faut quand même raison garder. Quoi. Alors, les morts strictes de coronavirus, c'est-à-dire où tu n'as que le coronavirus, en Italie, hein, où tu n'as que ça, tu n'as pas d'autres maladies, c'est 1%. Donc le coronavirus tue 1% des gens qui sont qui sont testés positifs. Hein, sur les personnes qui sont testées positives et qui meurent, je précise parce que sinon ça sera pas clair. Sur toutes les personnes qui sont mortes du coronavirus en Italie officiellement, 1% n'est mort que du coronavirus. Oui. C'est-à-dire que 99% des gens qui sont morts en Italie officiellement du coronavirus le sont aussi pour d'autres raisons. D'accord ? Et moi, je vois des cas. Enfin, je veux dire, je vais pas du tout être médisant. Je veux pas être. Mais je vois des gens. Ils disent, oh là là, regardez, parce que j'ai des gens comme ça hein, qui. Oui, mais je vois quelqu'un sur un lit. Il fait 120 kilos pour 1m70. Donc, à un moment donné, on n'est pas non plus sur des individus qui sont en pleine santé, quoi. Il y a quand même des comorbidités. Donc ça nous dit peut-être... je déverrai peut-être la discussion là-dessus, mais sinon vous pouvez revenir sur n'importe quel point de ce qu'on a dit ou vouloir préciser autre chose. Moi, cette crise, en fait, cette soi-disant crise très manipulée au plan strictement sanitaire, si ça devait souligner une chose, et Dieu sait qu'elle n'est pas létale, bah c'est que les gens en question, ils sont pas en bonne santé. Au départ. Alors aux États-Unis, disons, on va avoir, on ne sait pas combien il y aura de morts aux États-Unis. Moi, j'attends d'abord de voir le bilan. Mais on a affaire à des populations qui sont en surpoids de manière chronique et pas qu'un peu. Enfin, c'est des gens qui ont quand même beaucoup de problèmes, de diabète, de trucs. Alors sur ça arrive cette maladie et on fait abstraction de ça en nous disant comme si tu vois les Américains c'est tous des athlètes. Tout d'un coup, il y avait cette maladie qui arrivait, il y en avait 5000 qui mouraient d'un coup. Et là, dire, bah, c'est quand même catastrophique. Ah, attendez, faut quand même voir le cheptel qui est en question, quoi. Je veux dire. Donc, et en fait, toutes ces informations sont évacuées. Et c'est quand même très très problématique dans la compréhension de ce qui se passe, quoi. Voilà. Et bon, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique. D'ailleurs, on voit les chiffres français sont, ils vont évoluer, mais on n'est pas sur le désastre. On n'est pas sur le désastre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Si vous... Ouais, le seul point où tu as du bordel, c'est effectivement que les hôpitaux et les soignants sont débordés. Voilà, c'est ça. Eux, ils sont... eux sont en première ligne et ils risquent de morfler plus que d'autres, puisque bon, ils vont se fatiguer, ils vont être confrontés au virus, puisque de toute manière il n'y a pas assez de protection. Hein, ça c'est. Parce que, chers amis, si vous n'étiez pas au courant, vous vivez dans un pays africain. Hein. On a des gens qui volent des respirateurs dans les eaux. Oui. Des gens, enfin des nègres. C'est pas trop la race. Des bougnoules, ouais. Probablement des nègres qui revendent. Non, des types embauchés dans les hôpitaux. Oui, aussi, oui. Ils revendaient les respirateurs sur le bon coin. Hein. Ça a été vu dans l'Oise. C'est quand même une intelligence rare. Hein. C'est quand même le souligner. Oui, c'est sur le bon coup. On vole le truc, on le retrouve, bon, cuit. Nègre, à tous les coups, c'est des nègres. Hein. Voilà, on vit en Afrique. Le système de santé africain, il est comparable à l'état du pays, hein, africain, avec beaucoup de nègres, de négresses. Hein. On a eu de nombreux témoignages d'auditeurs. Oui, dans le passé, ça, bien, hein, sûr. Ceux qui ont pu être amenés à fréquenter ces établissements ont bien remarqué la chose. Donc, c'est peu étonnant. Donc, oui, la variable d'ajustement là-dedans, ça va être le matériel humain, donc le compétent, donc les blancs, donc les docteurs, infirmiers, infirmières, aides-soignants, etc., qui eux, pour le coup, risque pas mal. Oui, en fait, je crois que... C'est normal qu'on soit, ouais, en Afrique, on soigne les gens avec des antipaludéens. Oui. Non, mais je crois que ce que ça révèle vraiment, cette crise... Parce qu'en fait, il n'y a pas de crise, en fait. C'est ce que je veux dire, en fond. Il n'y a pas de crise sanitaire particulière. Ouais, c'est juste, on le voit bien. En fait, rend juste compte que la France est à poil, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est en fait, et pas que la France, d'ailleurs. Il y a quelques autres pays en Europe qui démontrent leur état réel, en fait. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien que par rapport aux prévisions catastrophiques qui avaient été annoncées, il n'y a pas le compte. Je ne vais pas y revenir. Donc on se retrouve avec des urgences où on a, je crois, un peu moins de 5000 cas, à ce stade, hein, bon, ça peut évoluer, bien sûr, 5000 cas qui sont en réanimation. Les mecs disent, ah oui, mais c'est quand même 4 fois plus, 5 fois plus que la grippe. Oui, oui, c'est une épidémie qui frappe un certain public sur un certain type de pathologie. Mais attention, je veux dire, la variation qui a l'air, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est spectaculaire de passer de 800 à 5000. Pour une population de 67 millions d'habitants, c'est dérisoire. C'est pas ça, une épidémie. Une épidémie dévastatrice, c'est pas quelque chose qui fait monter le niveau de 800 à 5000. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est une véritable pandémie qui tue en masse. Quand ça tue en masse, il faut bien comprendre qu'on parle de millions de morts, et à tout le moins, de toute façon, de centaines de millions de gens qui sont vraiment en détresse absolue, qu'il faut absolument hospitaliser pour des populations de 60 ou 70 millions d'habitants. On n'est pas là-dessus. On est sur une toute petite variation, un tout petit pic épidémique, qui n'est pas du tout surprenant, avec des images, évidemment, qui sont un peu surprenantes, parce que c'est quand même régional, c'est quand même dans certaines régions, et les gens se disent, voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, mais on n'a pas affaire au raz-de-marée qu'on devait voir. Et ce qu'on voit, c'est que ce petit truc, cette petite variation, fait péter le système. C'est ça qu'on voit, en fait. Imagine-toi, en plus, là, dans les mois, on est confiné. Hein, donc, oui. On a plus de morts dues à ce truc-là. Donc, allez, peut-être qu'on va en avoir 15 000, 20 000, peut-être. Je crois pas, parce que je pense qu'il y aura moins que l'Italie, hein, en plus. Je pense que... Je prends large. Ouais. Prend large. Ces mois-là, il y a quasiment personne qui roule. Pas d'accident de voiture, pas d'accident de moto, comme ouais. Très peu. Ouais. Les gens, apparemment, comme ils bougent pas trop, ils sont pas stressés, ils font pas d'infarctus. Donc, ouais. Au final, ça, au niveau de la mortalité, le truc, sur l'année, ça va. Pff, que dalle. Voilà. Et éventuellement, quelques accidents domestiques. Oui, voilà, le fait que. Ouais, genre, je sais pas, n'importe quoi, Rachid décide de buter Vanessa, sa femme boulangère, voilà. J'invente n'importe quoi. Non, c'est pas, c'est pour dire qu'au niveau statistique du nombre de l'influence, du nombre de morts, ça. Non, puis non, c'est zéro. Loin, d'ailleurs, les gens n'écoutent pas le professeur Raoult, parce qu'on parle beaucoup de lui en raison du médicament qu'il propose, hein, pour écourter en fait la maladie, ouais, quoi. Ouais, la durée pendant laquelle le virus est actif. Quoi. C'est ça. Et bousillé, quoi. Et en fait, il y a des débats vraiment. Alors là, on est vraiment dans la controverse de Yeshiva. Hein. Non mais c'est ça, on en a là. Oui, c'est... Et moi je trouve que c'est pas très intéressant, parce que c'est pas l'essentiel, c'est pas du tout l'essentiel de ce que dit le professeur Raoult. Les gens l'écoutent pas, les gens prennent pas le temps d'écouter ce que dit cet homme. Ils ont des bribes d'interviews, des trucs, mais ils écoutent pas ce que dit cet homme, qui est, je dis pas qu'il est infaillible, c'est pour ça que je m'intéresse même pas trop à son protocole, parce que, après tout, on peut très bien le contester, etc., mais ça j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit sur le fond. Il dit sur le fond... Écoutez, ce virus, c'est rien. Il n'y aura pas de variabilité sur la mortalité française significative avec ça. Ce coronavirus, on en a des tas d'autres. On en a. Et il dit bien, il y a des gens qui meurent de coronavirus, on n'en parle jamais, parce que ça n'intéresse personne. Et le type nous explique très clairement, il nous le dit, il ne se passe rien. Les gens n'écoutent pas. Il y a 4 jours, il fait une vidéo dans son institut, le type explique, il dit « Mortalité ?» Non. Alors, la mortalité à Marseille est effectivement très faible. Le ratio hospitalisé sur décédé est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont détectés. Oui, mais il faut bien comprendre aussi, c'est-à-dire que après la mortalité, c'est genre par année aussi. Mais t'as des années où t'as des épidémies qui tuent beaucoup de gens. Par exemple, la grippe en 2017 a tué 21 000 Français. C'est pas négligeable. Oui. C'est pas négligeable. Il y a 600 000 morts. C'est des estimations, parce qu'on les teste pas tous, mais c'est supposément mort de la grippe. Mort de la grippe, c'est complications, donc avec pneumonie, etc. Ouais. Donc 21 000, c'était un pic à ce moment-là. Mais l'année précédente, il y en avait beaucoup moins. Donc on peut voir que d'une année sur l'autre. On en a 70. Non, mais je veux dire, d'une année sur l'autre, on peut perdre 10 000. Il y a 10 000 personnes en plus qui peuvent mourir. Je veux dire, en France, ça arrive, vu la taille de la population. Voilà, t'as une année par les cycles, parce que la grippe fonctionne par cycle, comme toutes les épidémies d'ailleurs. Et donc, il y a des années avec des plus hauts et des années avec les plus bas, comme les marchés d'ailleurs, comme la bourse. Et en 2017, on avait eu un plus haut, effectivement. Mais d'une année sur l'autre, tu peux avoir comme ça 10 000 personnes de plus qui meurent, voilà, sans qu'il y ait fondamentalement quelque chose d'anormal, quoi, je veux dire. Et là, on est en train de nous présenter ce qui est en train de se passer comme étant vraiment une catastrophe qui est de nature à changer, à bouleverser la donne de la mortalité. Or, on va se retrouver, à la fin de l'année, moi je vous le dis, avec une variation très faible, au global. Une variation très faible. Oui, bien sûr. Et absolument. D'autant plus que beaucoup de gens seraient certainement morts dans l'année. Hein. Beaucoup de gens qui sont morts récemment, ils seraient morts cet été ou en septembre, c'est fort probable. Ça m'ennuie de citer Neil Ferguson une nouvelle fois, donc l'annonciateur de l'apocalypse, qu'il a dit lui-même dans la presse britannique, il y a quelques jours. Il a dit, bon, sur les personnes qui, dans nos prévisions, hein, sur ses modèles, parce qu'il révise un peu son discours, mais sur nos modèles, les... 2/3 des personnes qui vont mourir allaient mourir dans l'année. Je le cite. Hein. Parce que les gens étaient déjà faibles au départ. Ouais, pour des raisons d'âge, de maladie. Mais. Donc, du coup. Si tu veux, la population, elle est un peu assujettie à tout ce qui est image impressionnante, facilement influençable. Hein. Donc, tout ce qui touche l'émotion, quoi. Ça, c'est vrai. Hein. Mais ce n'est pas pour des raisons liées. C'est pas impressionnant. Parce que le virus, c'est tel qu'il est, quoi. J'ai plutôt l'impression que moi, c'est une sorte de dommage collatéral, tu vois. C'est-à-dire que le monde hospitalier, je pense qu'il n'a pas trop de pognon en général. Tu vois, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matos, c'est un peu la galère. Et juste, le virus, quand il touche quelqu'un, il ne va pas le tuer forcément, d'accord. Mais en tout cas, ça va foutre un gros bordel. Il va falloir mobiliser des moyens qu'on n'a pas. Juste parce que ça touche les voies respiratoires. Donc, ça fait appel un peu à tous les services... disponible dans le milieu hospitalier, tu vois, je sais pas, la réanimation, la chirurgie, la radiothérapie. Normalement, c'est des trucs qu'un pays comme la France pourrait gérer en partie, tu vois. Normalement, on a quand même assez de pognon, même si ça se concentre sur une courte période, on peut pouvoir gérer quand même une partie de ce truc-là, ça ne doit pas être un gros merdier. Mais pourquoi c'est aussi un gros merdier en France? C'est parce que le virus met aussi en lumière que bah, la France est devenue un pays en voie de développement, donc ça se voit davantage, et qu'il n'y a pas trop de pognon, voilà. Après, le virus en lui-même, finalement, si on regarde les stats, comme vous l'avez dit, ouais, ok, c'est plus mortel qu'une grippe, effectivement. 5 fois plus, même si c'est 20 fois plus. Ah non, plus, non, c'est, pas, c'est même pas 5 fois plus, hein, je vous assure. Que non, les... même, disons, même si c'est 20 fois plus, c'est pas la catastrophe du siècle non plus, voilà. La France peut, alors c'est regrettable, mais peut endosser quand même une perte comme ça, même si c'est 20 fois plus que la grippe. Bah, de toute façon, la meilleure preuve que c'est bidon, c'est les publics que ça concerne. Les gens sont tous en train de paniquer sur les EHPAD. Mais attendez, c'est pas l'avenir du pays, les EHPAD. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Les vieux vont mourir dans les EHPAD? Ouais, ils meurent tous les jours dans les EHPAD, les vieux. Ah, ils vont mourir un peu plus tôt? Et alors? C'est d'ailleurs à ça que ça sert, en EHPAD. Hein. Non, mais bien sûr, des mouroirs. Non, donc, on est sur, moi je vous le dis, une manipulation à grande échelle, on est en train de défrayer la population, alors on leur dit, voilà, nos vieux meurent dans les EHPAD, oui, ils font ça à longueur d'année, c'est comme le dit oui, très bien Diabolique, c'est la fonction ça, des EHPAD. C'est... Peut-être que si on gardait les vieux à la maison, ils seraient moins à grouiller dans des germes à droite à gauche, ils ne craindraient pas, mais bon, c'est vrai que c'est l'hypocrisie la plus totale. Bien sûr. Mais attends, Eric, là, je peux t'en parler parce que j'ai une copine qui a été directrice de ce genre de truc. Donc, il faut se rendre compte que la période de la grippe pour les EHPAD, c'est le bonheur de la direction. Parce que déjà, ça permet de faire de la place pour les nouveaux arrivants. N'oublie pas que dans un EHPAD, tu ne peux pas bouger les murs. Bon. Parfait. Autre chose, on te bourre les patients de produits pour qu'ils soient constipés. Pourquoi ? Parce que le problème d'un vieux, ça se lâche. Et les infirmières, ça ne les intéresse pas de torcher la merde 25 fois sur la journée. Donc, tu te retrouves avec... Ils font des occlusions intestinales et ils pourrissent. Ben évidemment, tu te retrouves avec des petits vieux qui chient comme des lapins. Ils font des petites boules. Et en fait, c'est le stade ultime de la constipation. Alors, autre chose, tu arrives dans un EHPAD, tu rentres dans une chambre, l'intégralité des radiateurs sont au maximum. Pourquoi ? Parce que, évidemment, plus tu as chaud, plus tu te sens bien, plus tu es amorphe, plus tu pars le plus rapidement possible. Il faut se rendre compte qu'un EHPAD, c'est un business. Bien sûr. C'est gérer les vieux, les faire claquer de manière quand même assez rentable et faire du turnover, point barre. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu, parce que Magda avait esquissé ça du doigt, sur les gens qui applaudissent à leur fenêtre le fait d'être enfermés comme des lapins dans des clapiers ? Est-ce que c'est... Est-ce que... Oui, oui. Alors, moi, je vais pas cracher sur les gens qui prennent du monde médical, qui prennent des risques. Il faut arrêter quand même de surévaluer la prise de risque, quoi. Parce que moi, j'ai eu sur les réseaux sociaux tout un tas de gonzesses infirmières qui sont bêtes comme leurs pieds et qui se prennent en gros pour je ne sais pas qui, pour Wonder Woman, juste parce qu'elles vont bosser et parce qu'elles posent des perfs, d'accord ? Oui, donc ce sont pas de nouveaux poilus, c'est absolument insupportable. Les médecins, ils ont quand même une efficacité qui est plus grande, d'accord ? Mais ils se la ferment 20 fois plus. Il faudrait un peu d'humilité et ne pas se dire je fais 20 bornes en portant des gants, je sauve l'humanité. Ouais, mais le problème là, ça c'est un truc qui est pas du tout évoqué, c'est le fait que voilà, parce que on parle des infirmières et de soignantes, bon c'est à 99% c'est milieu, des femmes. C'est un milieu que de femmes. En fait, les seuls infirmiers hommes, généralement qui sont dans ces métiers-là, ils sont plutôt vers les hôpitaux psychiatriques, parce qu'il faut de la force physique pour contenir... Les mecs, ils pèteraient un plomb, quoi. Non, mais le truc, c'est que tu dis à ces gens-là, tu dis à des femmes, vous êtes indispensables pour notre vie. Bon. Bah, elles sont plus pissées. Bon, princesse, voilà, voilà. Alors, tout d'un coup, tu vois des vidéos qui arrivent et tout est rang. On meurt pour vous. C'est indécent. Mais des scripts que tu trouverais dans les feux de l'amour. Je veux dire, non. Et c'est pour ça aussi qu'il est très important de ramener les chiffres à leur juste proportion. Non, il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes qui meurent dans l'attente de soins, dans les urgences de leur... Non, ça n'existe pas, c'est une construction médiatique, il n'y en a pas, d'accord ? Il y a 4000 et quelques personnes sur 67 millions de gens qui sont actuellement en difficulté, voilà. Bon, hein. Et ils seront pour l'essentiel bientôt sortis, sauf les vieillards, Kakoshim, qui ont déjà 3, 4 pathologies, qui vont passer l'arme à gauche, parce que quand même, à 88 ans, c'est un peu dur. Voilà. Donc, mais il y a quand même des gonzesses qui vont se présenter. J'ai sauvé l'humanité. Hein, j'ai mais sauvé non, mais même si c'est le cas, j'ai envie de dire, ok, même si tu fais un acte honorable et que tu sauves une vie, est-ce que tu as besoin d'une grande reconnaissance, d'une médaille, non, mais je veux dire, crier non, sur non, tous les toits? Moi, c'est ça, je trouve ça, ça ouais, un, non, peu, mais, je trouve ça un peu indécent, tu vois. Moi, je suis un peu sur le côté non, je Goy du Nord et on se tourne pour pleurer, tu vois. Ouais, mais je sais très bien, mais moi, le truc, c'est que tu donnes à des femmes le moyen d'avoir un levier sur les hommes, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Les infirmières, là, vous leur avez donné 10 ans de chantage. 10 ans, facile, 10 ans. Ça va plus terminer. Ça va plus terminer. Coûter cher. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Le gouvernement a promis de l'aide au niveau des hôpitaux. Le gouvernement a été le premier à lâcher la grosse connerie de dire le personnel hospitalier est sous-payé. Attention, c'est vrai, je suis d'accord, ils sont très très mal payés. Maintenant, le principe, c'est qu'avec cette histoire, tous les mois, tu vas avoir une grève en disant « on veut du RAB ». Parce que soyons très clairs, ce que le gouvernement promet comme augmentation, comme aide et autres, ils n'auront jamais un bal. Hein. C'est du blabla électoral, c'est tout. Hein. Bah, ils auront ce qui sera permis par l'inflation et l'endettement. Pas grand chose. Oui, enfin, t'as la question des gonzesses aussi. Parce que tous les métiers féminisés fonctionnent à la reconnaissance. Il faut démontrer quotidiennement de la gratitude. Et il faut faire des courbettes, offrir des fleurs. Et ce qui se passe dans le foyer se passe exactement de la même façon dans les milieux professionnels. Il se passe exactement la même chose avec les profs, qui sont un milieu qui est également très féminisé. Il faut de la reconnaissance. Il faut que les gens fassent des courbettes et s'inclinent devant le courage exceptionnel de ces femmes qui ont mis des seringues dans des bras. Enfin, tu sais, le geste héroïque qui demande un sacrifice et une abnégation. Ben, on a Verdun. Au péril de ta vie. On a Verdun. Oui, non, mais attends, c'est quand même... Moi, ça me gonfle sérieusement quand je vois les tocards et les PNJ qui applaudissent sur leur balcon. Dire, à la limite, si vous avez envie d'aider les infirmières, je sais pas, évitez de vous rendre aux urgences pour rien et faites en sorte de développer un système immunitaire pour éviter de surcharger les hôpitaux. Ça aura beaucoup plus d'impact que d'applaudir comme des cons. Ça les intéresse pas, ça. Oui, non, ça les intéresse pas. C'est pas gratifiant, tu vois, parce que... Je pense qu'il y en a beaucoup qui applaudissent au balcon, qui doivent aller déposer des petites lettres au médecin qui aurait le chaussé. Monsieur, oui. Ça serait bien quand même de partir. Oui. Merci, hein, mais quand même, pensez aux autres. Venez des... Pensez, ne nous apportez pas la peste, s'il vous plaît, nous applaudissons le soir. Bon, cassez-vous. Il y a quand même une remarque à faire, c'est que l'infirmière de 14-18, l'infirmière de 40-45 avait des prétentions qui étaient à des années-lumière de ce qu'on voit en ce moment. Eh ben oui. Bah, on va voir dans la semaine comment ça se présente au niveau français, puisqu'ils annoncent que ça va s'accélérer, que les hôpitaux vont déborder. Effectivement, là, ils sont sur le point de voir que ça va déborder, donc bon, à voir. C'est possible. On fera le point la semaine prochaine. Ben, ils ont envoyé un avion qui a pris, je crois, des Alsaciens direction l'Allemagne. Oui, en Allemagne, ils ont apporté aussi à Toulon et à Nice, je crois. À Cannes et à Nice. À Cannes et à Nice. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu. Ça fait panique, quoi. Il y a un seul avion qui fait des allers-retours partout. Donc, oui, ça risque d'être assez chaud au niveau de la santé. Au niveau des autres. Ça va être saturé, quoi. On va être saturé. Et donc, il va commencer à avoir des trucs, quoi. Bah ouais, mais quand t'as 5 000... Mais en nombre, ça va être pas beau à voir. Mais en nombre, encore une fois, ça sera... Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pour le. C'est juste qu'il y aura du spectacle, quoi. Il y aura du non, mais ça va être spectaculaire, justement, comme tu dis. Peut-être parce que, comme le ministère des Armées a mis 3 jours pour construire une tente qui sert à peu près à rien, oui, peut-être que ça peut partir en couille. Mais pour le coup, c'est pas la faute du virus si on est devenu un peu des nègres. Hein. Ouais, voilà. Alors, peut-être avant de se séparer, juste un truc. Vous avez pas vu ça, ce truc d'un groupe de réflexion américain, c'est le CSIS. Center for Studies and International. Attendez, voilà, que je sois précis. Oui, Center for Strategic and International Studies, qui a lancé publié une vidéo hier, 27 mars, qui explique qu'en octobre 2019. Ils ont fait une simulation de pandémie mondiale à base de coronavirus. Voilà. Et ils ont étudié les réactions qui seraient théoriquement celles des différents États pour mettre au point une stratégie. Et je cite parmi les intervenants donc un certain Samuel Brannan, qui est un ancien membre, qui est un fonctionnaire du Pentagone, donc le centre de commandement de l'armée américaine. Il explique en fait que dans ce type de crise, donc les conséquences économiques seraient massives et que la confiance du public donc dans le gouvernement serait le problème principal quant à la réponse à apporter. Donc il faudrait que les populations soient obéissantes. Voilà, donc crise économique, obéissance des populations. Donc ça, c'était la simulation qui date d'il y a 5 mois à peu près, 4 mois, 5 mois, 5 mois, 5 mois, ouais. C'est un groupe de réflexion très influent, très puissant, c'est un des principaux aux États-Unis, composé pour l'essentiel d'ailleurs d'anciens militaires, etc. Et c'est financé, son président n'est autre que Thomas Pritzker, qui est un juif d'Ukraine, milliardaire. C'est le hasard ou quoi? Ouais, enfin, mais il y a quoi de spécial là-dedans? Enfin, c'est juste... Ouais, désolé, je... Bah, je sais pas, un mois avant la pandémie mondiale, les mecs font une simulation où il y a une pandémie mondiale de coronavirus, ça vous parle pas? Bah moi, je sais qu'on avait déjà entendu parler du virus du chameau, le coronavirus du chameau, donc peut-être que ça prévoyait, par exemple, une contagion de ce virus-là par tous les crouilles qui grouillent de partout. Donc c'est pas forcément, je serais pas forcément y voir le plan de comme quoi c'était prévu à l'origine et que c'est bon, voilà, ça me paraît un petit peu gros comme ficelle. Moi ça me paraît assez clair. Je pense pas qu'on puisse comme ça se lancer dans des conjectures en disant voilà, il va y avoir parce qu'on parle pas on parle pas de 3 personnes dans un bureau, on parle vraiment d'un des principaux groupes de réflexion américains, ouais. Avec des moyens pratiquement illimités, offerts par des milliardaires de la finance juive américaine. Donc ce sont des gens qui, un mois donc avant cette pandémie, font des modèles. Donc en fait, c'est des exercices en temps réel pour leur public. Font des modèles en temps réel en disant, voilà, et ils vous le disent après. C'est-à-dire, ils vous le disent pas, et vous le disent pas la veille. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les types arrivent en pleine pandémie, ils vous disent il y a 4 mois avant le départ, on a fait une simulation. Et ça colle, il va y avoir une destruction économique de masse, les réactions sont globalement celles qu'on a attendues, c'est exactement ce qu'ils disent, et dans tout ce qu'on va faire, le contrôle de la population est fondamental. Alors, à un mois de distance, c'est quand même un peu compliqué. Vous dire oui, mais quand même les pandémies. Non, je vous dis très clairement, c'est des gens qui avaient des informations. Je dis pas que c'est eux qui sont à l'origine du virus, mais c'est des gens qui avaient de bonnes informations. Comme ceux qui ont eu la bonne idée, hein, quand même le bon sens de vendre leurs actions la veille du déclenchement du plan global de verrouillage de la planète entière, en gros, enfin en tout cas de l'économie occidentale. Le verrouillage des vols de l'Europe. Vols, déplacements en général, toutes ces mesures qui ont été prises, il y a des gens qui étaient bien positionnés, on le sait, hein, au Sénat américain notamment, hein, au Sénat et à la Chambre des représentants, c'est des gens qui étaient très bien positionnés, qui très subitement, dont d'ailleurs certains qui ont des positions très importantes dans le système de santé de la Maison Blanche actuelle, hein, donc de Trump, ce sont des gens qui soudainement ont eu la bonne intuition, parce qu'ils étaient bien positionnés dans l'hôtellerie-restauration ou bien les compagnies aériennes, de vendre. Avant. Oui. Ouais, c'est ça quand tu fais partie du processus décisionnel. On dirait. On dirait. Enfin bon, il y a de la matière à réflexion. On a entendu aussi le président biélorusse aussi, peut-être Loukachenko, dire qu'il avait beaucoup de choses à dire sur la question et que la psychose qui avait cours, et notamment ceux qui parlaient de guerre, bon, pour citer Macron, hein, à mot couvert, que tout ça méritait des explications plus avant et qu'il allait les fournir au public. Donc, le président biélorusse a l'air de vouloir être bavard sur le sujet, j'attends de voir ce qu'il va nous dire, mais il n'a pas l'air d'acheter la version officielle de la pandémie apocalyptique originaire d'un trou à rats de Chine. Je sais pas, il y a peut-être d'autres choses, je sais pas, on va voir. Mais je suis curieux. Comme lui, je suis curieux. Quelqu'un d'autre ? En tout cas, sur l'utilisation qui est faite du virus, oui, c'est certain que bon, on a un petit peu dégrossi la chose. Oui, bon, ça me paraît à peu près clair. Ça me paraît à peu près clair. Ouais. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.